On sait que tu ne passes pas. Tu plus cellulaire quand la ligne est restreinte. Gâté, appétit, passe me par je la moule à du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit, passe me par je la moule à du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit. Gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit. Gâté, appétit, appétit. MHD sur Skyrock. Pour bien démarrer la soirée, on écoutait Afrotrap partie 5. Et une grosse soirée qui démarre. C'est jeudi, c'est Radio Libre et c'est en direct et c'est parti. Romano. Toi, tu me suces la bite après que je t'ai enculé. Ouais, bah pas de problème, ouais. Comme ça, elle aura du goût. Oui, bah bien sûr. Difool. Donc tu rentres le gland d'abord. Ouais, voilà. Cédric. Je suis beau gosse comme un saumon. Marie. Du cul. Samy. On verra le jour où on est racheté par les Qataris, on aura une chance. Momo. Oula, t'as vu ? Et Karim. Salam alaikum. Difool Radio Libre tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Et salut tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bonjour, bonjour, bienvenue donc à vous tous et à vous toutes. On salue Kitam qui vient d'arriver, bonjour à Brian, bonjour à tous ceux qui nous laissent des messages. Je regarde des messages depuis tout à l'heure, ça défile, ça fait plaisir. Bonjour à Django du 91, salut Django du 91. Bonjour à Vincent qui vient d'arriver aussi. Vous voyez, la France entière est là, on a des messages du 75, salut les Parisiens. On a des messages du 31, ça c'est du côté de Toulouse, salut Toulouse. Yes. Et salut Lucas de Toulouse. Il y a Polo qui nous laisse un message aussi. C'est pas le Paul Pogba. Ah non. Paul Pogba, il a fait un bras d'honneur. Ouais, c'est la polémique. Ah ouais, j'ai vu ça, ouais. La polémique footballistique du jour. Je sais pas si vous avez vu. Il l'a vraiment fait ou pas ? Ouais, il a fait, il y a les images. Ah ouais, il a vraiment fait. Il a communiqué là sur ça. Ouais, ouais. Soi-disant, il a dit c'est une danse. Il danse. La danse du Pogba, je vous la fais. Attention, même avec mon bras. On va pas te casser l'épaule. Oui, je fais attention à ma tendinite. Je vous fais la danse du Pogba et hop là. Hop là. Puis il avait bien la haine dans le regard, donc sa danse, elle était énervée. C'était une danse vénère qui nous a fait le Paul Pogba. Bon, c'est la polémique du jour. Sinon, nous l'oublions pas. Le plus important, c'est qu'on est quand même en huitième de finale. Ouais. Et ça fait plaisir. Et je vous le disais, la France entière est là. Et les Polonais aussi. Brian vient de nous laisser un message. J'allais aux Pologne. J'espère qu'ils vont battre l'Allemagne. Oh, bah on va voir ça. Ça vient de démarrer juste à l'instant. Ouais. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Et on va suivre ce match Allemagne-Pologne en direct. Brian soutient la Pologne. Si vous avez un petit message à nous laisser là-dessus, un petit commentaire, vous n'hésitez pas d'ailleurs pour tout ce que vous voulez. Jusqu'à minuit, c'est parti. C'est au 01 53 40 30 20. Sur les SMS, le 41 759. Je vous disais, la France entière est là. Il y en a même qui sont au soleil. Salaud. Ah Jess. Putain, la chance. Jess du 83. Salut l'équipe. Bonjour de Sainte-Maxime. Je suis au soleil. Salut. Eh ben, ouais, salut à toi, Jess. Paris, on est sous la pluie. Ah, c'est ça. Voilà. Il y en a pour tous les goûts, ce qui est bien dans l'émission. Hein. Alors, j'ai une question très importante à poser aux auditeurs de Skyrock, Nifoul. Pensez-vous que l'entraîneur de l'Allemagne va encore se gratter le cul ou les couilles? Il ne peut pas s'en passer. C'est possible. Hein. Ah, peut-être. Hein. Eh oui, il doit pied cette fois-ci. Il les sent. Il est comme ça, ou alors il va peut-être se manger une crotte de nez. Ouais, directement. Wow. Surveillez le truc le plus intéressant du match. D'ailleurs, bah, au lieu de mettre le match, moi je diffuserai les photos, les vidéos de l'entraîneur. C'est ça. Faut le périscoper, l'entraîneur. Une caméra sur lui qui bouge pas. Une caméra sur lui qui bouge pas, ils le mettent en haut à droite, vous savez, sur l'écran. Ouais. Et on le suit, comme ça on rigole en plus. Ouais, une caméra de contrôle en fait. Pour ceux qui ne supportent pas le foot, par exemple, ça peut être pas mal, ça peut vous inciter à jeter un œil sur le match. Bon, en tout cas, le match, on le suivra en direct avec les Polonais d'un côté et les Allemands de l'autre. Bon, bah c'est bien aujourd'hui, ils vont pas se traquer, ni Romano ni Cédric, puisque ni l'un ni l'autre ne sont là pour l'instant. Voilà, ils se tirent la bourre pour leur tard. Donc, ils ont baisé ensemble. Peut-être. On prendra des nouvelles d'ici tout à l'heure dans l'émission. Des nouvelles en direct. Et puis, bah, sinon, bah oui, on attend Romano pour le problème du mois du jeudi soir. On va aller faire un tour sur le net. Et si vous avez chopé des gens un petit peu bizarres, un petit peu chelous sur le net, n'hésitez pas à lui les envoyer. Romano@skyrock.com, vous pouvez envoyer. Puis, vous retrouverez peut-être vos tarés dans le problème du mois, car nous allons occuper des gens à problème. Ils ont des soucis, ils ont des problèmes, ils écrivent sur le net et ça va pas. Et bien sûr, et Skyrock. Tête, ouais. Skyrock est là pour les aider et leur filer des coups de main. Et ça, c'est quand même super. Qu'est-ce qui se passe? Ah, quelqu'un veut écouter Designer. C'est qui l'inconnu sur SMS? Ah, Panda. Eh ben écoute, c'est une bonne idée parce que moi aussi, tiens, ça tombe bien. Ouais, c'est bien ça. On écoutera un petit Designer pour démarrer. Et puis on prépare les doubles appels de la soirée. Alors, les doubles appels, vous vous savez comment ça marche, vous nous laissez les numéros, on les appelle tout à l'heure, on les met en contact et on les retrouve en direct dans l'émission. Les familles ont la parole, c'est comme ça que ça se passe sur Skyrock. C'est un peu comme vous, hein. Vous avez la parole, vous le savez, vous êtes sur Skyrock Radio Libre. Eh bien, les familles peuvent aussi s'exprimer en direct et ça, c'est super. Génial. Il y avait un petit message qui m'avait fait rigoler là qu'on va mater tout de suite. Et puis il y a Elias aussi au téléphone avec nous en direct de Grenoble. Eh ben, on va dire bonjour à Elias. Salut Elias. Salut l'équipe. Coucou. Salut à toi. Il y a un petit message d'Alexandre aussi qui m'a bien fait rigoler. T'appelles de Grenoble. T'es quel temps à Grenoble? Parce que j'ai vu qu'à Sainte-Maxime, vous étiez encore au soleil. Des orages. Oui, j'ai entendu dire. C'est pour ça que je te demande. C'est pour consoler tous ceux qui avaient entendu le message de Sainte-Maxime là. Ouais, c'est sympa. Voilà, il y a des orages. Ça arrive à Grenoble. Bon, tout va bien, Elias? Ouais, ça va, tranquille. Tranquille. T'as vu le match de foot hier soir? Ouais, j'étais content pour Payet. Payet, j'étais content pour Griezmann aussi. Ben justement, on va reparler de Griezmann là tout de suite pour démarrer la soirée. Parce que j'ai Alexandre qui nous a laissé un petit message. Alors Alexandre, on va essayer de t'appeler, mais pour l'instant, tu n'es pas joignable, mais tu m'as bien fait rigoler avec ton message là. Qu'est-ce qu'il a, Alexandre ? Ma sœur est folle. C'est le titre du message, c'est un mail qu'il nous a envoyé. Ma sœur est folle, elle me prend la tête avec Griezmann tout le temps, mais elle prend pas la tête qu'à moi, elle prend la tête à toute la famille. On a l'impression que c'est un dieu vivant. Elle est tombée amoureuse quoi. Elle est tombée amoureuse de Grizy. Alexandre, il a 15 ans. Et ta petite sœur, tu dis pas quel âge elle a, mais a priori, j'imagine que c'est qu'elle habite encore à la maison, donc on va dire qu'elle doit avoir entre 13 et 20 ans. Ouais, grosso modo. Vous avez une sœur qui est tombée amoureuse d'un joueur des Bleus à la suite de nos victoires, parce que c'est quand même la folie, les Bleus, on gagne tout le temps de dingue. Ah, ouais. On en profite pour l'instant, mais allez, les Bleus. Donc elle est tombée amoureuse de Griezmann. Mais Griezmann, il est marié, hein. Enfin, il a des enfants, Griezmann. Je crois qu'il a des enfants. Il a eu un enfant, là, il y a pas longtemps, il y a pas longtemps. Il en a au moins un enfant. Non, puis en plus, dire amoureuse, bon d'accord, amoureuse peut-être de l'image du mec. Elle le connaît pas. Ouais, mais elle le trouve trop beau, sûrement. Elle le connaît pas, donc son mari ou pas, ça change rien. Elle a peut-être mis des posters dans la chambre. T'imagines? Elle en parle à tous les repas et tout. C'est l'effet foot. Dites-nous s'il y a d'ailleurs, depuis le début de l'Euro, il y en a qui vous prennent la tête avec le foot. Ah putain. Depuis le début de l'Euro, moi, il y a un mec qui me prend la tête avec une tendinite qu'il a au bras. Ouais, c'est ça. Et oui, ça arrive en même temps. Une nouvelle d'un joueur blessé, peut-être. Un des 23. Un des 23 a une tendinite. Casse les couilles depuis le début de l'Euro, mais ça va, tranquille. Et pourtant moi j'en ai une, j'en parle pas, je comprends pas ce type moi. Les mecs qui se plaignent tout le temps, en plus. Tiens, ma mère est dingue de Giroud pour Brian, 19 ans, qui vient nous laisser un message. Bah il est pas mal, hein. Et là-haut, tiens, Giroud encore, regarde. Et là-haut, 22 ans, moi j'aime Giroud. Wow. Dites-nous d'ailleurs s'il y en a un que vous trouvez particulièrement beau gosse. D'ailleurs, vous avez entendu, il y a Charles Villeneuve qui nous dit Romano trouve qu'il a de beaux yeux clairs, oui, il nous l'a dit hier. C'est vrai qu'il a des beaux yeux. Romano est aussi tombé amoureux de Griezmann, comme ta sœur Alexandre. Non, mais il nous l'a répété plein de fois, je sais pas, il a bloqué sur les yeux Griezmann. Ouais, il était là-haut, il a de beaux yeux. Ah ouais, ouais. Oh, il est beau. Et oh, il est beau, Griezmann. Le mec est craqué, quoi. Oh, qu'il est beau. Bon, alors, les Anglais. Ah ouais, alors les résultats du jour. On donne les résultats, puis après, on t'écoute, Elias. Et puis, vous réagissez hein, sur Alexandre, qui en peut plus avec sa sœur. Qu'est-ce qu'il peut faire, Alexandre? Tiens, il a une petite fille, Griezmann, nous dit Mathéo. Merci, okay. Mathéo, du petit renseignement, là. Griezmann, c'est vrai qu'il est trop beau gosse. Ah bah tu vois, elle est pas toute seule, tu diras à ta sœur, ça lui fout de la haine, tiens. Qu'elle a de la concurrence. Griezmann a un beau cul, nous dit Lina. Lina, j'ai jamais remarqué. Mais j'ai pas regardé le cul de Griezmann, j'ai vu sa tête hein, déjà, mais ouais, mais j'imagine qu'il doit avoir un beau cul, il doit être musclé. Ah, Marie. Elle va pas tarder à se taper un footballeur. Non. Ils ont des beaux culs, les footballeurs. Non, mais pas du tout. D'ailleurs, je lance un message. Non, ça va, Paul. Mais également à Didier. Didier, si tu nous écoutes. Ouais. Non, mais sportif de haut niveau, comme ça, en général, ça va, le petit cul. Ouais, ils s'entretiennent, pas mal. C'est qui que tu trouves le plus? Regarde, je comprends, Griezmann est canon, nous dit Jules. Même chez les mecs, ils cartonnent, Griezmann. C'est ça, tu marques des buts et après, c'est la folie. Il est pas mal, mais il a des boutons, un peu. Tiens, demande à la prod de nous envoyer le petit coup de fil de Patrice Evra, puisqu'on parle des bleus. Ce matin on a fait le réveil de star avec Patrice Evra, c'était sympa comme tout. Ah ouais, il cherchait la taupe toujours. Bah évidemment, il creusait et il chante. Il a fait un super freestyle ce matin, alors vraiment, wow. Je savais pas qu'il avait des talents comme ça, des talents de chanteur, un truc de ouf là. Un artiste, et on peut le dire, c'est Paul Pogba, chercheur de taupe, taupinier. Non, Evra, tu as dit et artiste. Oui, Evra, j'ai dit quoi? Ah ouais, t'as dit Pogba là d'un coup. Très bien. Non, t'as dit Evra, dit full. Ouais, bien sûr, Marie et Ivre, comme vous pouvez l'entendre. Bien sûr. sûr. Marie est ivre et elle a bu. Non, pas encore. Alors, donc, on s'en occupe dans un instant, on en parle ensemble. Vous bougez pas. Et on vous prépare un petit Patrice Evra dans un instant aussi sur Skyrock. Allemagne-Pologne, 8ème minute de jeu, 0-0. Voilà, ça c'était pour toi, Alexandre, qui en peut plus de l'euro. C'est ta sœur qui te dégoûte de l'euro, c'est quand même un truc de ouf. Ouais. Moi, mon père, il boit pendant l'euro, c'est pour ça que j'aime pas ça. Ah, bah tiens, Alexandre qui nous envoie un message, mais un autre. Alexandre. Bah, c'est que pendant l'euro. 18 ans au Beaumont-Ruy, oui. c'est que pendant les matchs de foot. c'est que pendant l'euro. Ah, mais ouais, mais c'est pas faux. Bon, alors, Elias, donc t'es à Grenoble et t'as 15 ans. Salut, Elias. Salut, Elias. Ouais, re. C'est qui le joueur que tu trouves le plus beau gosse? C'est Grizzy pour la sœur d'Alexandre, toi, c'est Pogba. Tu veux qu'il te fasse sa danse du bras d'honneur? Et c'est pas nouvelle danse, c'est la danse du bras d'honneur. J'aimerais savoir à qui c'était destiné ce bras d'honneur. Ah, il a pas dit, bah non, il a dit qu'il l'a. Ah, bah non, lui, il a dit que c'était une danse. Au journaliste, apparemment. Au journaliste? Tu crois? Ouais, bah apparemment, c'est ce que j'ai entendu dire, moi, qu'il avait fait parce que les journalistes, ils l'ont un peu trop critiqué ces derniers ouais, temps. C'est ouais, non, ça c'est clair, moi. Mais bon, il n'était pas critiqué non plus, face à juste titre. Ouais, ils l'ont pas traité. Ouais, voilà, ils l'ont pas traité non plus, quoi. Atem Ben Arfa est trop beau gosse, tiens, on nous dit là sur SMS. Mais il est pas à l'euro. Non. Alors, on y revient tout de suite, on en reparle en direct dans un instant. Et on vous prépare Patrice Evra à la recherche de la taupe et avec un super, super freestyle. Trop fort, Patrice Evra. Bon, Elias, toi, t'es à Grenoble et qu'est-ce qui t'arrive, Elias? Moi, j'ai redoublé ma troisième, en fait. Eh bien, bienvenue à toi, bienvenue au club. Bienvenue dans le royaume des cancres. Non, mais c'est bien d'appeler aussi comme ça parce qu'on parle souvent des mecs qui ont réussi. Vous allez voir pour le bac, il va y avoir les meilleures notes du bac, mais jamais les pires. Pourquoi on met pas à l'honneur les pires notes du bac? C'est vrai? Bah en général, t'évites d'afficher quelqu'un qui est... C'est vrai aussi, oui. Oui, c'est vrai que vu comme ça... C'est un peu la honte, quoi. C'est vrai aussi, oui. Bon, donc toi, tu... Oh, les lumières viennent de s'éteindre. Ouais. Et Romano vient d'arriver, bonjour Romano. Oh, tu arrives, bonsoir. Tu arrives dans la sombritude ce soir. Ouais, mais oui. C'est une chauve-souris, il aime bien... Et Cédric trouve quand même le moyen d'arriver après toujours toi. Aussi c'est toujours aussi drôle, chauve-souris dans le noir, tout bah ça. Bah ouais. Très bien, merci Marie. Ah bah oui, c'est très très drôle. Là. Ah bah, tiens, l'équipe est hilar ce soir, elle est hilar. Elle est hilar, elle rit, elle n'en peut plus. Chez vous aussi, Gigi. Romano dans le noir, chauve-souris, tout ça. Et ouais, bah dis donc, ils s'en mettent pas de ma blague. Hein. Bah, elle est vraiment très drôle. Tellement drôle. C'est ça. Bon, et comment ça va, Romano? T'as vu, tu trouves quand même le moyen d'arriver avant Cédric, ce qui est quand même pas mal. Ouais, mais je sais, on était en ligne, vu que personne ne vous appelait, on s'est dit, bon, on va se parler tous les deux. Ah, bien, alors, ça va, c'était cool. Vous êtes raconté des trucs sympas? Ouais, bah, tout s'est bien passé, parce que Cédric, on se parle et tout. Je disais, j'étais bien déglingué hier. Cédric était content, j'imagine. Ah, voilà, je pense qu'il voilà. J'ai un problème, ça bouge. Voilà. Alors, Elias, t'es en troisième, t'as dit que tu redoublais, mais si t'as le brevet, tu redoubles quand même? Bah ouais, normalement. Ah, ouais. Gaspillage, ça. Faut essayer de trouver le moyen de pas redoubler avec le brevet, Elias. Mmh. Ah oui, si t'as le brevet, faut que tu fasses un deal. Tu peux pas faire un deal avec le bahut. Non, ils veulent pas. C'est déjà fait, je redouble. Ah, c'est ouais, déjà fait. C'est mort. Bon, bah écoute, ce que tu peux faire, c'est essayer de dealer autre chose. Essayer de dealer de partir en vacances maintenant, plutôt que de partir en vacances à la fin du brevet. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Tu vas être obligé de le repasser l'année prochaine. Ah bah là, t'es obligé, ouais. Tiens, une petite question. Quand vous l'avez sur la première année, quand vous l'avez sur un an et que vous redoublez, est-ce que vous êtes obligé de le repasser l'année après? Tu sais ça, Elias? C'est quand même cool. Normalement, si je l'ai là, je sais pas. Si tu l'as une fois, est-ce que l'année prochaine, t'es obligé de le repasser? Normalement, non. Non, bon, bah écoute, passe-le quand même alors. Bah c'est déjà ça de prix. Ouais. De toute façon, je pense qu'avec le redoublement, si tu dis à tes parents, ouais, je vais partir en vacances avant parce que je m'en fous du brevet, ça va pas passer. Non, ça va pas le faire. Bon, bah écoute, bon courage à toi, Elias. Putain. C'était pour représenter parce que c'est vrai, on a souvent ceux qui réussissent les trucs, c'est eux qu'on voit dans les médias en général. Eh bien, vous aussi, vous êtes cancre, vous avez la parole. En tout cas, tu vas passer de bonnes vacances, ouais. Mm. Parce que ça, quand tu redoubles, à mon avis, les parents, pendant les vacances, ils te niquent. Hein. Au niveau des sorties et tout ça. Ah, ils sont énervés, oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont puni? Normal. Ils ont fait quoi, les parents? Ouais, ils m'ont puni, j'ai plus l'appeler, plus rien. Donc t'as pu l'appeler. Tu pars en vacances quand même cet été? Ouais, je pars. Très bien, parfait. Payette, je l'adore, il a la coupe à Pépito. Oh, Mathéo qui craque sur Payette. C'est Pépito, mais c'est vrai, il a la coupe à Pépito. Je sais pas qui c'est Pépito. Pépito, mais si, c'est les bons gâteaux. Ah, les gâteaux au chocolat, là, ouais. Les gâteaux au chocolat. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe à la coupe de cheveux. C'est Pépito. Bon, alors, Elias, bon courage pour la suite. C'est la semaine prochaine, le brevet, non, ça? Ouais, c'est ça, ouais. Eh bien, écoute. On sera là avec toi, on croise les doigts pour toi, mon bon Elias. Assure. Bon courage, assure. Merci. Et si tu veux que je te dise quelques messages, j'ai Valentin qui nous laisse un message et qui dit « Moi, je passe en seconde avec 13,33 de moyenne. » Et a priori, t'es pas obligé de repasser le brevet quand tu redoubles. Oui, c'est ça, donc tu confirmes. Il y a Doug Wilson, lui, ça lui est arrivé, il l'a pas repassé. Bon, bah passe-le quand même cette année. Bah autant le réussir le premier coup, comme ça, moi, l'année prochaine, tu seras en vacances plus tôt. Oui, et puis ça évitera de mettre ta famille à bout de nerfs. T'auras au moins sauvé ta saison d'école, quoi. Oui, voilà, tu y vas. Non, mais c'est vrai, ouais, bon, tu redoubles et t'en rends moins le brevet. Les parents, moi, ils sont soulagés sur ce truc-là, quoi. Moi, c'est ma meuf qui me fait du chantage. Ouais. Elle ne me suce plus tant que j'ai pas mon diplôme. T'as quoi comme diplôme? Ah ouais, t'as 20 ans, donc ouais. Ah ouais, putain. Toi, c'est pas le brevet, a priori. Oh, la carotte. Ah ouais, ta meuf, elle te suce plus. Genre, hey, je te suce plus si t'as pas ton brevet. C'est pire que les parents, ça encore. Ça, c'est du chantage. Moi, j'aime pas le chantage. Vous avez vu qu'en Suisse, il y a un café qui va ouvrir pour les mecs, c'est Café Pipe. Café Pipe, dis donc. Ouais, tu prends ton café, tu peux te faire sucer. C'est pas mal. Hein. Mais par qui? Par la serveuse? Ouais, bah, il y a des nanas qui font ça, oui, parce que, oui, forcément. C'est des nanas qui passent dans la rue, quoi. Et tu peux en faire un café au lait? Ouais. Je n'avais pas pensé à ce truc-là, mais. Ouais, il y a un truc qui va ouvrir comme ça, je sais pas quand, mais j'ai vu l'info passer. D'ailleurs, j'y vais dès que ça ouvre, j'ai fait l'inauguration de Café Pipe. Mais non, mais on pourrait le proposer à Cédric. Il va être content. Ça va lui faire plaisir. Bah, oui, Cédric, quelle bonne idée. Insulter quand il va arriver. Un Café Pipe. Salut les filles. Ça changera des caves des immeubles, ça changera un petit peu de tout ça là. Exactement. Bon, bah écoute, bon courage Elias, et bon courage à ceux qui passeront le brevet et ceux qui ont encore le bac à passer demain et ceux qui attendent les résultats de leurs examens. On salue les BEP, les BTS, les CAP, tous les autres. Bon courage et venez vous détendre avec nous tous les soirs en direct sur Skyrock. C'est au 01 53 40 30 20. Bon, voilà, je vais vous faire écouter Evra. Salut Elias, ça raccroche pas, on t'envoie le t-shirt bon Skyrock à la maison. Et en effet, merci. Bon courage Elias. Ah, excusez-moi, désolé l'équipe, ma bite est restée coincée dans la gorge de Cédric. Mais là, on vient de réussir à se décoincer. Il va arriver. Ah, merci Mike Lemort qui vient de nous laisser un message. Tu nous donnes une nouvelle de Cédric, c'est vrai que ça nous fait plaisir. Big up à toi Mike et bon courage à la gorge de Cédric. Et également à ta bite, bien sûr. Ah oui, ça va pas ressortir indemne de la bouche du Belge. Tu n'aimerais pas sortir ta bite de la bouche de ces Belges? Ah non, ça va, non. Pourquoi? Bah, si elle est coincée en plus. Ça va me dire, c'est bien humiliant qu'il me suce. Ah, ça y est. Tu as des envies d'humiliation. Cédric vient de m'envoyer un message d'ailleurs sur mon iPhone 6S que vous gagnez sur Skyrock le matin. Ah, bah ça l'a fait beaucoup rire. Ah, et derrière, je sais pas, il a mis une main fermée. C'est bizarre, une main fermée. Ah, il a mis. Bon, bah écoute. Avec une main fermé derrière. Très, très bien, Cédric. Merci de ton message. Bon, mais surtout, on t'attend, Cédric. Oui, hein. C'est ça. Ce sera mieux. Dans un instant, il arrive. Designer qu'on va trouver avec Panda sur Skyrock. Ça, c'est du gros son. Du gros son ce soir. Hein. D'ailleurs, en parlant de gros son, merci Black M qui nous a fait découvrir hier en exclu son nouveau son. La nuit porte conseil. C'est un extrait de l'album qui va sortir au mois d'octobre. Black M était avec nous hier. Il était en pleine forme. Black M, tranquille, après la victoire de l'équipe de France. Et donc, nouvel album qui sort en octobre. Et déjà des sons sur Skyrock. Le premier, vous l'avez découvert dans la radio libre. Il y a le clip aussi qui est sorti. Black M, on m'a dit, j'ai pas vu le clip encore. On m'a dit, il est torse nu, tout ça. Bon, on va parler de nos footballeurs dans un instant avec Polo qui nous appelle de Lourdes. Alléluia. Salut Polo. Salut Polo. Bien pratique d'ailleurs pour s'habiller, Polo. Comment ça va, Polo? Ouais, aussi, ouais. Ça va. Bienvenue. T'as 26 ans. Et toi, tu nous appelles pour le message d'Alexandre, 15 ans, qui en peut plus de sa sœur. C'est ça, parce que sa sœur, ça y est, elle est devenue fan de Griezmann. T'as l'impression que c'est son mec, Griezmann. Et elle fait chier tout le monde. Et elle fait chier tout le monde, même sa mère, elle fait chier. Je connais. Ah, tu connais. Bah, tu vas nous en parler. Tu restes là. Tiens, regarde, Madame Neymar qui nous envoie un message qui dit Payet est un beau gosse, mais le plus beau, c'est Matuidi. Merci, Madame Neymar. Elle a 18 ans. Vous imaginez, en plus, elle sort avec Neymar. C'est pas la classe, ça, quand même. Ah, si. Je l'adore, Griezmann. Il est trop beau gosse. En plus, il a l'air sympa. Bon, bah, toi, tu connais ça à la maison. C'est quoi? C'est avec ta meuf, avec ta mère? Ouais, c'est ma meuf. Ouais, elle me fait chier un peu pendant les matchs, des fois. Ah, ouais. Ah, putain, il est trop beau. Oh, regarde. Oh, il a un trop beau cul. Ouais, Non, même pas, moi c'est pour les règles de foot, moi. Pour les... Ah, il comprend rien. Alors oui, on a demandé, attends. C'est vrai, vous avez quelqu'un qui vous prend la tête depuis l'Euro, eh bien, vous nous faites signe que vous soyez fan de l'Euro. Ah ouais, c'est chiant. Ou pas du tout, fan de foot, ou pas du tout. On vous attend en direct. Donc tu bouges pas, Polo, on se fait designer on se fait Panda de designer, plutôt, mais c'est designer qui chante. Et c'est Panda, gros rap, gros son rap US à retrouver maintenant. Polo est ta meuf qui te prend la tête, la sœur d'Alexandre qui lui prend la tête aussi. Écoutez, sur Skyrock, pas de prise de tête, on va trouver toutes les solutions. Et puis Patrice Evra aussi, pour le réveil de Star et les familles du double appel, bien sûr. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock! Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Money show. Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock! Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr! Champion, mon frère! Justin Timberlake. Justin Timberlake revient avec un nouveau tube, Can't Stop the Feeling.

visit don't need the fam. Credit cards and the scams, hitting the links in the van. Legacy, fam. Why is he lit like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, fam. Why is he panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man had the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your band. Hope you killers understand me. Panda, c'était Designer sur Skyrock. Come on. 21h minuit, la radio libre de Difool. Seulement sur Skyrock. Et on est là en direct sur Skyrock, radio libre, jusqu'à minuit au 01 53 40 30 20. Ça, c'est le moyen de nous joindre à n'importe quel moment de la soirée. Dès que vous avez envie de dire un truc, dès que vous voulez faire les cons avec nous, profitez-en. Et puis, ben, sur le 41-759, l'appli Skyrock et le skyrock.fm pour nous laisser plein de messages. Les meufs suivent le foot pour les mecs. Griezmann a un trop beau cul. Encore? Ben, arrêtez avec le cul de Griezmann, là. C'est Alexandre qui nous envoyait un mail dans la journée. Alexandre, 15 ans, avec sa sœur qui lui prend la tête parce qu'elle est fan de Griezmann. Et même la mère, elle en peut plus. Imaginez. Eh bien, on espère que vous en pourrez plus au moins jusqu'à la fin de l'euro, parce que si on va à la fin de l'euro et qu'elles en peuvent plus qu'à la fin de l'euro, ça veut dire qu'on est champion. Ou alors qu'on va ou alors qu'on va jouer la finale. Et ça, ça serait super. Ah, bon, c'est génial, mais... Grizzly d'ailleurs qui a des beaux yeux clairs. Un des membres de l'équipe l'a dit hier soir. Non, mais c'est vrai qu'il a. J'avais jamais fait gaffe à ses yeux. Il a vraiment des beaux yeux. Il a des très beaux yeux. Et oui, Romano, de très beaux et yeux. Et surtout clairs. Un très beau compte en banque, j'imagine. Oui, ça aide toujours un petit peu. Hein. Ah bah oui. Oui. Et ouais. En plus, il a marqué hier. C'est lui qui a délivré la France à la 90e minute, 88, 89, 90. On sait même plus. En tout cas, il nous a délivré. Bravo Grizzly, bravo, bravo. Bravo. Lui. Et on a Polo avec nous. Ah oui, puis je voulais vous faire écouter Patrice Evra. Là. Polo, t'es là. Toi, c'est ta meuf. T'en peux plus depuis le début de l'euro, parce que en fait, non, elle regarde et elle te demande des, elle te demande régulièrement des conseils. C'est ça. Du style, oui. Alors, un petit problème. Il a touché la balle avec la main. Pourquoi l'arbitre a-t-il sifflé? Et le mec c'est sur ça. Le côté, il a levé un drapeau. Pourquoi c'est fait? C'est ça. Pourquoi il y a la limitation? Pourquoi il y a un point? Pourquoi il y a les tris sur le terrain? Des trucs. Ah comme ouais, pas, c'est ça. Chiant. C'est comme quand tu regardes un film et que t'es avec quelqu'un qui comprend rien. Faut lui expliquer. Tu peux pas suivre. Ça rend dingue. Moi, elle m'a dit que c'était pour rigoler. Elle m'a dit que c'était pour rigoler. Ça l'amusait de m'emmerder, en fait. Bah, elle a raison. Elle s'amuse avec toi. C'est bien. C'est super. Je le prends pas mal. Il faut s'amuser. En plus, elle regarde les matchs avec toi, vous partagez ça ensemble, c'est mignon. Elle regarde quoi? La première mi-temps, c'est tout, mais bon. Ah oui, donc vous arrêtez la première mi-temps. Qu'est-ce que tu conseillerais à Alexandre avec sa sœur là, qui en peut plus de Griezmann? De pas faire attention. Oui, mais bon, c'est difficile si elle arrive, je sais pas, tu viens de petit déjeuner le matin. T'arrives, tu t'assieds et ta meuf elle te fait oh, putain, c'est super, t'as vu Grizzly? Est-ce qu'il est beau? Je l'avais vu toute la nuit. Je la regarde désespérément, j'ai dit tu me casses les couilles. Très bien, et après comment ça se passe? Oh, très bien sans doute. Comment? C'est juste pour savoir quelle était sa réaction après le tu me casses les couilles, c'est ça? Sa main dans ta gueule. Non, moi, je rigole, moi. Oui, alors on ne baisera plus. Jusqu'à la fin de l'euro. Je lui dis, ok, j'ai ma main. Il y a, c'est vrai, t'as ta main. Oui. Elle au moins, elle te laisse, elle te laisse pas tomber. Quoique, moi, j'ai failli en perdre une, j'ai failli perdre un bras en entier avec la main au-dessus. Ah bah, totalement. J'ai un pote, il est comme ça aussi, nous dit Apolio, là, sur les messages. Bah, parle-nous de ton pote, allez-y. Hein. Les femmes, toutes les mêmes, elles y connaissent rien. Ça, c'est un gros miso, quel âge t'as? 15 ans. Déjà miso à 15 ans. Ouh là là, tu promets, dis donc. Hein. Bon, c'est un gros Et Griezmann a son petit succès hein, quand même sur les messages que vous nous laissez là depuis tout à l'heure. Hein. Bah ouais, les meufs, Romano. Je vois qu'il a un petit succès là ce soir. Ouais, Grizzly. Premier Grizzly là. Bon, tu n'as pas tombé sous son charme, Romano, par hasard? Sous le charme de Grizzly? Que de ses yeux pour l'instant. Non, mais bon, surtout, ouais, ce compte en banque aussi. Ce mec-là, il gagne combien lui par an? Il gagne très bien sa vie. Ouais, t'inquiète pas pour lui, gros. Il doit être 350 000 net. Par mois? Oui, bah oui. Ah ouais, ça va, ouais. Il est bien, un peu plus de 3 millions par an, quoi. 3 millions, 5, 4 millions. Bah, tout de suite, moi je le trouve un peu plus séduisant. Ah, moi je trouve pendant, moi. C'est étonnant, ça, tiens. Je comprends pourquoi tu trouves, Romano, qu'il a de très beaux yeux clairs. Oh, les mecs, vous êtes graves. Bon, attends, excuse-moi, les femmes de footballeurs, en général, bon. Ah bah, ouais. Elles sont pas avec eux pour leurs beaux yeux, quoi. Bah, ça, non. Bah, oui, c'est bien, c'est bien d'y croire, ouais. Cet après-midi, il y en avait un. Je sais pas si vous avez regardé le match de l'Irlande du Nord. Là. Alors, tiens, on n'a pas donné les résultats des matchs de cet après-midi. Alors, j'ai pas vu, moi. Victoire de l'Angleterre 2-1 à la dernière minute, ils comme les Français. 2-1, putain, j'ai laissé, ils perdaient. À la 92e, ils ont marqué. Eh ouais, les Anglais. Putain, merde. C'est Vardy qui a marqué. Ils ont fait comme nous, ils ont maintenu le suspense jusqu'au bout. Pareil, les Anglais. Non, il a pas le premier. Ah, si, ouais, un doublé, t'as raison. Doublé, ouais, c'est lui, je crois, qui a mis le premier. 2-1 contre le Pays de Galles. Ouais. Victoire de l'Irlande du Nord 2-0 contre l'Ukraine. Ça, c'est une petite surprise. Et donc, ce soir, Allemagne-Pologne 0-0, 27 minutes de jeu pour l'instant. Et on suit ça en direct. Ah, voici le très bel entraîneur allemand. Mon Dieu, qu'il est beau. Joachim Löw. Il a les mains qui pue, hein, ça je tiens quand même à vous le dire. Non. C'est le mec qui se gratte le cul, qui se gratte la bite pendant tous les matchs. Donc ne lui serrez jamais la main à lui. Hein. Et ne le lâchez pas non plus. Bon, bah écoute, bon courage pour l'Euro. Elias, tu fais une bise à ta copine. Elias, Polo, tu fais une bise à ta copine. Et bon courage. Et bon courage à toi. Et, okay, et Payet est tellement bandant, même chez les mecs, regardez, c'est MMXP qui nous envoie un message. Ouais, moi j'ai besoin de personne d'autre à part Marie. Marie, t'es bonne, tiens, un autre message. Léo qui nous envoie un message. Léo Loué, salut à toi, Léo Loué. Oui, alors moi je gagne pas. Et le deuxième brut, c'est Sturridge. Hein. On nous dit, à Carmelo qui corrige l'info. C'est bien, tu perpétues une tradition dans l'équipe, Sabine. Toujours une petite info fausse pour voir si vous êtes bien attentif. Tu m'as dit quoi? C'est Sturridge qui a marqué. Sturridge, le deuxième but de l'Angleterre. Ouais, le deuxième but de Sturridge. Ah, Vardy le premier. Ouais. Ah, j'ai dit Vardy le deuxième. Et oui. Donc, merci Carmelo, merci Draman, merci Claude, merci Idir, merci pour les messages. Ouais, justement, dans le match de l'Irlande du Nord, là. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un, mais à un moment donné, il faut regarder le remplaçant, il s'appelait Williams, ou un truc comme ça, je crois. Oui. Il est rentré, il a une tête. Il a une tête de poire, non? Non, mais franchement, il a une poire tête. Williams. Tu sais, il est tout petit, il a une épaule de travers, il a les oreilles décollées. Bah, moque-toi pas, il a peut-être une tendinite et il est chaud. Ah, mais il a une tête. Putain, mais franchement, c'est le joueur le plus moche de l'Euro, je pense. Il joue Alors, l'Irlande du Nord, je crois. Il est rentré, c'était un remplaçant vers la 60e, ou autre comme ça. Et pour Grizzly, tiens, il gagne 5,5 millions d'euros par an, c'est vrai ça? C'est Benz qui nous envoie le message. Ouais, ça doit être ça, ouais, à peu près, ouais. Je lui disais que c'était un peu plus de. C'était 350, 100 000. 400 000 à peu près. Ouais, ça doit faire 400 000, ouais. Net, hein. Ouais, bah oui, pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, hein, ça, c'est pas mal. Bon, je comprends que ta sœur, et à la limite, avec un peu de chance, Alexandre, elle te le ramène à la maison, ça devient ton beau-frère. Enfin, bon, il est marié, je crois qu'il a un gosse. Hein. Donc, on a dit, ça va être difficile. Bon, merci en tout cas, Polo. Tu salues, tu salues ta chérie, et bonjour à tous les auditeurs de Lourdes. Et tu habites à côté du truc où il y a les pèlerins qui viennent? La grotte? Ouais, ben là, ils y sont, là, en plus. J'habite juste en face de la gare, donc je vois tout qui. Les arrivages, quoi. Ça, c'est une bonne ville pour draguer, Lourdes. Hein. T'as des arrivages de touristes. Si tu aimes les granits, les cartes de mamie et de papy, ils adorent. Ah oui. Non, ça. Ils sont vilains. Ils en plus, sont c'est des vieux. Sont vilains. Ouais, en mauvais état, quoi, tu vois. Donc. Ah, ils sont pas tout jeunes, oui, c'est vrai. Non, non, mais genre en fauteuil, béquille, machin. T'avais quoi, Samy? Ils viennent faire du miracle, quoi. Oui, dit quoi? C'est la ville des miracles. Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Non, c'est pas la ville des miracles. Non. Ne casse pas un mythe, Polo. Il y a des miracles à Lourdes. Oui, tu disais un truc sur le foot, Samy, non? Non. Ah, bah, excusez-moi. Non, avec Karim, on cherche le joueur. Ouais, non, mais je crois que j'ai trouvé. William, s'il s'appelle sûr, mais je crois que c'est lui, gros. C'est William, il joue au Pays de Galles. Ouais, il joue à Crystal Palace, c'est lui. Ouais, c'est lui. C'est Foussen, 16 ans, qui nous envoie le message, là. Ah, la tête, c'est lui, regarde. Ouais. Oh, c'est pas le plus moche de l'Euro? Oh. Ah ouais, quand même. Il a 20 ans. Oh, yeah. Oui. Attends, on dirait un Dragon Ball Z. Bon, après, tous les goûts sont dans la nature. J'ai des amis personnels qui ont aussi leurs problèmes. D'ailleurs, où est Cédric? Je ne sais pas. Bah, il est en route. Hein. Pas de nouvelles de Cédric? Non, pas là, mais tout à l'heure, il était encore loin. Ah ouais, il est bouché, je crois qu'il s'est fait baiser avec les embouteillages pour aller au Stade de France. Attendez, j'ai des nouvelles de Cédric. Ici, c'est Paris, 21 ans, qui dit: t'inquiète pas, Difool, Cédric va arriver. Il a fait des heures sup, il enlève ses collants et ses talons et il arrive. D'accord. Il se démaquille. Qu'est-ce qu'il foutait en collant et en talon? On va prendre des nouvelles dans un instant parce que ça m'inquiète, cette histoire-là. Merci en tout cas pour ton message. Ici, c'est Paris. Bon, voici tout de suite Patrice Evra, puisqu'on parlait de footballeur, si vous avez loupé ce matin. Patrice Evra dans un bar. On s'est dit, après la belle soirée d'hier soir, on va fêter ça avec un joueur de l'équipe de France. Patrice Evra arrive avec sa taupe et avec une super chanson. C'est-à-dire que Patrice Evra, on ne savait pas, mais se retrouvera peut-être bientôt dans Planète Rap. Ah bah putain. Je vous le dis, il a des talents de rappeur. Ah oui. Écoutez bien, juste cette nuit, en fin de nuit, on a appelé un restaurant ouvert 24/24 avec Patrice Evra. Écoutez bien. Un restaurant Les Petits Indécis, Kevin, bonjour. Bonjour. Bonjour. Je suis un joueur de l'équipe de France. Ah bah bienvenue, moi aussi. Je suis pas fou. On a sûrement joué ensemble. J'ai juste été capitaine d'une Coupe du Monde ratée. Ah, ben moi j'ai été capitaine de la Coupe du Monde gagnée. Et là, moi je suis tout énervé. Ah, énervé. Je suis le Didier dans l'équipe et... Ah, moi je suis Gogo Dancer. Ah, tu as trouvé des nouveaux sons, bon, ça va, j'en ai 4000 donc je suis assez costaud. Ah, ben pas mal. On a le talent, on a la qualité technique, tout ce qu'il faut. Ben pas de soucis, hein, moi j'ai sorti le podium déjà. Le seul boss, c'est Didier Deschamps. Oui, c'est mon père. Didier Deschamps, oui. Didier Deschamps a des soldats et moi je fais partie de ces soldats, c'est tout. Ah waouh. Je suis un soldat, j'ai pas de problème avec l'autorité. Moi non plus. Le problème de l'équipe de France, c'est le traître qui est parmi nous. Ah, il recommence. C'est qui? Je l'ai toujours pas trouvé. Ah. Demain tu vas juste aux toilettes, tu sais déjà dans la presse que t'as été aux toilettes, faut arrêter. Là, on va pas me mentir, je veux dire, on est des hommes. Ah oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas une petite souris, il n'y a pas quelqu'un qui s'est transformé. C'est que ça sort de quelqu'un qui est dans ce groupe. Mais commence. Monsieur, je dois vous laisser parce que là, j'ai des clients qui arrivent. Je vais commencer à me mettre au yoga. D'accord, on fait ça. À bientôt, au revoir. C'est gentil, on monsieur. On pouvait chercher des taupes. Mais non, mais c'est un grand moment. Ah bah ça, oui. Les taupes, c'est vrai. Je l'ai toujours pas trouvé. Il n'a toujours pas trouvé la taupe. D'ailleurs, hier, à un moment au stade Vélodrome, il était par terre et on s'est dit... Le nez dans la peau. Il est en train de chercher une taupe. Ça y est, ça lui reprend. Ça y est, c'est reparti pour un tour. Il nous refait un truc, Patrice Evra. C'est ça. Donc ça, c'était Patrice Evra dans un bar. Mais c'est pas fini parce que juste après, on s'est dit, on va quand même en faire profiter les familles, ah oui, de France. Là, c'est Patrice Evra et la famille de Christophe. Ah. Et c'est là qu'on va avoir droit au petit freestyle de Patrice Evra. Allô. Bonjour. Oui. Je suis un joueur de l'équipe de France. Oui. J'ai juste été capitaine d'une Coupe du Monde ratée. Ah, bah ça se peut, monsieur. Eh oui. Je suis le Didier dans l'équipe et... C'est le Didier, le mec. Ah, c'est bien. Tu as trouvé des nouveaux sons, bon, ça va, j'en ai 4000, donc je suis assez costaud. Oh, du David Guetta, tout ça. Il était un petit navire. Ça, c'est du David Guetta, ça. Il était un petit navire. Jamais navigué, qui n'avait jamais... Bon, bah, il a jamais navigué, oui, oui, oui. Oui. Non, mais c'est un grand moment. Ah oui, c'est pas mal, hein. Seul boss, c'est Didier Deschamps. Ah bah oui, quand même, je connais, hein. Non, moi, je fais mon boulot. Oui. Didier Deschamps a des soldats, et moi je fais partie de ces soldats, c'est tout. Ah bah c'est bien. C'est un peu arrogant, mais je m'aime tout le temps. Ah bah le but c'est de s'aimer soi-même, sinon ça sert à rien. Que ce soit dans les moments difficiles, que ce soit dans les moments de joie. Ah bah c'est bien. I'm crazy. Je resterai le même. Oui. Le problème de l'équipe de France, c'est le traître qui est parmi nous. Mais moi, les joueurs, bon, bah, je les regarde, mais c'est tout, quoi. Hein. Demain, tu vas juste aux toilettes. Tu sais déjà dans la presse que t'as été aux toilettes. Faut arrêter. Là, on va pas me mentir. Je veux dire, on est des hommes. Ah bah oui, quand même. Hein. Mais y a pas une petite souris. Y a pas quelqu'un qui s'est transformé. C'est que ça sort de quelqu'un qui est dans ce groupe. Bonne journée, allez, au revoir. Ça lui reprend. On pouvait à chercher des taupes. Arrête. Je l'ai toujours pas trouvé. Arrête de chercher les taupes. Patrice Evra, alors, il était un petit navire. Et l'autre, elle a rechanté derrière. Magnifique, magnifique, Patrice Evra, ah bah, je vous l'ai dit. Il était sympa, elle. Il sera bientôt dans Planète Rap, Patrice Evra. Bientôt, bientôt, bientôt. On va le retrouver, j'en suis sûr. Je le sens comme ça. Peut-être qu'il va se recycler dans le rap. T'en sais rien, Marie. Il était un petit navire. Nanana. Alors. Je me rappelle plus les paroles. Et moi non plus. Qui n'avait jamais navigué. C'est ça, voilà. Mais, oui. Il les connaît mieux que nous. Hein. Bon, merci en tout cas pour le réveil de Star. C'est demain matin le prochain rendez-vous. Je sais pas qui sera là au rendez-vous demain matin à 6h10, à 7h50, à 8h50. Ce matin, on était avec les Bleus à l'honneur et Patrice Evra. Bon, vous êtes sur Sky. Nous aussi, ça tombe bien. On va faire un point sur le problème du mois de ce soir. Ouais. On va retrouver tout à l'heure. Et tiens, préparez-nous les familles du double appel. Ah, on a envie de jouer avec les téléphones. Hein. Et vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment, c'est-à-dire maintenant par exemple, au 01 53 40 30 20, comme je vous le disais, vous nous laisserez vos messages aussi tout à l'heure pour aider les gens du problème du mois. C'est des gens qu'on retrouve toutes les semaines. Ils ont des soucis, ils sont sur le net et ils écrivent en complète détresse. Au secours, à l'aide, aiuto, help. Ouais, ils ont besoin qu'on les aide, en général. Et oui, Marie, oui, c'est vrai. Eh oui, ça va pas fort. Ils ont l'air un peu mouchés. Ah bah, par exemple, il y en a un, le mec, son kiff, c'est sa sexualité se résume à des paires de chaussettes. C'est-à-dire, il fait l'amour avec des chaussettes. Ah, très mais bien. Sale ou propre? Les deux. Les deux. Ah, mais j'ai déjà baisé. Qui n'a pas baisé en chaussettes? Non, mais lui, ouais, mais pas avec une chaussette, genre sur la bite ou se faire branler avec une chaussette, quoi. Ah, mais c'est pas où les mettre. Faut lui expliquer que les chaussettes, c'est pour mettre aux pieds. Bah voilà, parce que le pauvre homme, il est tout perdu. Ouais, il fait quoi, mais les gants, il les met où? Il se les met dans le cul? Non, c'est qu'en fait, lui, son kiff, c'est d'avoir des chaussettes qui touchent son sexe. Ça l'excite beaucoup. Mais ces chaussettes à lui ou? Des chaussettes qu'il récupère, des chaussettes à lui. Ça s'appelle le sock job. Le sock job. Très bien. Alors, il y aura ensuite... Ouais. Donc, problème de chaussettes. Donc, lui, il est déjà pas mal. Ah bah, oui. Hein, le sock job. Il y aura un mec qui se prend pour Batman, le Batman des sextoys, un peu. Le Batman des... Ah, Cédric, mais dis donc... Je suis là. Mais oui, tu es là. Et le café, machin, pipe, Marie, non, ça va aller. J'ai entendu. Tu peux pas aller en Suisse, Cédric? Non, ça va aller, tranquille. Très bien. Tu fais l'amour avec des chaussettes sur ton sexe? Non, t'es malade, t'as quoi, une capote, ouais. Oh là, elles sont trop sales. Non, elles sont propres, hein. Ah oui, ça va, ton sexe va sentir très mauvais. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Il y avait l'autre chauve là qui parlait mal, il disait qu'il voulait me baiser, mais... Bah, il t'a baisé hier. Bah, déjà, je t'ai baisé hier. Pfff, bah, au clash, ouais. Voilà. Bah, si, je t'ai baisé sévèrement. Hein. Demain est un autre jour, Cédric. Hein. Ouais, 72% à 28, c'est pas se faire niquer comme il faut, ça. Ça serait bien que t'en gagnes dans la semaine, parce que lundi, je crois que c'est Romano qui a gagné hier aussi. Ouais, parce que ces derniers temps, il gagnait pas beaucoup de clash, donc je vais se prendre un peu la confiance. Voilà. Par contre, prends des cours de parole aussi. Voilà. D'ailleurs, tu peux aller voir un ami à moi, il s'appelle Romano. Il donne des cours. Je suis orthophoniste, si tu veux, ils ont perdu. Des cours, mais pour pas cher. Alors ensuite, il y aura. Alors attends, pour l'instant, on a l'autre avec la chaussette. Il y a quoi d'autre après Spider-Man là. Du god genou. Alors Spider-Man, c'est bien ça. Ouais ouais, c'est ça. Ouais. Non, Batman. Ah pardon, excusez-moi. Le Batman des sextoys. Le Batman des sextoys. Ensuite, il y aura. Tu prends pour une chauve-souris, tu vois, c'est marrant parce que Marie, elle en parlait tout à l'heure quand tu t'es mis dans le noir. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu vois. Et il y aura également, là, c'est un peu là. Oui, je t'ai entendu, c'est bizarre ton truc là. C'est un peu le radio achat Skyrock. Là, c'est le god genou. C'est-à-dire que c'est un god avec une espèce de genouillère, avec le god qui sort et tu mets des coups de genou bon, dans le cul ou dans la chatte de la personne. Ah, non, mais c'est quand même très spécial. La god, tu te mets au genou, t'as des trucs. C'est un peu les trucs de footballeur, tu vois. Ouais, c'est bien, on est un peu dans le genou. Dans le ouais, pour s'entraîner, tu veux dire. Ouais, okay, voilà, okay. Ouais. Ensuite, il y aura des boutons sur les couilles et du god ceinture pour bien se terminer. Eh bien, on va se terminer avec un god ceinture ce soir. Ouais, ouais, c'est deux potes qui ont envie de s'amuser avec des god ceinture. La soirée qu'on va passer ce soir. Donc, ça, c'est pour le petit sommaire rapide du problème du mois. On fait un sommaire détaillé tout à l'heure et puis on attendra vos votes. Vous choisirez parmi les 5 problèmes du mois. Ouais. Celui que vous préférez, évidemment. Celui que vous préférez sera en direct lu par Romano sur Skyrock et tous ensemble. Mais oui. Eh ben, on l'aidera. Tous ensemble, on lui filera un petit coup de main parce qu'on est comme ça sur Skyrock. C'est quand même la radio de la solidarité. Voilà. Ouais. La Sky Solidarité va se mettre en place. Ça, j'en suis sûr. C'est sûr et certain. Bon, allez, double appel, c'est parti, on y va. Comme promis, on y va. L'appel masqué, vous vous amusez bien? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Les appels masqués, j'ai pour habitude, je ne réponds pas. Le double appel de Default sur Skyrock. Oui, ben, allez-y. Il est marrant, lui, parce que il dit je réponds pas, mais on était masqué. Mais il a quand même répondu. Ah ouais? Ben oui. Ben oui. Alors, j'avais recoupé la musique. Alors, pour. Alors, Samy, je vois que t'es en train de faire des numéros. T'appelles qui? Ce soir, on a plein de numéros, des bons. Merci pour les numéros que vous nous laissez. D'ailleurs, vous nous les laissez sur le 41759, sur la piste. Deux pages de numéros, là. Vous n'hésitez pas, vous nous laissez tout ça. Et on y revient tout de suite, puisque je vois que tu es en train de faire le numéro de Jean-Pierre et le numéro de Ludovic. Voilà, c'est parti. On appuie sur les boutons, on les connecte ensemble. Et c'est parti. Jean-Pierre et Ludovic. Préparez les petits sons quand même, on sait jamais. Ça peut servir. Ah. Ouais, c'est bon. Voilà. On a tout ce qu'il faut. Je suis blond, j'ai un 1m84. Oui. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Mais non. Mais non. Mais non, j'étais pas prêt sur les sons, excusez-moi, refais. Vas-y, rappelle, Samy. J'étais pas prêt. Allez, vas-y, renvoie. Est-ce que je suis prêt là maintenant? Putain de ta gueule, toi, voilà. J'étais pas prêt sur mes sons, j'étais pas sur le bon. Pour répondre à votre appel. Bon, allez, il peut pas répondre, allez. Oui, allô. Ah, ça y est, je suis prêt, oui, allô. Oui, allô. Parfait, Cédric, t'es prêt aussi? Je suis prêt. Salut les filles. Mais non, mais Cédric, c'est toi dans les sons. Ah, mais oui. Patrick est là. Bien sûr, oui. Tout le monde est prêt. Romano aussi. Enregistrer un message après. Voilà, ça y est. T'as tes racks, Romano, c'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. Allez, on est parti. Oh. Absolument, oui. Bon, moi, je suis sur un rack de Cédric. Si t'es, Parfait. Ça sonne. Vous avez été piraté. J'ai fait des tests. Oui, comme on a fait hier, c'est super ça. Ou avant-hier, je sais plus. Voilà. Allô? Allô? Oui? Allô? Allô? Salut les filles! Allô? Allô? Parlez! Ça t'amuse, psycho, je t'ai reconnu, je sais que c'est toi. Ça t'amuse de m'emmerder? Ouais. Ouais, arrête de m'emmerder parce que ce problème, j'appelle les flics. Ça t'amuse avec ta connasse de sœur? C'est qui alors? C'est complètement écarté ou pas? Elle doit être emmerdée en ce moment par quelqu'un. Ouais, par quelqu'un manifestement. Je crois qu'elle est toi, petit con, avec ta sœur. Oui. Je crois qu'elle a quelqu'un qui l'arse. Ouais, c'est ça. Bienvenue sur la boîte vocale. Merci, la boîte vocale. Avec bon, bah, on a retenté le coup. Loupé pour la famille. Allez, c'est reparti pour un tour. Une autre que c'est reparti pour un tour. Vous envoyez vos messages, on peut même les tester en direct, hein, si vous voulez, là. Dans le 54. Hein. Dans le 54. C'est parti. Bah, bien sûr, oui. Ah, merci, Patrick. Allez, 54, ça répond pas. Je vois deux numéros qui arrivent. Numéro dans le 13, c'est mis chez toi. Et dans le 06, on peut faire les deux numéros. On ira dans le sud, vous allez voir, ça va être super. Oui. Allô? Oui. Allô. Qui c'est? Moi, Mick Back. Voilà. Qui c'est? Le plombier. C'est qui? Le plombier. Le plombier. Ben oui. Quel plombier? Eh ben, le plombier de Mont-Saint-Martin. Ben. Quoi? Le plombier de Mont-Saint-Martin. Le plombier? Vous avez une panne, vous avez une fuite. Une fuite. Mais qui êtes-vous, là? Ben, je suis plombier de Mont-Saint-Martin. Oui, eh ben... Allô? Qui vous voulez appeler, là? Ah, mais je vous ai pas appelé pour une fuite, moi. Mais vous m'appelez pourquoi? Mais je vous ai pas appelé. C'est vous qui m'appelez. Ah ben non, ça vient de sonner chez moi, là. Je viens de décrocher, moi, ça sonne et je décroche. C'est écoutez, pas moi qui appelle, hein. Ça fait trois fois que vous essayez d'appeler. Mais c'est pas moi, je réponds, le téléphone sonne et je décroche. Eh oui, mais il sonne chez nous aussi. Il sonne bon, chez nous aussi. Il y a des magouilles, alors, si ça, il y a le téléphone déconne. Bon, ben, c'est tout, mais c'est pas grave. Hein. Donc, c'est ça. Ça m'a affiché un numéro secret, donc j'ai quand même décroché. Ah, écoutez, moi, ça m'affiche téléphone secret aussi, hein. Ah, ben, c'est tout, là. C'est vraiment des conneries, hein. Non, mais c'est oui, tout, c'est trois fois, vous voyez, les deux premières fois, bon, comme j'en ai marre, j'ai pas voulu décrocher. Oui. Là, j'ai dit, ben, tant pis, je décroche, parce que vraiment, il insiste, hein. Oui, là, mais c'est tout, faut pas décrocher. Si ça sonne, moi non plus, je décrocherai pas. Si. Ah, ben, voilà, c'est ça, parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe, quoi. Oui, je sais pas ce qui se passe non plus. Bon, voilà, c'est tout, bonne soirée, bonne nuit, et puis, on va écoutez-vous de même, hein. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Viens, mon frère. Bon. Hein? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir, ça va, bébé? Oh, ça commence à défaire, hein. Je vais déposer plainte, hein. Salut les filles. Salut les filles. Ah bah voilà, c'est Cédric qui les a achevés. Bravo. C'est bien, voilà. Cédric. Merci. Viens, mon frère. Et je remercie la participation de Marquinhos qui était là. C'est Marquinhos? Ouais. Excusez-moi. Oula, bah, du péché. C'est Marquinhos ou Cédric est arrivé, vous l'entendez, hein. Je m'intéresse. T'es en pleine forme jusqu'à maintenant et là, je sais pas ce qui se passe. Ah, bizarre. Marquinhos ou Lucas qui non. fait? Viens, mon frère. C'est Lucas, hein. Que c'est Marquinhos qui fait une interview et qui interview Lucas. Il lui dit, viens, mon frère. Viens, mon frère, c'est ça. Ouais, oui. Je suis Marquinhos. Ah, oui. On est là, dans l'investiaire. Eh bien, merci à toi, Marquinhos. Et merci aux deux familles. Alors, deux familles qui étaient dans le 54. Ouais. Bon, t'en as d'autres, Samy. Répondent pas les familles du 13, c'est dommage. Le 13, le 06, on pourrait faire une famille. Allez, c'est. Un double appel à Terre Sud, là. C'est qui, là, alors? Là, on a dans le 11 et dans le 59. Allez, dans le 11 et dans le 59. Et dans un instant, on aura Gwendo qui arrive avec nous. Ah oui, Gwendo qui nous avait appelé pour ses examens. C'est ça, man. Ah, on va prendre des nouvelles. Allô? Allô? Oui? Le loup? Viens, mon frère! Champion, allô? Marcel? Et allô? Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? Bah, c'est à vous-même de vous le dire. Hein. Hein? C'est vous qui m'appelez, là. Oula! Pas du tout. Je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez. Comment? C'est vous qui m'appelez, monsieur. Ah non, je vous appelle pas. Ah, ah ben si. Donc moi je sais pas, je décroche mon téléphone et c'est vous qui m'appelez. Eh bien c'est une erreur. Belou, reste tranquille. Belou. Allô. Oui. J'ai une bonne bite là. Comment? Oui, non. J'ai une bonne bite là. Comment? J'ai une bonne bite là. Ils sont comme un poule, ça. Vous avez envie m'assurer un petit peu, non? Ah non, il ne veut pas se rassurer. Il n'entendait rien, lui. Il était sûr comme un poule. En tout cas, il avait une très bonne voix. Encore ah, il était bourré. Fin de la première mi-temps. Bip, bip. Et ouais, parce que malgré le double appel, on n'oublie pas les matchs de foot. Le foot ce soir, deux équipes sur le terrain, les Allemands et les Polonais. Et pour l'instant, eh ben, comme nous hier à la mi-temps, ça nous fait du 0-0. Ouais. Match nul pour l'instant, 0-0 entre la Pologne et l'Allemagne. Attention, on va revenir dans un instant. Il y aura avec nous, vous tous, si vous voulez passer en émission à n'importe quel moment, c'est facile, faites comme Gwendo. Gwendo, t'as vu, on est sérieux, on te suit, hein, Gwendo, maintenant. Hein. Salut, Gwendo. Ouais. Elle nous a appelé une fois, on ne la lâche plus. Gwendo, t'es en direct de Rouen, comment ça va, Gwendo? Ouais, ça va, donc tranquillement. On va prendre des nouvelles. On révise ce soir. Bonne révision, d'ailleurs, je salue tous ceux et toutes celles qui révisent ce soir-là. Salut à vous. Et donc toi, rappelle pourquoi tu nous avais appelé, Gwendo, parce que tu nous avais passé un petit coup de fil. Ouais, ben en fait, je m'étais embrouillée avec mon père par rapport à mes études. Oui, c'est ton père, il voulait te foutre dehors si tu loupais tes études, c'est ça?

Romano. J'avais les dents pourries donc. Difool. Cédric. Non, non, ça sent pas la merde. Le caca, c'est bon. Marie. Moi, je lui ai déjà pris la bouche à Difool une fois quand j'étais bourré. Oh. C'est vrai. Samy. Oui, Momo. 10 mètres de haut en moyenne, très vivace. Et Karim. Tu l'as embrassé, je sais pas quoi, non. Difool Radio Libre. Tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Et on est là jusqu'à minuit sur Sky, jeudi soir, jeu du problème du mois. Ouais, attention, on attaque dans un instant. Et pour l'instant, l'Allemagne contre la Pologne. Les Allemands, a priori, dominent, en tout cas au niveau de la possession de balle, puisqu'ils sont à 65% de possession de balle. Et les Polonais à 35, faites le calcul. C'est ça, man. Ça nous fait bien du 100%. Tiens, on a Valentin en direct du stade. Salut Valentin. Allô. Ouais, comment ça Salut, va Valentin. Valentin. Ça va nickel. C'est un putain de match. Eh bah oui, Allemagne-Pologne, gros match, t'as gagné les places sur Sky. Ouais, exactement. Ouais. C'est bien. Demain matin, encore des places à gagner. On vous offre les huitièmes. Ce matin, on va faire les demi d'ailleurs. Les huitièmes, les quarts, les demi et la finale. Et donc toi, tu es à Allemagne-Pologne au stade. Comment ça se passe? Bonne ambiance. Bah, franchement, ce qui m'a le plus étonné, c'est l'ambiance. Il y a une ambiance de dingue. Eh bah ça fait plaisir. Donc ouais, ils s'entendent. Mais on n'entend absolument rien. T'es où là? C'est l'habitant. Là, je suis devant. Je suis juste devant le stade. À la mi-temps, et il y a un gros bordel. Ah d'accord, ok, ah, très bien. Ouais, bah oui, c'est la pause. C'est à la mi-temps, ouais, ça chante pas trop, c'est tranquille. Ouais, ouais, et puis en fait, il y a surtout les. Franchement, on entend beaucoup les supporters polonais. Eh oui, ils sont là, les Polonais. Ah, les Polonais, on... ah bah en plus, on t'as entend... plein de Polonais, ouais. Ouais, on vive entend, les Polacs. On entend moins les Allemands, mais surtout les Polonais. Ah, et dans le RER aussi, c'était un truc de dingue. Très bien, et le match a lieu où? On nous demande. Stade Alors, là, de France. Là, c'est au Stade de France et. Franchement, on est grave bien placé et tout, et c'est génial. Bon, bah c'est cool en tout cas. Bah merci au Crédit Agricole qui nous a filé 200 places. On a su quoi en faire, on vous les file. Et bah actuellement, tous les matins dans le morning, soyez là demain matin entre 6h et 9h. Les places. C'est étonnant d'ailleurs, Romano, t'es pas à jouer avec nous pour les places pour les revendre au marché noir parce que ça vaut un paquet de thunes, hein, ces trucs. Hein. Ouais, je sais bien, ouais. T'as vu les prix à peu près, combien ça coûtait? Bah là, on avait dit là le matin, France-Roumanie, là, pour les dernières places qui restaient, c'était à 595€ le jour du match. Et 595€, c'est. Ah, c'est bien cher, des places catégorie 1. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon, bah Valentin, cher le match. Toi, c'était gratuit. Pour toi les places et on te retrouve pendant le match s'il se passe quelque chose et à la fin du match pour nous commenter tout ça en direct du Stade de France. T'as de la chance Valentin. Yes. Bah ouais, merci beaucoup en tout cas. Et tu viens de Chambéry toi hein, Valentin. Ouais c'est ça, spécialement pour le match là, en c'est pleine cool. Semaine. T'es monté avec qui? Avec un pote à moi. Voilà Valentin, 18 ans, et le poteau il s'appelle comment? Corentin. Eh ben Valentin, Corentin, c'est les 1 qui sont du côté du Stade de France. À tout à l'heure, on suit le match. Merci. Avec on suit le match avec toi et on vous dit quand il se passe quelque chose. Pour la première mi-temps, il s'est pas passé grand-chose. Ils dominent vraiment les Allemands Valentin? Non non, de pas trop. Parce que la Pologne ils sont bien en place. Moi j'aime bien la Pologne. Parce que position de balle à 65-35 quand non, même. Franchement, ouais, mais la Pologne ils sont sereins. Hein. Les Allemands sont bons, mais dès que la Pologne a la balle, on entend que les Polonais. Hein. Gramme, ils sont super bien en place. Ils sont chauds, les Polonais, ils sont chauds. Bon, à tout de suite, Valentin, tu bouges pas. À tout de suite. Reste avec nous. Bon, on a notre problème du mois à gérer. Romano va s'en occuper parce que c'est vrai qu'on a été critiqué ces derniers temps parce qu'on le faisait tard. Mais c'est vrai qu'il y a des matchs. Ah ben, ce soir, on essaiera de commencer un peu plus tôt. Il n'y a pas des matchs de foot parce que la semaine dernière, il n'y a pas encore l'Euro. Mais on était déjà excités par l'Euro. Enfin bon, beaucoup d'excitation. Ouais, c'est, ça, ouais. C'est tout ça. Donc, on va attaquer le problème du mois et on prend juste des nouvelles, parce qu'on aime bien quand vous passez à l'antenne prendre de vos nouvelles de Gwendo. Et puis on a Chloé aussi qui nous appelle et qui veut nous parler de Periscope. Alors si vous allez régulièrement sur Periscope, dites-nous les trucs chelous que vous avez vus sur Periscope. Alors Periscope, vous connaissez, c'est le réseau social préféré de Serge Aurier. Ah ouais, c'est clair. Serge Aurier adore Peri. Il est ambassadeur. Ah, il est ambassadeur. Ouais, je crois qu'il est devenu ambassadeur depuis. Il a fait un gros coup de pub, hein, lui. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ah bah vous savez que depuis que Serge Aurier est allé sur Periscope, il a lancé Periscope en France. C'est clair. Ah ouais. On est le deuxième pays mondial pour Periscope, je crois. Ah ouais, c'est vrai. Et tout ça grâce à toi, Serge. Je suis sûr qu'il a pas demandé d'argent. On aurait dû en demander, hein, Serge. Ah bah c'est voilà. Ouais. Donc on en parlera avec Chloé, on va la prendre tout de suite sur Sky. Donc Periscope, vous testez, vous y allez. Et vous avez vu des trucs chelous, parce que sur Periscope, c'est vrai qu'on peut voir des trucs chelous. Je pense qu'un jour, ça va s'arrêter, moi, Periscope. Non, moi, je pense que ça va. Ah ouais. Pourquoi? Ah, t'as déjà eu des meurtres sur Periscope, des suicides sur Periscope. Ah, c'est vrai que c'est chelou. T'as plein de gens qui baisent sur Periscope. C'est ouais, ça c'est vrai. Il y a eu des meurtres au stage, je crois, sur Periscope. Bah oui, oui, non, mais c'est. Donc on en parle tout de suite dans un instant avec le. J'espère que ça va pas être ça, son témoignage. Mais Chloé arrive en direct avec nous, on se prépare. Et puis du son à retrouver, tiens, on parlait de Soprano, on parlait de Black M, on va se passer un petit Soprano, tiens. Le job s'habille plus en Prada. Le nouveau, celui que vous avez découvert sur Sky la semaine dernière, Soprano arrive. Et puis on aura du SCH, alors SCH c'est toujours le problème, on sait pas quel titre passer de l'album, donc vous nous direz celui que vous voulez écouter. Vous aurez au choix les sons de SCH, celui-ci. Tu chantes pas aujourd'hui Romano? J'ai pas envie. D'accord, bah, tu veux. T'es pas d'humeur chanteuse. Soprano, ouais, et SCH. Donc il y aura Où je la connais ou Allô Maman. Sinon, je serai plus sur Allô Maman. Allô Maman. Allô, j'aime bien Allô Maman. Allô Maman. Allô Maman. Bien ça. Hein. Allô Maman. Et puis il y a toujours le Champs-Élysées. On s'est mis ce matin d'ailleurs, c'était super ça. Maman sur les champs, je l'ai pas loué.

Non, non, il n'est pas connecté. Ah, merde. Ah dommage. Si tu veux, je peux donner son périscope. Hein. Ah ouais, tu nous le donnes. Il s'appelle Karima et il va accepter tout de suite. Hein. Et dès qu'il est connecté, on se connecte avec lui en direct et on regarde. Non, mais c'est un truc de fou. J'ai des photos et tout. Il fait la fontaine avec ses fesses et tout. Hein. Ah ouais, ouais, il y a plein de choses sur lui. Waouh. Mais là, elle appellera, t'inquiète. Ce qui me fait halluciner, c'est que les mecs, ils ont pas peur qu'un jour ça sorte, quoi. Je sais pas. Ouais, peut-être que le mec, il s'en bat les couilles aussi. Ouais, c'est un vrai ouf. Peut-être il sait pas comment ça marche, tu sais, mec. Il se dit, ouais, il va pas de problème. Je monte ma bite, c'est sympa. La plupart du temps sur Periscope, la journée, c'est des gens qui sont en cours. Au bahut, ouais. Ouais, au bahut, en cours, t'entends le prof et eux, ils sont là, ils te niquent sur les profs. Mais faites gaffe aussi parce que bon, un jour, vous allez vous faire choper. Hein. Ah ouais, ça fait gaffe. Tiens, ouais. Scal Beach qui nous dit mon ex, il filmait ses soirées de connard avec ses potes à la con sur Periscope pendant que j'attendais ses SMS. Ah bah, quel tu l'aimes bien, toi. Connard, elle est énervée, Scal Beach. Ah putain, connard en trois. Trois fois en trois lignes. Trois phrases, quoi. Ouais, c'est ça. T'as des mecs qui s'est fait virer à cause de Periscope. Qui s'est fait virer de son bouche, ça m'étonne pas. Ouais. Ah, mais de même de Bahut, hein, il y a eu des problèmes au Bahut avec Periscope déjà. Ah bon, Bahut, ouais, ouais. Raconte, Cédric, on attend l'histoire. Non, on avait parlé le matin, c'est le mec qui travaillait, je crois, c'est plus dans quelle boîte téléphonique il travaillait. SFR. Et les mecs, ils avaient j'étais con comme des bites, oui. Ils s'étaient filmés, les mecs. Non, mais en fait, l'histoire, ça y est, je me souviens, Cédric. En fait, il y avait un client qui avait amené son téléphone en réparation. Et en fait, a priori, le client, il était relou et les deux vendeurs, ils se sont filmés dans l'arrière-boutique en disant, hello, tu me fais chier. Quand j'arrive à 100 ou 200 connectés, le téléphone du con client, je le claque par terre. Quoi. Sauf que les mecs ils sont filmés, bon, forcément à visage découvert, avec l'habillé SFR. Ah, c'est joli. Très intelligent. Et les mecs se sont fait choper, se sont fait virer dans la journée. Quoi. Mais il y avait une. Il y en a deux qui se sont fait choper comme ça chez SFR. Ouais. Il y avait deux premiers mecs qui s'étaient fait choper. Deux fois deux, ouais. Ils étaient ensemble et après il y avait eu deux autres mecs dans un autre endroit pareil. Et toujours chez SFR, décidément chez SFR. T'as les pauvres. Et chez SFR, en tout cas, ça cartonne. Là, ça en fait deux, mais attention, j'avais 203. Mais fiez-vous, SFR. Faites gaffe. Il y a Sébastien qui suit un gars qui est en prison et qui fait des péris. Ouais, il y en a beaucoup, ça, ouais. Lui aussi, il faut qu'il... On peut faire un péri, là, Difool, tous. Tu veux qu'on fasse un péri? Ouais, je prends le téléphone de la radio et on fait sur le périscope de la radio. Tu veux qu'on fasse un péri? Peut-être qu'on va avoir un pervers qui va venir nous voir. Cédric, tu veux te mettre un truc dans le cul? Ah, je suis gênant, t'as l'air, gros. Allez. Ah, pour l'argent, je fais pas. Regarde, ça cartonne, il y a même Chloé qui nous appelle pour nous parler d'un gars. D'ailleurs, c'est quoi le prénom du gars, tu nous as dit, Chloé? Guillaume, c'est noté. Pas trop un prénom de pervers, donc, ça dépend, non, tu sais, tu veux des pervers partout, on en a déjà eu. On a rarement des Guillaume dans nos pervers. C'est vrai. On appelle le vendeur. Alors, ouais, c'est vrai. Cédric, prépare-toi, regarde, Marie t'offre son micro. Ah, c'est gentil, Marie. Ouvre la bouche. Mais dans le cul, Marie, elle comprend rien. C'est dans le cul. Et il s'est mis quoi dans le cul? Tiens, bonne question. Vous avez toujours très très bonne question. C'est Yanis qui nous laisse le message. Alors, déjà, il s'est mis des déodorants. Des déodorants, comme ça il sentira bon des fesses. Ah, ça ouf. Il n'est pas con. Je pense qu'il a essayé de se mettre une petite tour Eiffel dans les fesses. C'est bien parce que c'est. Comment dire, c'est progressif. Ergonomique. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ouais. C'est ergonomique, la tour Eiffel. Aussi, c'est petit en haut et c'est large. Ouais, c'est bien profil. Ouais, c'est limite fait pour un cul, quoi. Large. Pas la peine d'aller sur Péri. Ce chaturbate, c'est du skate tout le temps. C'est du skate. C'est du sexe tout le temps. Peut-être des mecs qui font du sexe. Ouais, mais ça, ouais. C'est comme chatroulette, les trucs comme ça, oui. C'est Nounou. Mais c'est prévu pour, quoi. Nounou qui nous envoie le message, là. Bon, tu veux faire un périscope? T'es dessus? T'es sur Péri. Bonjour, les amis de Périscope. Je suis là. Bonjour, je peux pas lever le bras gauche, donc je lève le bras droit. Bonjour, Périscope. Je vois Samy derrière moi et Cédric va se mettre un micro dans le cul derrière. Regardez. Ah, bien. Ça y est. Non, c'est parti. Envoyez des cœurs. Oh, ça fait des cœurs. Skyrock FM, c'est ça, Skyrock FM. C'est ça, ouais. Voilà. Les cœurs, c'est quoi? C'est genre des likes. T'es content. Like, quoi. T'es content. Les gens, ils tapent sur l'écran pour faire des cœurs. Ouais, ils font des cœurs. Je vous montre mon épaule gauche, merde, c'est l'épaule avec la tendinite. La tendinite est là. Allez-y, faites plein de cœurs, difoulez les cœurs. Oh, souffrance extrême. Souffrance. Non, mais l'autre. Douleur. Alors, tiens, Cédric, alors, ça commence le spectacle? Ouais, mais non, je t'ai dit non. Mais si, comme ça, on va faire. C'était un truc dans le cul, non, mais t'es malade. Allez, vas-y, Cédric. Le match. Là, Cédric, je te filme, mets un truc dans ton cul. Ouais, non, ça va aller. Mets un truc dans ton cul. On parle pas en plus, il réclame, regarde carrément. Les messages. Ah ouais. Ça réclame sur tous les messages. Vas-y, demandez si vous voulez que Cédric se mette un truc dans le cul. Ouais, mais ça va pas être possible, les amis. Oui, salut tout le monde. Ah bah, on salue tout le monde. C'est vrai que le micro, c'est parfait en plus. Ah, bah, écoute, Samy, t'as qu'à te le foutre dans le cul. Je sais pas, j'hésite, je regarde encore un peu. Il y a un côté ergonomique, oui. Oh là, j'hésite à mettre le pied avec. Mets le pied, vas-y, bonne idée, Cédric, tu mets le pied avec. Commence peut-être même par le pied, quoi. Ouais, ouais. Ceux qui veulent que Marie, elle monte ses seins. Marie, lâche un sein. Non, je ne montrerai pas. Bah, tout de suite, il y a beaucoup plus de cœur, c'est dingue, ça. Ouais, bah, ouais, c'est étonnant. Dès qu'on a parlé des seins de Marie, il y a eu plus de cœur. Une avalanche de cœur par rapport à Cédric, juste avant. Allez, la baltringue du 9-3, il est derrière toi. Non, mais bon, écoutez, c'est marrant. Après, il y en a qui comprennent pas Periscope. À quoi ça sert d'aller voir la vie des gens sur Periscope? Regardez le message de l'inconnu là sur SMS, mais j'en ai vu d'autres hein, qui laissaient des messages comme ça là. La pire chose que j'ai vue sur Periscope, c'est Cédric, c'est Jojo Kadji. Ah, il allait te suivre. Ah bah tiens, tu fais des péris, Cédric. Ouais, j'ai mon Periscope. Mais tu fais quoi sur Periscope? Ça dépend. Des fois, je suis dans ma voiture, mais c'est rare. Oui, bon, Samy, c'est bon. Samy, il est pas lourd. Est-ce que vous voulez un gros plan de Cédric? C'est bon, allez. Samy, il est pas lourd. Ah oui, vous voulez, il y a plein de cœurs. Plein de cœurs. La Marie, je t'aime, il y a écrit. Non, ça dépend, c'est pas pendant l'émission. C'est juste pendant l'émission aussi, tu vois. Un petit coup de Periscope. Ouais, ça fait plaisir, les gens, ils aiment bien. Mais on peut faire la rubrique de le micro dans le cul où tous les jours on met un truc différent. Bah vas-y, y a pas de problème, hein, quand tu veux. Hein. Ouais, je vous laisse commencer. Je vous montrer l'exemple. Cédric va devenir la star de Periscope. Après Serge Aurier, Cédric, il débarque. Les allez, dis-le, Rock FM, quoi. La famille. Bon, bah écoute, continue de t'éclater, Chloé, en tout cas. Bah ouais. Bah moi j'aimerais bien que vous le contactez. Bah ouais, non, mais dès qu'il est connecté. Essaye de récupérer son numéro ou un truc, parce que. Dès qu'il est connecté, on fait. Et file l'adresse. Du mec hors antenne à Karim, comme ouais, ça Karim il te suivra et qu'il sera connecté. Ouais, je vais voir ça, ouais. Voilà. Et moi j'essaie de me connecter sur mon téléphone, ça marche pas, ça m'énerve. Ma poule en action. J'ai un problème avec mon empreinte, vous savez. Je mets mon empreinte sur mon téléphone, logiquement il s'ouvre. Et là, c'est comme si ce n'était plus mon doigt. Ouais, tu vois, moi j'ai peur de le faire ce truc-là. Non, mais Marie, t'as raison, c'est hyper dangereux. C'est un truc de dingue. Moi j'ai failli perdre mon pouce, ça faisait pas faire ça. Tu vois, Marie, méfie-toi, t'as raison. Non, mais Marie, ne le fais pas. Non, mais si ça se bloque avec l'empreinte, tu peux ouvrir avec le code. Bah oui. Non, Marie. Ah, je savais pas ça. Non, t'es obligé de le jeter. J'ai ton téléphone. Alors, si je le donne, je peux te le débloquer pour 300 balles. Ouais, c'est ça. Non, ouais, mais ça reconnaît pas ton doigt 5 fois, par exemple, quand t'as le doigt mouillé. Non, mais par contre, Marie, ne le fais pas. Cédric, c'est hyper dangereux. Ah ouais, fais gaffe, ouais. On va lâcher un tout neuf après. Ça rigole pas, c'est pour les vrais, Marie. Ouais, t'as raison. C'est pour les pros. Bon, ben écoute Chloé, donc on reste en contact et puis dès qu'il est connecté, donne son adresse, à Karim. Tu bouges pas Chloé, reste là. Bouge pas. Bon, il y a Gwendo qu'on va prendre en direct avec nous, mais juste avant, je vous l'ai promis et je veux pas vous faire attendre plus longtemps. Voici le problème du mois de ce jeudi soir avec les 5 patients. Donc on a eu un petit avant-goût. On sait à peu près de quoi on va parler. Il y aura de la chaussette, il y aura du Batman, il y aura un truc avec le genou, un truc assez exceptionnel, tout nouveau. Ah ouais, c'est ça. Avec le genou. C'est un peu le radio achat, oui. Et il y a surtout 5 pervers qu'on retrouve tout de suite. Voici donc votre sommaire du problème du mois. Alors on les écoute bien et puis vous... Bah, va falloir décider, on en prendra qu'un. Bah ouais, vous nous direz lequel vous voulez qu'on choisisse. Il y en a un qu'on va choisir. Allez, et c'est Periscope de Skyrock, c'est Skyrock FM. C'est ça, ouais. Allez, le problème du mois... Allez, c'est parti, on y va. Le premier, c'est Slimane. 36 ans. Slipman ou Slimane ? Slimane. Slimane, comme le gagnant de The Voice cette année. Mais c'est peut-être lui. Bah peut-être. Ouais. C'est peut-être le gagnant de The Voice. 36 ans là. De Fontenay-aux-Roses, sur le forum porno-dépendance. C'est là qu'il a envoyé son petit message. Et il a un problème, c'est un grand passionné de sock job. Ah, c'est lui l'histoire des chaussettes. Ouais, donc c'est le sock job, c'est branlette... Dans la chaussette. Branlette avec des chaussettes. Ah. Alors, bon, ce qu'il fait, c'est qu'il est avec une nana, bon là, elle est en train de se barrer, là. Parce qu'en fait, il lui achète... Il lui achète 10 paires de chaussettes par mois. Et ce qu'il fait, c'est qu'il lui propose... elle, il faut qu'elle le masturbe avec ses chaussettes aux pieds et ça l'excite terriblement, le frottement de la chaussette sur sa bite. Vous comprenez pourquoi elle s'est barrée, là. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est et clair. Ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'en général, il prend une des chaussettes, il se la met sur la bite et il continue à se branler pour finir dedans et la remplir pour qu'il y ait quand même quelque chose de tout chaud à l'intérieur. Super, t'es content. Très bien. Et après, il remet la chaussette ou pas? Il demande à sa femme de les remettre, ouais. Ah non, dégueulasse. Bon, sa femme en a marre. Ah bon. Là, les proches, elle est en train de se barrer. Là, elle est sur le pas de la porte. C'est étonnant. Il a créé un blog à 100% chaussettes. 100% chaussettes. Sur les Skyblogs. Et il met pas l'adresse, malheureusement. Allez voir sur skyrock.com. On sait jamais. Peut-être qu'il est là, 100% chaussettes. Sa meuf se plaint parce que la vie est rythmée que par les chaussettes. En fait, l'autre ne parle que de chaussettes matin, midi et soir. Respectez les passions. Chacun sa passion, toi c'est l'argent. Ouais. Bah lui c'est les chaussettes. L'argent, parce que c'est quand même une passion de merde les chaussettes. Ouais. Bah, ça c'est certain. Pourquoi? Tu as plein de sortes de chaussettes différentes. Et il fait des appels aux dons de chaussettes également et il propose à des gens s'ils veulent de remplir leurs chaussettes et de leur renvoyer par la poste. Voilà. Pourquoi tu dis ça, Marie? C'est le sock job. Bah ouais, c'est parce que tu connais pas que tu dis ça. Le sock job. Ah ouais, mais ça m'attire pas du tout, tu vois. Ah bah, vu l'état de mes chaussettes quand je les pose, je l'habite avec. Tiens, il y a la miss qui me dit, mais les gens sont fous. Bah, les gens sont fous. Bah, les gens, ils ont des problèmes. On a tous des petits problèmes, de toute façon, dans la vie. C'est une pratique, c'est le sock job. Lui, son problème, c'est le sock job. C'est sa vie, les chaussettes. Voilà. Marie, ton mec te fait ça, comment tu réagis? Ah non, mais je lui demande s'il a pas un problème ou s'il me fait pas une blague. Non, mais s'il te demande, par exemple, un soir, il te dit, ouais, tu veux pas me branler avec des chaussettes? Ah non. Alors, je pose la question à Marie, on peut vous la poser à vous aussi, hein, si, je sais pas, votre mec, il vous propose ça, les filles. Ou alors, votre copine vous propose ça. Je saurais pas faire. Elle veut faire un sex job. Comment vous réagissez? Hein? Dites-nous, tiens. Ça va être... Cédric, tu t'es déjà fait branler avec des chaussettes? Ah, non, non. T'as ah, déjà en juté... tout cas, pas avec, ah, pas avec chelou, les tiennes, ça. Cédric. Ça, c'est déjà, t'as déjà juté dans une de tes chaussettes? Non, jamais. Ah, c'est chelou, quand même. Moi, j'ai dû le faire, moi. J'ai fait, moi, ça. Ah ouais, ouais, bah ouais, ouais, je rien. Déjà... Ah bah je me suis déjà essuyé avec avec une chaussette, ouais. Je devais dormir chez un pote. Attends, hey, Cédric, il est mort, il est mort de rire, chelou, mais la semaine dernière, il nous expliquait qu'il s'essuyait dans son dans les couettes. Ouais, ouais, dans la couette, dans le drap. Dors dedans. Toi, Romano, t'as dormi chez un pote, il s'essuyait comme Cédric dans sa couette. Non, j'ai en fait, c'est quand je suis chez des gens, je me branle mais j'éjacule pas sur le corps, donc je devais avoir qu'une chaussette à proximité, j'ai dû juter dans ma chaussette. Allez. J'espère que c'était la mienne d'ailleurs. Ah putain. Moi le mec ça du tout t'inquiète pas, il a remis. Ouais, tu veux dire d'ici le matin, ça peut sécher. Oui. Je sais pas, elle est un peu rêche à la après, elle, oui, elle râpe un peu les pieds. Ouais, c'est chelou. Ouais. Ouais, la chaussette est première sur le râpe après. Donc, ça, c'est Slimane, Suck Job. Nous allons passer au problème du mois numéro 2. Ouais, ça c'était pas mal celui-là déjà. Alors, Julien, 26 ans, de la Braille-les-Pins dans le 49, il a écrit sur le forum tonguet.com. C'est quoi ça? Hein? C'est des tongs? Non, c'est. Après les chaussettes, ah, c'est des tongs. Pensais, ouais. Non, mais ouais, moi je me suis dit, attends. C'est le plus grand forum. C'est la saison, hein. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est le plus grand forum gay d'échange et de partage. Donc c'est destiné à la communauté gay. Hein. Moi, c'est oui. Moi. C'est tonguay.com. Oui. Alors lui, il est grand fan de comics, en particulier de Batman. Mais ça, c'est depuis son enfance. Très bien. Alors, attention. Et il se prend pour Robin, non? Il se prend pour le mec de Batman. Non, c'est pas ça. Il se qualifie de lui-même. Hein, c'est il s'est autonommé le Batman des sextoys. Ah. C'est-à-dire que parfois le soir, il sort dans des clubs, bon, spécialisés quand même. Hein, tu déguisé. Et il est habillé en Batman et il a une ceinture de god autour de la taille. Ouais. Et il god qui veut se faire goder ou éventuellement il propose à des gens de le goder. Il fait ça où? Dans la rue? Non, dans des clubs. Mais quand il y va, il est bien obligé de passer dans la rue? Ouais, mais il se gode pas dans la rue, il est juste en Batman. Si un jour vous croyez Batman avec une ceinture de god, c'est le timbré là. Et d'ailleurs, c'est le timbré. Dans le 49, il est, je vous indique que c'est un peu sa région. C'est du côté d'Angers, tout ça. Sa région de prédilection. L'ouest de la France, faites attention, attention, attention. Mais alors, c'est un prof, on vous avait dit là le matin, un prof qui se déguisait aux États-Unis, et un prof d'université qui donne ses cours en Spider-Man. Voilà, lui aussi, il est bien arrangé quand même. Tu l'as vu aussi, oh, putain. Le prof Spider-Man, bon, on l'a mis sur les réseaux de ça. J'aurais quand même moyen confiance, tu vois, j'aurais un gauche, je suis pas forcé que. Oh, ils sont gros, ils sont à l'université. Ah bon, ça va. Bon. Ah, vous imaginez, vous avez un prof, vous êtes dans l'université, vous arrivez, le mec est déguisé en Batman. Oh, moi, je me fous tu veux pas essayer, Romano? Alors, Spider-Man. Ouais, non, ça va, je vais, bien sûr, ouais. Romano, mais t'es prof, toi, c'est vrai. Ouais, bah tiens, l'année prochaine, je vais arriver en Batman avec une ceinture de god. Je vous rappelle que Romano est prof de radio. Ouais. Si vous voulez faire de la radio, ou alors si vous faites faire une radio, j'ai pas de l'épaule comme moi la semaine dernière, Romano peut vous donner des cours. Ah ouais, sans problème, hein. Bah, l'année prochaine, fais l'heure aux élèves. De quoi? Bah, t'arrives avec tes, Ouais, alors, t'arrives déguisé. Pourquoi tu vas pas en Pamela? Oui, bah bien sûr. Ouais. Non mais tu sais, à la base c'est un travail, hein, c'est pas. Tu sais, il y a un directeur et tout, non, mec, il est très sympa, mais. T'expliques le fonctionnement, pourquoi tu t'habilles en Pamela, parce que tu fais ça en direct. Non mais ils connaissent, tu sais, à chaque fois ils me demandent, tu peux. Ah bah tu vois, en plus ça leur fait plaisir. Tu vois, les élèves seraient contents que tu viennes habiller en Pamela. Ouais, ben on verra. Il faut toujours faire plaisir à ces élèves. Oui, non mais bon, je suis pas là pour ça non plus. Si, parce que ils sont. Je suis là pour leur donner mon savoir. Oui, mais ils te trouveront sympa, ils auront plus envie d'apprendre. Non, mais je trouve déjà sympa, hein. Je suis pas un prof chiant. Hein. C'est un prof gratteur de clopes. Ouais, c'est vrai, ouais. À la pause, je dis, ouais, donne-moi une clope, je te mettrai une meilleure note. C'est un prof gratteur tout court, ouais. Et donc. Alors, donc le Batman des sextoys, ce brave Julien, là, dans le 49. Oui, dans ses soirées. Ouais, dans ses soirées. Bon, la dernière fois, il essayait d'aller dans une discothèque et dans un bar. Bon, ça s'est mal passé. Pourquoi? Il s'est fait huer, les gens l'ont sorti du bar. Parce qu'en fait, il proposait aux gens, ouais, godez-moi ou je vais vous goder. Ah. Donc, ça s'est mal passé, réaction un peu. Spécial des clients du bar et de la discothèque. Et ils se demandent pourquoi tant de haine. Ouais, c'est pourquoi vrai. Non, mais c'est vrai que t'es assis à la table d'un bar, je sais pas, t'es avec une meuf ou avec des potes. Et t'as un mec qui arrive déguisé en Batman. Déjà, le mec, tu te dis, il est quand même un petit peu spécial, déguisé en Batman. Moi, je préfère Superman, on me dit sur SMS. Ah, bah, chacun son truc. Ou en Superman, c'est comme tu veux. Le mec Batman, arrive. Batman, ça fait assez tenue SM, hein, quand même. C'est noir. C'est queer, il y a de queer. Ouais. Hein. Ah ouais. Il y a de queer. Donc, le mec arrive. T'es en train de boire un verre, il te fait « Oui, je suis Superman, godez-moi ou je vous gode ?» C'est au choix. Tout est normal. Ah ben, au cas des deux. Là, tu te dis, c'est quand même un peu bizarre. Hein, Bah surtout tu dis à Superman ton slip tu l'as encore mis sur ton pantalon. Je suis désolé Superman, mais tu as l'air d'un con. Il a toujours pas compris que le slip c'est ton slip. Ah ouais, non, mais c'est ça, ça. Le nombre d'années. Mais tu crois qu'il en met un autre en dessous ou du coup il en met qu'un ou il en met deux? Ah je pense qu'il en met qu'un moi. Ah. Tu penses qu'il a un poil sous son collant? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question si vous choisissez le problème du mois de Julien. Le problème du mois numéro 2. Julien et Batman. Ouais. Julien, notre Batman du problème du mois cette semaine. Alors attention, nous passons chez Stéphano. Stéphano Gisor, il a 30 ans, il a écrit au forum Palais de la Soumission. Ah. Et il est champion amateur d'athlétisme. Et là, pendant une période, il avait mal à un genou. Et il a fait des recherches sur Internet et il a trouvé le genou, la genouillère God. Ah. Ah, magnifique. Alors là, ils n'ont pas fait une épaulière God. Gold pour les gens qui ont une tendinite. Ah, je pense qu'il doit y avoir tout. Hein. Ouais. Donc lui, problème, il avait un peu mal au genou, donc il a mis son machin. Là. Oui. Et il a proposé à sa copine d'essayer. Bon, elle a accepté. Le problème, c'est qu'il a été un peu fort. Elle a eu extrêmement mal au trou. Ah bah ouais. Bah en fait, il lui mettait des coups de genou dans. Ah bah ça peut faire mal. Et t'as pas intérêt de faire ça avec un footballeur. Hein. Ah putain. Le mec qui défonce sa chatte. Bah il faut contrôler ta force, quoi. Ça, sinon, ça peut vite se terminer, quoi. Ah ouais, putain. Donc c'est ça. Et dernièrement, là, il a le mec, c'est Monsieur Galère, hein, c'est Monsieur Schkoumoun. L'autre, il a eu un problème de bassin. Donc, la meuf, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'allongeait et la meuf s'empalait sur son god genou. Bon, lui, bon, sa meuf, au bout d'un moment, elle en a eu marre. Et ah bon bien, alors, ça, c'est, alors, ça, vraiment, elle est pas sympa, elle. Elle aimerait bien quand même se faire prendre normalement. Lui, il adore. Ah non, il adore. Il est devenu complètement accro à son god genou. Et l'autre fois, il est allé au club de sport avec et ils lui ont dit, mais t'es complètement taré. Ah bon. Donc, depuis, il a un peu mal à l'aise quand il va au club de sport, parce qu'en fait il pensait que ça passerait pour une blague, mais il est passé pour un dingue. C'est étonnant. Ah ouais, voilà. Donc depuis il le vit mal, il se dit est-ce que je suis timbré, tout ça, il se pose beaucoup de questions quant à son god de genou là. Bah il y a bien des god de ceinture, donc pourquoi pas des god de genou. Hein. Bah il y a même des god de front. Il y a des god de front, tu mets des coups de boule dans la chatte. Il y a tout. Hein. Et donc c'est la genouillère god, c'est de notre Stéphano, problème du mois numéro 3. Nous passons au numéro 4, l'avant-dernier. Le numéro 4, c'est Bernie, 53 ans. Il est dans le 10, il écrit un doctissimo. Alors il a un problème, c'est qu'il a des grappes de boutons qui poussent sur la peau des couilles. Non, oh, lui il va être excitant. Lui il a donc une grappe de raisin sur la peau des couilles. Ouais, ah mais plusieurs même, c'est ta champ de vigne. Oh mon dieu. le mec va bientôt faire les vendanges quoi. Demain-moi le numéro 2. Ce vernis. Oh. Bon, déjà, tu sais. Marie, c'est Bernie. Putain, mais tu tombes là-dessus. Tu sais, il avait déjà pas mal les boutons, là, mais tu sais que t'as avec les poils, là, mais tu sais, les ouais, trucs. Bon, on a eu déjà. Ça, tout le monde a, ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas des boutons, c'est des espèces de petites protubérances blanches. Ouais, c'est ça, ouais, pour les poils. Alors, lui, le problème qu'il y a, c'est qu'au début, il en avait déjà pas mal. Ouais. Il était pas mal chargé au niveau de ces trucs-là, là. Mmh. Et le problème, c'est que les grappes, la dernière fois, il a rencontré une gonzesse et elle a voulu descendre sur les couilles, elle a été choquée, elle a hurlé. Elle était m'étonne. Y a pas une photo? Non, y a pas de photo malheureusement. Et le problème qu'il y a, c'est que ça ne passe pas. C'est de pire en pire. Il n'ose pas aller voir un médecin. Il n'ose plus baiser parce que la dernière, elle a été traumatisée. D'ailleurs, il essaye de la rappeler, elle ne répond plus. Ah ouais. Plus de nouvelles. Étonnant, dis donc. Et donc, il aimerait bien savoir comment il pourrait se guérir. S'il y avait une recette de grand-mère ou s'il est obligé d'aller voir un médecin pour essayer de se faire soigner ses boutons sur les couilles, ses grappes de boutons même. Magnifique. Et les derniers. D'ailleurs, Julien qui dit, il est où? Lui, il est dans le 10. Julien. Ouais, mais il y a pas la ville précise. Hein. Ah bah c'est 3 peut-être. Vers 3, ouais. Ah bah tiens, l'inconnu aussi, 20 ans, elle fait il est où? T'as dit du 10, Romano, t'as dit du 10, oui. Ah oui, j'ai dit du 10, ouais. C'est le problème numéro 4 et le dernier problème du mois, attention. Alors c'est Samuel, 45 ans, et Jean, 51 ans, de Laval. Ils ont écrit au forum Palais de la Soumission. Samuel et Jean. Alors les deux sont bisexuels mais ils sont pas en couple là, ils ont chacun une meuf. Ouais. Et ils couchent pas forcément ensemble. La dernière fois pas forcément, c'est-à-dire. Bah de temps en temps, tu sais ils se font des petites séances vidéo porno et ils se branlent mutuellement, tu vois. Mais rien de méchant. Ah bon. Ah, c'est tout. Ah, normal, classique quoi. Ils se branlent mutuellement, ça veut dire chacun avec la bite de l'autre, j'espère. Ouais, c'est ça, bah bien sûr, ils échangent, ouais. Très bien. Bah quand même, c'est quand même la moindre des choses entre potes bi. Attends, tu c'est bon. Quand même c'est quand même la moindre des choses. Le minimum, c'est pour t'en servir. Alors justement un jour ils étaient en train de se branler mutuellement et ils sont tombés sur une vidéo où deux meufs étaient en train de justement prendre au go de ceinture deux mecs. D'accord. Et alors ça les a terriblement excités. C'était sur Periscope, non? Non, j'y peux y mettre pas le site. C'était un site de cul, tu vois, genre YouPorn ou Pornhub ou un truc dans le genre là, quoi. Et en fait, ils ont proposé chacun à leur nana de se faire goder par un go de ceinture, mais côte à côte, en se tenant la main, parce qu'ils trouvent ça sympa. Et aussi en tête à tête. Donc en fait, les deux mecs sont, admettons, sur un lit à quatre pattes. Les meufs sont derrière. Elles leur mettent. Et chacune de leur côté, gode le cul de. Et ils se tiennent la main. Ouais, c'est ça. Ou alors ils sont en tête. ta tête. Tu sais que le problème du mois, c'est super parce que ça ouvre l'esprit et ça donne envie d'être tolérant. Mais moi, j'ai pas compris. C'est deux mecs qui se branlent mutuellement, c'est-à-dire je te branle, tu me branles et ils ont des meufs. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. C'est comme nous, si soir on se branlait et que le soir je retourne carriole et toi tu vas voir une meuf. Non, et nos meufs, God après. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, on va pas aller peut-être. Ah, ça veut dire que pour la branlette, ils sont pas contre. La branlette, ok. La branlette, ok, mais alors le godage. Donc, ils en ont parlé à leur nana. Bon, pour le moment, il y en a une des deux qui est d'accord. Ah. Donc il y en a un des deux, Samuel a déjà testé avec sa femme en solo, il a adoré. Et Jean est jaloux, il dit ici au pire si ma femme elle veut pas, il faudra que tu me godes. Bon, il se pose quand même des questions, est-ce que c'est normal de faire ça, est-ce que ils vont avoir mal au cul. Bon, Samuel lui il a déjà c'est goûté. Un peu spécial. Mais il se pose quand même beaucoup de questions et comment surtout convaincre la deuxième qui ne veut pas pour le moment. Mais comment faire ? Toi, c'est du cul, celle-là c'est comme pas deux. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Dire, ouais, du cul. C'est impressionnant. Bon, on a les cinq problèmes du mois, ils sont excellents ce soir. T'as des messages. Ah bah merci. Pour les problèmes du mois. Marie, si admettons ton mec qui te proposait ça, il te dit ouais avec un pote, sa meuf, vous nous godez. Non mais déjà, il t'annonce qu'il se branle avec son pote. Déjà, t'as raison, Karim, déjà. Ah, mais vous êtes bête, demandez-moi, j'ai deux mains quand même. Ah mais bien sûr, t'as raison. Les deux, je me mets au milieu. Mais oui, Marie. Déjà, c'est spécial. Comme j'ai deux bâtons de ski. Et j'ai deux pieds aussi. Ah bah voilà, bah, peut amener trois potes. Génial. Bon, le problème du mois, on a les cinq. Ah bah voilà, maintenant faut voter. Un, deux, trois, quatre ou cinq, c'est à vous de choisir. Alors vous avez Slimane. De décider. C'est le seul sock job, c'est le mec avec les chaussettes. Vous avez Julien, c'est Batman. Vous avez ça, c'est en deux. Donc Slimane en un, Julien en deux, Stéphane en trois. Alors lui, il est super, Stéphane. Stéphane, attends, Stéphano, c'est. Ah, Stéphano, pardon, excuse-moi, Stéphane. Stéphano. Et il est c'est fan. C'est la genouilleur God. Et oui, fan de ce genouilleur God. En 4, c'est Bernie. C'est Bernie. Lui, c'est la grappe de raisin aux couilles. Ah, mais même plusieurs grappes, hein, il a des pieds de vigne aux couilles. Non, mais lui, il est de maladie. Et Samuel. Et Jean, voilà, c'est eux. Avec c'est les deux potes qui veulent se faire goder. God ceinture par leur meuf. Lequel vous prenez? Côte à côte, main dans la main ou en tête à tête, comme c'est mignon et romantique. Et bien, avant de passer le bac de français, Théo, tu peux voter. Je vois Théo qui nous laisse le message. Bac de français, la famille, ça va pas être facile. Bon courage à toi, Théo. Avant le bac de français, détendez-vous. Et d'ailleurs, vous aurez un petit cours de français, un petit cours de lecture dans un instant avec Romano qui va lire. Révision. Le problème du mois que vous choisissez. Vous passez le brevet, le bac de français, je suis là pour vous. Le problème du mois tient une fois de plus toutes ses promesses. C'est immonde, parfait. Ah bah voilà. Bah voilà. Écoute, content que ça te fasse plaisir. Bah moi je vote pour le 5, moi. Toi tu prends le 5. Je prends le 5, ouais. Tu prends le 5, ça t'intrigue cette histoire. Ouais, ça a l'air de titiller un peu. J'ai envie qu'on se branle mutuellement. Ah, c'est la première partie. Il est chaud. Un peu de calme, Rouillard. Le 5 pour Félindra, le 5 pour Yana. Pour l'instant, c'est le 5. Le 5 pour Jules Laconus aussi, qui nous dit le 5. Je prends pente le 5 ou le 4. Je vote pour le 5. C'est Sab. Bon, Romano, lequel? Moi je vais prendre le 5, ouais. Le code 5. Ceinture, ouais. Moi, le 1 ou le 5, j'hésite. Moi, le 1, c'est sur la boîte à caca. 1, ouais. Ah, le sock sock job. La chaussette, ouais. La chaussette, Cédric. Ouais, Cédric, ça l'excitait. Ah, non, surtout, non. Dès qu'il s'agit d'odeur de pied, tout c'est ça. C'est ça. Ah, non, du tout. Et ouais. Bon, on aura Xavier avec nous dans un instant au téléphone avec nous. Il est où, Xavier? À Rennes. T'es là, Xavier? Oui, je suis là. Tu votes pour quel problème du mois? Le 1, les chaussettes, Batman? Le 5. Le code ceinture. Je rajoute un vote pour les deux potes qui veulent se faire goder par leur meuf, là. Très bien, Xav. Bon, ben, on te retrouve tout de suite. Toi, tu arrives pour demander un petit service aux auditeurs de Skyrock, c'est ça? Au téléphone. Oui, au téléphone, oui. Non, mais je crois je parle à mon frère. Excuse-moi, je parle à mon frère. Ah, la famille. Voilà, frérot. Bon, on peut t'appeler Poissman, toi, mais tu vas nous expliquer pourquoi, d'accord? Monsieur Schkoumoun. Ouais, bah, on en a un. Ah, merde. Poissman arrive. Eh ben, tout de suite, va, Xavier, tu vas nous raconter. Et puis, Soprano arrive, le nouveau sur Sky. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock! Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Money show. Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock! Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur le football, bien sûr! Champion, mon frère! Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Justin Timberlake. Justin Timberlake revient avec un nouveau tube, Can't Stop the Feeling. Can't Stop the Feeling,

SCH qu'on va retrouver tout à l'heure avec Allo Maman ou alors avec Je la connais ou alors avec Champs-Élysées justement. Tenez-vous prêts, ce sera dans à peu près une heure sur Skyrock et dans moins d'une heure et demie, vous gagnerez vos places pour Rihanna, Rihanna, Riri en concert et en tournée dans toute la France. Yes. C'est évidemment avec Skyrock et on en a 400 des places à vous filer. 400 pour Nice, pour Lyon, pour Lille, pour Paris. Vous allez voir Rihanna cet été, juste après l'Euro, dans les plus grands stades de France. Un événement Skyrock en plus. Ça va bien nous ambiancer l'été, ça. Plus gros concert de l'année, hein. Rihanna qui débarque. Énorme, ouais. Et elle est énorme. Non, pas elle. J'ai vu les filles comme elles sont entre elles. Mais non, mais j'ai pas dit. Non, mais ça Rihanna, pas. Elle est énorme. Surtout que c'est ta chérie, dit Foul. Bien sûr. Bah ouais. Elle m'appelle régulièrement pendant l'émission. Bah, on est au courant. Ouais, bah, va faire un régime, va. Non, mais non, mais j'ai jamais dit ça. C'est si, pas si, bien, Marie, t'as dit énorme, je vais mais non, j'ai dit énorme les concerts. Arrête de bouffer. Et oui, Sébastien, le double appel. On s'est bien marré d'ailleurs. On est une super famille, notamment d'une famille du 54 tout à ouais, l'heure, ouais. Que l'on tient à saluer encore. Merci pour le spectacle. Ouais, merci. Le spectacle, ouais, c'est ça. Ah, bah oui, c'était un spectacle. Bon, on a. Tiens, ce matin, Romano, tu nous as fait découvrir un objet tout nouveau parce qu'on découvre plein de choses dans le morning. Ah, ah des la places capote. De foot. Eh oui, la capote. Les places de foot, vous les gagnez, mais on parle également de plein d'autres choses. Et ce matin, tu nous as parlé d'un objet révolutionnaire. Ah oui, bah c'est la révolution dans le monde de la capote. Eh ouais, on voulait vous demander. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de capote? Qui n'a pas eu un problème de capote? Moi, j'ai régulièrement un problème de taille, je le disais ce matin. Évidemment, c'est oui, ça ne rentre pas dedans. Eh oui, c'est ça. Ça rentre pas dedans. Ou alors, quand ça rentre à l'intérieur, après, ça éclate. C'est dingue. C'est con. Un trop gros rôti. Comment c'est le stress, ça, putain. Un trop gros rôti. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Une capote qui éclate, comment ça, un stress? Ah, ouais, c'est vrai ouais. Que c'est le stress. Et le pire, c'est quand tu sens. Surtout quand elle éclate, et tu t'en rends compte. C'est ce que j'allais dire. Tu as la fin, ouais. Tu sens ta queue, tu dis putain, elle a beaucoup mouillé, la meuf, là, quand même. Ouais. Oui. La capote elle éclatait. Moi je pensais que vous le sentiez quand même, tu vois, un minimum si, quand ça. Sens, quand si ça tu sens un petit claque, mais bon, tu peux découvrir à la fin. Ouais, c'est ça. Ouais, bah moi une fois, je l'ai pas senti. Là, je l'ai pas senti, elle a éclaté dans mon anus. Ah, dans ce cas-là, peut-être que tu sens pas, Cédric, c'est possible. Non, mais je parlais dans le sens inverse. Là, je suis en train de claquer le cul sévère. Ouais, bien sûr. Ah ouais, la capote elle a éclaté. Claquer ta gueule sévère, ah, bah c'était pas désagréable, il m'a inondé le trou de balle. Ouais, mais c'est dangereux. Et dangereux les capotes pour les maladies, les capotes également pour pas avoir de bébé. Ouais, pour pas tomber enceinte. Par le cul, j'ai trop peur. Non, par le cul, c'est juste les maladies. Moi j'ai Cédric. Plus peur des maladies, tu vois, pour le coup. Ouais, bah t'es enceinte, si t'en veux pas. Ouais, non, mais ça c'est normal. Après, c'est quand même une galère hein, d'avorter, faut le supporter. Mais moi, sur le coup, j'ai pas la maladie. C'est clair que si tu peux t'en passer, c'est mieux. Ah ouais, c'est non, pas. Non, mais si tu peux t'en passer, c'est certain. Marie-Jean, mais... Ah, moi, je vous inquiétez pas, j'ai ma carte de fidélité. Non, oui non, rien à voir avec ça. Abort Express, en 30 minutes, ils viennent. Non, mais arrête d'être con, entre choper le sida et avoir un enfant où tu peux avorter, excuse-moi. Non, mais sur l'instant, oui, non, mais d'accord, mais Marie, tu prends les trucs extrêmes. On veut éviter tout le reste. Entre mourir et avoir un enfant, personnellement, je préfère avoir un enfant. Non, mais il y a des meufs qui le vivent super mal d'avorter. Bah, oui, ah, si tu peux t'en sûr, passer, ouais. C'est mieux. Hein. Oui, oui. Ah, bien sûr. Et puis, c'est pas, en plus, c'est pas bon évident. Pour votre corps. Alors, en plus, tu sais de quoi tu parles, Romano, puisque tu as toi-même avorté de la gothique. Quoi, elle a avorté, hein, c'est pas moi qui l'ai avorté moi-même. Hein. Oui, mais tu avais fait le bébé. Oui, non. J'ai pas fait ça, genre dans mon garage. Allez, bien, Romano connaissait déjà Nabila à l'époque, et Nabila était venue. Ouais, ouais, non, mais. Non, avec tous ses outils. Non, non, mais elle avait été. Ouais, ouais, bah, elle avait été obligée. En plus, elle avait été obligée de se faire aspirer, parce que. Il y avait, c'était ouais, une galère, il n'y avait pas de place, c'était un bordel quoi. Ouais. Donc les capotes, c'est important. Et donc, les petits dites-nous si vous avez eu des petits problèmes de capote, quels sont les problèmes que vous avez eu ou le pire, t'imagines, parce que une capote qui pète, bon, c'est pas souvent, mais une capote qui pète et en plus elle tombe enceinte. Ah, ça c'est la poisse. Ah ouais. Ah, c'est des fois, il suffit d'une fois. Hein. Ah, une fois peut suffire. Ah, mais ouais. Quand ça éclate, souvent, tu penses d'abord au fait qu'elle tombe enceinte hein, plutôt que la maladie. Tu ah, moi je pense à tout, moi. Ah ouais, putain, ah bah, il y a tout qui arrive. Bah, on en parle dans l'émission, donc. Bah, ça te passe ça te passe l'envie que t'avais de baiser, en tout ah cas. Ah ouais, tu te dis, putain, mais, j'aurais fait de me branler, tiens. Parce que moi, je sais que les meufs, elles avaient pas de maladie, donc, tu sais, j'étais plus en train de me prendre la tête par rapport au fait qu'elle peut tomber enceinte, tu vois. Ah ouais, à gosse de toi, je peux comprendre qu'elle soit traumatisée. Quoi, à gosse de moi, ta gueule, il est fou, lui. Ah. Non, non, mais je sais pas, j'avais pas envie d'avoir, tu sais, d'avoir un gosse, tu vois. J'étais pas. Alors, cette capote, j'étais pas prêt. Elle révolutionne tout, ouais. Puisqu'elle est faite en pneus, non? Ouais, c'est ça. Elle est faite, oui. En pneus de Formule 1. Ouais, c'est ça, exactement. Eh oui. Non, mais en fait, ils ont, c'est une marque suédoise qui a lancé ça. 9 ans de recherche, je crois. C'est Zlatan. Et c'est une capote indéchirable. Eh ouais. C'est-à-dire que quoi que tu fasses avec, c'est bien. En fait, il y a un système d'alvéoles dedans et même si t'en crèves une, les autres elles tiennent, donc ça ne peut pas, tu peux pas la déchirer. Et quand tu dis que c'est en pneu, non mais en pneu, non mais l'aspect de la capote, d'accord, parce en que pneu de Formule 1, Marie. Parce que j'allais te dire, bon, tu mets pas de la gomme sur la bite, non. Non mais c'est issu de des technologies des pneus, en fait. D'accord. Okay. Ils ont utilisé ce système-là pour que la capote devienne indéchirable. Ah, bah, c'est pas cool. Et après, par contre, elle coûte cher. Hein. C'est 20 euros quasiment les 12. Oh ah, mais tu les as pas fait à 100 euros ce matin, toi? Oui, mais bon, moi, vu que je les avais en exclu, et puis c'est de l'importation, ça coûte plus cher. Ah, taxe oui, bah, de... évidemment. Les taxes de douane, t'imagines pas depuis la Suède qu'elle m'a coûté à bras. Romano a vendu ça dans les conseils pas chers à 8h10 ce matin. Mais franchement, ouais, à tester. Non, mais c'est bien, c'est une bonne idée en tout cas pour ceux qui ont des galères de capote. Je sais plus, t'as pas le truc, l'info de. Ah ouais, c'est une bonne idée. Non, je vais pas regarder. Non, ouais, parce que je sais plus quel est le nom de la marque. J'ai toutes les pages sauf celle-ci. Non, il y a un truc. Non, c'est la marque, c'est Hux ou X avec un HUX ou un truc comme ça, ouais. C'est une marque suédoise, quoi. Et oui, okay. Comme Zlatan. N'allez pas chez Ikea, il n'y en a pas. Comme Ikea, pareil. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Comme Zlatan, comme Ikea. Ça déchire, la formule. Et ben voilà, et quand tu dis que ça sent le pneu, une manquicuki, non. Oui. Ne t'inquiète pas. Le pneu brûlé au bout d'un moment quand il va trop fort. Il y a Thomas qui pose une question. La capote, je l'ai perdue, elle est restée à l'intérieur, obligée d'aller à la chasse. Ma meuf, avec la main, elle a mis la main jusqu'au poignet pour aller la récupérer. Oh. Oh là là là. Ah ouais, pas de chance. Thomas. Bon appétit, monsieur. Bon appétit, Thomas. 26 ans, du 45, qui nous envoie le message, là. Oh, le bruit de formule avec les écouteurs, ça déchire. Bon, je te le remets, le bruit de Formule 1. Le bruit de la voiture de Cédric, maintenant. Voilà, je viens de me garer. Dérapage contrôlé. Hein. Ah bah, très contrôlé, ouais, comme vous avez. Ah bah, putain, à mort. Ah ouais, magnifiquement contrôlé. Tiens, il y a Hipster D13, moi, plein de fois, j'ai craqué les capotes et perso, j'étais en bas jusqu'au résultat VIH. Ouais, ah bah ouais. Le sida, ouais. Ah ouais, t'es en bas, t'as peur. Ouais. Bah, c'est bien de passer un examen quand ça vous arrive, ça. Moi, après, vous êtes tranquille. Boy Stick, qu'est-ce qu'il dit, Boy Stick, du 5-6, 20 si, ou alors, si vraiment vous avez couché avec quelqu'un qui est douteux, on va dire. Oui, par exemple, vous êtes avec une pute, par exemple. Ouais, c'est ça. Et que la capote craque, là, dans les hôpitaux, ils ont un traitement préventif, ouais. D'urgence. Mais c'est vraiment dans les cas particuliers. Bon, c'est horrible, mais genre les cas de viol, par exemple. Si, oui. Ouais. Dans non, ce mais cas c'est là, bon à savoir, en tout cas. Dans ce cas-là, ils ont un traitement préventif. Je sais pas comment ils s'appellent d'ailleurs. Pas mais alors, s'appelle, si les filles, vous sortez avec un mec un soir, que vous êtes un petit peu bourré et qu'à cause de l'alcool, vous couchez avec lui. Et que vous apprenez que le mec, il baise avec toutes les meufs de la boîte toutes les semaines et qu'il met jamais de capote. Vous pouvez aller à l'hôpital, c'est, ouais, c'est bien ça. Mais c'est vraiment dans des cas particuliers. Hein. C'est pas dire, genre, ouais, vous avez baisé, la capote et le crack, c'est votre meuf, ça ne vous donneront pas. Oui. Hein, c'est vraiment, oui, dans les cas qu'on a cités. Ah bah, quoi. Sinon, oui. Mais bon, c'est bien de savoir que ça existe. Je crois que le pourcentage de réussite, il est vachement élevé en plus. Ouais, de... ouais. Mais il faut y aller le plus vite possible, quoi. Il y a mon ex qui est tombé enceinte, c'est message du Bostic que je voulais vous lire. La capote a cassé, c'était horrible, j'avais 15 ans. Ah ouais. Romano, t'étais jeune aussi quand tu as eu l'enfant de la gothique. Non mais moi c'était pas l'accident de capote, hein, c'est qu'on a baissé son capote. Donc, l'enfant de la gothique, non, votre enfant, votre bébé. Ouais, ouais, quoi, il est jamais venu. Hein, c'est bien triste. Oui, bon, c'est bien triste, non, on en avait pas envie, donc... Non, mais ouais, moi c'était, on avait baissé son capote et la graine avait pris, comme on dit. Il aurait été tellement beau. Donc voilà, les bites. T'aurais préféré qu'il ressemble à son père ou à sa mère? Ah, moi quand même. La gueule qu'elle avait quand même. Oui, c'est vrai. Moi aussi. J'aurais choisi ça pareil. Choisir, oui. T'as un petit gothique qui sort, ah, il est tout blanc. Oui. Ah, avec du maquillage blanc, noir. Et le truc à l'hôpital, là, la Ayette qui doit travailler dans le médical. Salut Ayette. Ça s'appelle la trithérapie prophylactique. Ah, très bien. Ouais, voilà, Marie, ouais, c'est bien. Ça, ouais. Super, Marie. Voilà, Marie, elle galère un peu. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on n'a pas fait le top bug hier à cause du. Eh non. Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'hier, on a une soirée chargée. Et puis après, on a Black M. Il y a Black M qui est passé. Qui arrive à 22h30, qui arrive à 23h30. T'es obligé de le gronder. On l'a grondé, bien sûr. Heureusement, il nous a fait écouter son nouveau son. Merci Black M. Oui. Et donc ouais, on n'a pas eu le temps de faire, le top bug. On va le faire ce soir là, le top bug à découvrir et à retrouver avant minuit. Alors, et le problème du mois, ça a voté là. Les résultats arrivent dans un instant, c'est en comptage. Merci pour tous les votes du problème du mois. Merci, merci. Bon alors cette histoire de capote là, ouais. Vous nous dites si vous avez eu des problèmes de capote. Vous nous faites signe. Romano le boss, 13 ans. Un pote, il a voulu rigoler, utiliser deux capotes. Oui, alors ça c'est pas bon, il paraît que mais c'est non, pas mais bon. Ça glisse. Oui. Mais en fait, ça paraît logique puisque soit quand tu mets la capote, elle est super lubrifiée. Comment ça, tu dis? Lubrifiée. Ça pokinactique. Ah, tu vois? À barre acoustique. Ouais, non, c'est pas ça. Vu que c'est vachement lubrifié, si tu mets un autre truc par-dessus, forcément, l'autre truc par-dessus, ça va le faire glisser. Ce qui est logique. Tectonique. Non, mais ça, c'est un coup à laisser une des deux capotes à l'intérieur de la meuf. Non, ça mais c'est vrai, t'as raison. Ah oui, le galère qui est arrivé là, oui, c'est le message qu'on a lu tout à l'heure, là, avec d'y aller jusqu'au point pour aller chercher. C'est un bordel, quoi. Tiens, regarde, j'ai mis deux fois mon ex en cloque. Elle avait 16 ans, c'est Wood qui en a 21 aujourd'hui. Salut à toi, Wood. Moi, j'ai une grosse bite, c'est les problèmes avec les capotes de Kevin, 21 ans. Bah, t'as des tailles, hein, tu prends les tailles. Hein. C'est vrai, quand quand t'as avec des capotes standards, bah, tu... et que t'as un gros sexe, ouais. Eh oui, Marie, oui. Tu fais bien de, tu fais bien de le dire. Oui, je sais, je suis au courant. Très bien, merci. Pourquoi t'es au courant? Mais parce qu'une fois, je t'avais vu en vacances, t'étais, t'étais en caleçon, t'avais les jambes posées sur la table et j'ai vu ton truc. Ton sexe traîné par terre. Dépassé. T'as les yeux posés bizarres. Bah non, mais attends, je suis désolée quand t'es... Il était tellement gros, j'étais obligé de le voir. Non, mais moi, j'étais debout en plus, donc je voyais que ça. Mmh. Bon, je te l'avais pas dit sur le moment parce que je voulais pas te foutre mal à l'aise. Oh, tu sais, Marie. Je te l'ai dit plus avec tard. Avec toi, on peut tous dire. Non, mais t'étais tranquille avec ton journal. Ouais. Et j'essayais de prononcer le mot titactique. Ah, et ça y est, j'ai retrouvé la marque de la capote indestructible. Putain de merde, bon, qui se déchire pas. Profil à clip. Non, c'est pas ça. Un beau clip. Ça s'appelle X-HEX. Par contre, c'est mis en vente à partir du 1er septembre. HEX, la capote indestructible. Ouais, c'est ça. 19,90€, la boîte de 12 préservatifs. Et en fait, ils ont modifié la structure du latex. En fait, le latex est constitué de petits hexagones, bon, évidemment, microscopiques. Magnifique. Ouais. Et en fait, allez, les bleus! Et voilà, c'est ça, ouais. Ah, ils ont durci ces trucs et que du fait, du coup, s'il y en a un qui pète, un petit hexagone, vu qu'il en reste plein à côté, ça ne gênera pas, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est de la haute technologie. Ah ouais, inspiré de la formule. Sept ans de recherche. Bah, bravo à eux, hein. N'empêche, bon, ça peut être pratique, hein. Et d'ailleurs, Manu, tu m'as dit tout à l'heure que Pamela voulait venir ce soir faire son radio achat. Oui. Ah, bah, elle est déjà là. Oui. Pamela, mais on a parlé, je crois même qu'elle est déjà là. Ah, bah, tiens, bonjour, Pamela. Bonjour, Pamela. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Manu. Bonjour, Pamela. Salut, Pam. Il se fait autour la bise, le mec. Tu as entendu le clash hier soir? Ah, bah, alors, quel pinet s'est pris. Comment? Ah, il s'est pris une pinet, le. Qui donc? Le vilain, là-bas, là. Parle bien, toi, déjà. Mais non, mais c'est Cédric. Ah, je me cache. J'ai l'impression que Pamela, elle t'en veut, c'est dingue. T'es sorti avec chelou, un jour ou pas? Non, mais. Ah, certainement pas, elle me touche pas. Hein. Je crois qu'elle m'a fait un peu de rentre dedans et je l'avais recalé à l'époque. Ah, elle est vexée. Il me touche pas, ce boudin. Elle est vexée. C'était avant les opérations. Ah, tromblon. Là. C'était avant la chirurgie. Cajou. Voir. Ah, décidément. Ouais. Cadavre. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Faites-vous un bisou. Ah, c'est mocheté. Oh, Pamela. Pourquoi t'es vomi en plus? Mais viens sur mes genoux, Pamela, vas-y. Et il est dégueulasse. Donc, bon, alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Je viens faire mon radio achat. T'as écouté Romano ce matin dans les conseils pas chers et bah, évidemment, je sais que tu l'aimes bien, Romano, lui. Oui, je l'aime bien. Ah, je l'adore. Bien, oui. Merci, Pam. Et ses conseils pas chers, t'aimes bien? Ah, j'adore. Tous les je matins, chante. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Allez, eh bien, je suis prête, moi. Bon, pour le radio achat. Juste avant, on prend Joe de Marseille. Réaction capote, problème capote. Et on n'oublie pas, bah, ceux qui suivent et qui arrivent derrière, hein, dans un instant, ils arrivent avec nous. Alors, Lisa est au téléphone. Et il y a toujours le pervers de Périscope qu'on attend, le pervers de Chloé, de tout. Ouais, c'est pas connecté encore et j'essaie d'appeler. Ouais. Ouais, il répond pas sur sa téléphone. Non, mais dès qu'il est connecté, on se met dessus. Alors, Lisa arrive. Bonjour, ma chérie. Salut. Joe. Et là, toi, t'as pas de problème de capote, Lisa, toi? Ah non, pas du tout. Très bien, ça tombe bien. On va te retrouver tout de suite. Et Joe, lui, par contre, je crois que c'est problème de capote. Salut, Joe. Salut, l'équipe. Oui, salut, Joe. Comment vas-tu? Salut, Joe. Ça va et vous? Salut. Ça va bien, Joe. Donc, t'es à Marseille, toi, Joe? Ouais, c'est ça. Et alors, t'as eu un problème de capote? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, moi, ouais, plus jeune, ouais. Pas maintenant, mais c'est vrai qu'avant, ouais, plein de fois, j'ai craqué des capotes avec des plans cul et tout. Ouais. Et c'est pour... Ah ouais, tu devais être super stressé. Surtout, c'est juste avec un plan cul. T'es en bas de complet quand mais tu, c'est quoi, quand genre, tu craques la capote. Genre, c'est des meufs que tu rencontrais en soirée et tu les niquais, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Oui, donc la meuf, voilà. Comme on dit, tu ne la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Oui, ni c'est d'Adam, la... c'est ça, voilà. Et ouais. Quand ouais, tu sais pas ce que la meuf, les antécédents, ouais, qu'est-ce qu'elle mais a souvent, fait. Souvent, c'est parce que les meufs, elles mouillent pas assez ou quoi. Ah, c'est leur faute. Vous entendez les filles, c'est votre faute. Voilà. Faut mouiller. Évidemment, ouais, t'as raison. Bah, t'as qu'à l'exciter un peu plus. Non, regarde, parce qu'il y en a qui. C'est vrai, aussi. Là, ça c'est fait. C'est bien, ouais, Marie. Mais bon, un plan cul en même temps, c'est... moi j'appelle ça un vide-couille, hein, donc. Ah, bah c'est super, c'est sympa pour elle. Non, mais elle avait peut-être la chatte râpeuse à l'intérieur. Première sur le rap. Le truc, là, à l'intérieur de sa chatte, c'est un hérisson, quoi. Non, mais tu sais, ou comme la langue des chats ou des chèvres. Ouais, tu sais, un truc désagréable. Il y a Abdel encore un, qui nous dit encore un qui va dire qu'il a une grosse bite et que c'est pour ça qu'il expose la capote. Ah, pas du tout. Alors, t'as une petite bite? Non, normal. Ah, genre grillé. Grillé, Joe, grillé. Non, normal, mais ouais, ça arrive facilement quand même à craquer une capote. Et derrière, mais t'allais faire un test à chaque fois? Bah ouais, t'es tellement bad que... Non mais dans le laboratoire où t'allais, ou je sais pas, ou à l'hôpital, mais les mecs ils devaient se dire... Putain, mais il arrête pas de baiser lui. Le mec il a pris un abonnement, quoi, toutes les... Ah ouais, souvent j'allais au même, ouais. Non mais tiens, il y a Laura qui te conseille de mettre du gel. Mets du gel, comme ça évite que ça râpe. Oui, bon, maintenant c'était avant, hein, maintenant ça... Oui, maintenant... Oui. Maintenant, t'es posé ou tu fais quoi maintenant? Tu baises encore comme ça? Non, avant, ouais, je me suis posé longtemps, j'ai eu un fils, et maintenant, ouais, je suis séparé, là. D'accord. Ah, donc tu t'amuses, oui. Ouais, je m'amuse, donc, capote. Ouais. Ah oui, toujours. Eh, toujours. Ah ouais, c'est vrai que toi, putain, toi, t'as pas de bol, quoi. C'est... Mais genre, c'est arrivé combien de fois? Je sais pas, ça a dû m'arriver. Ouais, pas tant que ça, tu oui, vois. Non, mais j'imagine, genre, 5-6 fois, quoi. Ah, quand même, ouais. Quand même, ouais. Ah ouais. Ah ouais, mais t'es sûr que tu sais la mettre? Oui, quand même. non, mais sérieux, parce que si tu la mets mal, c'est là où ça peut péter, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est vite fait, ouais. C'est... Non, parce qu'à la limite, tu vois, ça peut t'arriver une fois, deux fois, mais t'es sûr qu'elles ne sont pas périmées, tes capotes? Ouais, mais ça les date, c'est comme les yaourts. Non, sur ça, je fais super attention. Elles sont pas prises de soleil ni rien, parce que par exemple, l'été, quand vous laissez des capotes dans une voiture, laisse tomber la capote. Ouais, mais sur ça, je fais super attention, quoi. Bah ouais, c'est vrai que c'est comme. Mais pourquoi tu manges une capote, Cédric? Oh, ouais, trop bon. Non, elle est à la banane. Oui, mais j'ai dit c'est comme un yaourt, mais c'est pas pour manger. Je veux dire, c'est comme il y a une date de péremption dessus. Voilà, tu sais qu'il y a mis du jus dedans, par contre. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'il y a c'est banane arrière-goût sperme. Ah, bah oui. Non, mais regardez bien la date. La date de comme pour les yaourts, de péremption de la capote. Ouais. C'est vrai, les voitures, tout ça, quand il fait chaud l'été, fais attention. Ah, bah genre les dernières. C'est comme ça que j'avais pété la capote, moi. Ah bah, tu vois, non, mais même dans le portefeuille, admettons, tu vas avec ton portefeuille ou t'en as dans ton sac à la plage. Ouais, c'est dans la boîte à gants. Ouais, même dans la poche et tout. Il tape 40 degrés, tu sais, en plein soleil, la capote. Ouais, c'est pas bon, quoi. C'est après, je sais pas, ça doit être mauvais pour le latex. Oui, bah oui. Ou alors, je sais pas, vous mettez votre capote dans une glacière. Oui, dans le frigo. Et vous vous baladez avec votre glacière partout. Glacière à capote, quoi. Vous mettez les capotes, un petit truc à boire. Ouais, voilà, c'est cool ça. T'as mangé, Karim, c'est fini le ouais, tour. Ouais, ça va, alhamdoulilah. C'est after kum rouya. Merci, Rouya, c'est gentil. Comment on dit les frères? Rouilly, Routi. Routi. Routi. Routi. Pourquoi Routi? Non, pas Routi, Routi. Bon, bah, salut. Sarah Torkum Routi. Salut les Routi. Les sœurs? Rouatati. Rouatati. Rouatati. Et Tati, on dit comment? Salut les Rouatati. Et Tati, c'est Khalti. Khalti. Rouatati. Très bien, c'est notre petit cours d'arabe du soir. Sarah Torkum Rouya. Routi, Routi. Routi. Bon, bah, Joe, merci du témoignage, en tout cas, Joe. Bah, merci à vous. Et puis bah tu reviens quand tu veux. Salut tout Marseille. Pas de souci, je vous écoute tous les soirs, tous les matins, je suis toujours là. Cool. Mais Joe, une question là, tu sais, avec tes histoires de capotes là. Mais à chaque fois t'as utilisé la même marque et le même modèle? Ah ouais, toujours. Ah bah moi j'aurais changé à ta place. Moi aussi. D'ailleurs dès la deuxième fois. La marque c'était quoi? C'était Durex, je crois. Oui, mais, ouais, de toute façon bon eux c'est. Ça va. Oui oui. Mais l'idée du gel était pas mal. Le message que je vous ai lu tout à l'heure là. Alors vérifie que tu l'as. Ouais, ouais, c'est vrai. Si elle mouille pas assez, tu mets du gel. Bah oui. Après, moi, j'aime pas trop me balader avec des. Ouais, voilà, tu te balades avec ton pot de gel, quoi. Non, mais surtout, tu sais, la meuf. Si t'arrives chez la nana avec ton pot de gel dans la poche. Ouais, mais surtout le premier soir, tu vois, si la meuf, tu la rencontres en boîte, tu vas pas passer la soirée avec ton pot de gel dans la poche arrière, quoi. Non, mais c'est ça, quoi, tu peux pas. Et tu danses. Wouh! Les filles, j'ai du gel. Vous voulez que ça glisse? Fin du match, Allemagne-Pologne 0-0. Allez, 0-0 pour le match de ce soir. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Les Allemands tenus en échec par les Polonais. Ouais. Les Polonais, ils avaient fait quoi pour leur premier match d'ailleurs? Les Polonais, ils avaient fait match nul, je crois. Partout, je crois. Ouais, c'est ça, il me semble. Ouais. Bon, bah en tout cas, Allemagne-Pologne, bah le match ne leur aura pas départagé. Nous, à cette heure-ci, hier, rappelez-vous, on avait gagné. Non, mais c'est vrai, c'était un autre match que celui-là. On a bien flippé pendant tout le match. À cette heure-ci, regardez, ça a bien joué. Payet qui était le deuxième but à cette heure-ci. C'est ça, ouais. Donc c'était bien le match. Ouais, techniquement, c'est deux grosses équipes quand même. Est-ce que notre ami Joachim Löw, l'entraîneur allemand, s'est senti la bite ou pas aujourd'hui? J'ai bien surveillé, mais j'ai pas vu. Mais il m'a chouillé un petit truc, je me demande si c'était pas une crotte de nez. Ah, c'est possible. Et il y a Blue qui est pas d'accord avec vous, c'est Euro 2016, annonce vraiment bidon au niveau match. Non, il y a des matchs pétés, ouais, c'est clair. On est au début. Et en plus, c'est un Euro où on est plus que d'habitude. D'habitude, il y avait 8 équipes de moins. Ouais, c'est la première fois. Ce coup-ci, il y en a 8 de plus. Les Polonais ont gagné le premier match. Ils ont gagné le premier match, les Polonais. 1-0 face à l'Irlande. Merci, Brian. Merci à Armor 22 entre autres. J'ai fait exprès de me tromper pour voir si vous suiviez bien l'émission. C'est bien les gars. Et je trouve, je voudrais d'ailleurs vous féliciter, vous suivez bien l'émission. Félicitations. Merci Joe, et tu quittes pas ton t-shirt Skyrock à la maison, c'est parti. Salut Joe. Bonne soirée l'équipe. Salut Joe. Ciao. Salut. Ciao. Bon, vous pouvez témoigner comme Joe, vous nous appelez au 01 53 40 30 20. J'en ai eu plein des capotes capées, nous dit des capotes craquées, vous allez dire. Nous dit Fred sur SMS. Non, mais changer de marque hein. Ouais, Agdil, lui, il a testé le préservatif féminin, c'est une vraie merde. Kevin conseille t'as qu'à prendre un sac poubelle si elle est trop petite. Non, mais c'est un peu bizarre ouais le truc féminin là. Y a Val, c'est revenu souvent ça. Tiens. Ah, ça glauque quoi. Ah ouais, moi aussi. Ça fait médical et tout. J'avais essayé une fois. En fait, pour oui, Marielle s'était mis un préservatif. Ouais. C'est une espèce de comment? Voyez une poubelle. Oui. Poubelle. Une petite, mais une petite alors, hein. Genre une poubelle de bureau ou une petite poubelle de cuisine. Ou celle des salles de bain peut-être. Ouais, voilà, ouais. Eh ben, vous mettez un sac poubelle. Oui. Ben, c'est à peu près ce que les filles se mettent dans le vagin pour le préservatif féminin, c'est à peu près ça. Avec un anneau. En fait, c'est un fond, ouais. Moi, je verrais plutôt un verre, tu vois. Que tu retournes. En fait, c'est un fond comme ça, une plateforme qui est ronde. C'est pas comme les capotes de mecs. Et en bas, enfin, ce qui ressort de la minette, enfin, du vagin. Ça sert en plastique. Ouais, voilà. C'est très désagréable. Non mais c'est très visuellement, je trouve ça. J'aurais peur que mes couilles elles se coincent dans le dans l'arceau là. Ouais, puis pour nous en plus tu sens pas du coup. Mais tu t'es fait bouille avec ça ? Bah non, j'avais essayé ici. Ah non, mais je pensais que t'avais retesté chez toi ça. Non, non, mon mec avait pas voulu à l'époque. C'est dingue ça. Ouais, mais enfin en même temps c'était pas très sexy. Non mais c'est, vrai, bon tu vois. Et à mettre c'est un bordel. Bon, c'est peut-être parce qu'on n'est pas habitué, hein. Il y aura eu que ça. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je sais pas, c'est plus simple quand même de mettre une capote sur la bite que d'enfoncer le machin là. Ouais, c'est assez spécial. De bien le placer, hop, attention, je place le sac. Imagine sac à foutre. Imagine, tu sers une meuf en soirée, tu vas chez elle, tout, elle écarte les jambes et tu vois ça là. Elle a mis une capote, ça. Excuse-moi mademoiselle, tu as un sac poubelle. Oui. Je crois que tu t'es trompé. Ah oui. Je crois que tu t'es trompé de poubelle. Oui. Val, il y en a plein qui comme Val le Marin, là, il a 17 ans, Val le Marin. Alors lui, c'est un pote à qui c'est arrivé, mais il y a plein qui nous ont dit que ça leur était arrivé à eux. J'ai un pote, il débande chaque fois qu'il met une capote. Enfin, lui, c'est ce qu'il dit aux filles. Ouais, mais qu'il fasse attention quand même, parce que la capote, c'est pour les filles, mais c'est aussi pour lui. Ouais, mais ça protège tout le monde. Hein. Mais il n'y a pas un gel qui existe où t'es pas obligé de mettre une capote, justement. Ah, bah on va se renseigner, on va tout vous dire. Et il n'y a pas un truc qui se met sur la tête. Ouais, moi aussi. Ça protège. Et ça protège. Et alors, c'était un projet qu'ils avaient, mais j'avais déjà. Alors, comme vous savez tout, vous nous dites au 41759 sur l'appli Skyrock. Dans un instant, je vous donne les résultats du problème du mois. Et on attaque. Et Pamela attaque son radio achat de ce soir. Oui, et attention, j'ai des jingles. Tu as un jingle ? J'en ai même trois différents. Pour le radio achat ? Eh ouais. Je les ai pas écoutés, ils sont comment ? Ils sont géniaux. Ah, Pamela, mais c'est magnifique. Elle est contente. Vas-y, Pamela, avant d'écouter Justin Timberlake. Un petit jingle, vous voulez ? Oui, j'en veux un. Allez. Allez. Allez. Le radio achat de Pamela sur Skyrock. Vous appelez pourquoi ? Pour vendre des conneries ? C'est pas mal. Vas-y. C'est pas mal. Vas-y, le deuxième jingle. Un deuxième. T'as trois jingles, Pamela, toi. Ouais. Y a un mec qui veut le tirer. Radio achat de Pamela sur Skyrock. Avec un god et tout ça. Eh oui. Ah ouais. Eh oui. Et le radio achat de Pamela sur Skyrock. J'ai des gods. Ils sont neufs ou ils ont été utilisés? Question de mari, tu sais. Ils sont neufs, ils god. Neufs ou occasion? S'ils sont d'occasion, j'espère qu'ils ne sont pas lavés, hein. Combien de kilomètres? Horrible. Le radio achat de Pamela avec la capote nouvelle génération à découvrir donc sur Skyrock avant minuit. Oui, je pars chez les familles vendre ça. Justin Timberlake aussi, il y a Lisa qui nous attend, qu'on va retrouver en direct avec nous. Et puis donc le problème du mois, mais je vous l'ai dit, je crois. Ah ben oui, on va y aller. Allez, problème du mois à suivre sur Skyrock. En juin et en juillet, Skyrock t'en met plein la vue. Ah, c'est cool. Tous les matins, le Crédit Agricole t'envoie sur les 8e, quart, demi et finale de l'Euro 2016. Avec tes places en tribune déjà réservées. Merci beaucoup, Skyrock. Et toute la journée, Skyrock t'envoie sur les 4 stades de Rihanna à Nice, Lyon, Lille et Paris. 200 places pour l'Euro 2016, 400 places de concert pour Rihanna. This is Rihanna. Écoute Skyrock et gagne-les à tout moment. Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock, premier sur le foot, premier sur Rihanna. Ça, c'est quoi ? Bah, des tomates. Oh, génial ! Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est du persil. Du persil ? Mais je voyais pas du tout ça comme ça. Et là, tu vas planter quoi ? J'hésite, mais tu me fais penser à un truc. Ah bon, à quoi ? Une courge. Tu veux créer ton potager sans prendre la tête et même sans rien y connaître ? Télécharge Je Jardine, l'appli du potager 100% gratuite, 100% pratique. Avec Je Jardine, tu fais pousser ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Je Jardine est une initiative du Crédit Agricole. C'est déjà le milieu de l'année, l'heure des premiers bilans. Moment, au 71-777. Nos astrologues vous guident dans vos démarches futures. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71-777. Des réponses précises sur ce que les astres vous réservent pour la suite de l'année. Moment, au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Pendant l'Euro, il y aura 72 goals, 192 défenseurs, 144 milieux de terrain et 144 attaquants. Tous ces joueurs joueront dans la même équipe. Cette équipe vous suivra partout. Elle sera dans votre kiosque, sur votre bureau, dans votre salon et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes. Échangez vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Allez, c'est parti sur Skyrock. Justin Timberlake tout de suite. 10 foules radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et voilà, encore un son que vous avez découvert sur Skyrock. Eh, première diffusion européenne, c'était sur Sky. C'était dans le morning. Can't stop the feeling avant le problème du mois et le radio achat. I got this feeling de Pamela. Inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Justin Timberlake. Are you ready? Romano. Moi je reconnais, je suis un petit beau. D-Fool. Je serais une meuf, je préférais qu'on s'agite, moi. Cédric. Elle est belle quand même, sa bite. Marie. Non, je levais la main parce qu'en fait j'ai pris l'apéro, comme vous pouvez l'entendre. Ah bon. Samy. King of soccer. Non, soccer. Yeah, Olympique de Marseille. Momo. Non, la véritable phrase, à la fin, il me dit ferme. J'espère que comme ça, ça va vous fermer vos gueules, quoi, à la fin, quoi. Et Karim. Ah, Alhamdoulilah, tranquille. D-Fool Radio Libre tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Et on est tous là en direct. Tiens, info, Sky Sports. L'entraîneur allemand a fait des trous dans ses poches pour se gratter les couilles discrètement. Ouais, pas mal. Merci de l'info, Blue. Premier sur le foot, Blue. Le journal de l'Euro avant minuit, on a plein de choses à faire. Et c'est vrai qu'il en avait parlé en conférence de presse. Ouais, il en a parlé. Ben oui, il a parlé hier. Il a dit, enfin, il a pris la rigolade. Je savais pas dire, oui, j'ai une cure le nez. Non, il s'est excusé un petit peu. C'est comme ça, c'est la tension du match. Eh oui, il a dit dans la tension, on fait des trucs, par exemple, on contrôle pas. Ah, j'ai le cul qui gratte. Enfin, après, je sens mes doigts. C'est l'entraîneur qui a senti ses doigts. Ouais, c'est ça, l'entraîneur allemand. Après, c'est de gratter la bite et après, c'est gratter le cul. Et le cul. Et après, il a mangé des crottes de nez, mais ça c'était. Avant, il avait mangé des crottes de nez. On a découvert ça après, en fait, ouais, c'est ça. Magnifique. Bon, le problème du mois, j'ai les résultats du problème du mois. On va faire le problème du mois numéro 5 aujourd'hui. C'est parfait, ça. C'est le problème du mois de Samuel et Jean avec les gods, leurs copines. Non, mais je trouve ça bien parce que les vacances arrivent. Oui. On va avoir tous plus de temps. Oui, mais je suis pas sûr que je fasse ça, même si c'est une idée d'activité. Estival entre potes. En effet, mais bon, alors 60% des voix pour le problème du mois numéro 5. Eh ben dis donc, les autres, il n'y a que des miettes qui restent. C'est du 14% pour ah bah de toute façon, oui, ça ne reste pas gros. Ah bah ouais. Pour l'autre, il y a des grappes de couilles, des grappes de raisin aux couilles. Ouais. 15%, il a fait. 14%, c'est pour l'homme avec ses chaussettes. Et après, 7% pour Batman. Et 4% pour le god genouillère. Eh ben voilà. Et donc ce soir, on fait le problème du mois numéro 5. Prépare-toi à nous lire tout ça, Romano. Tiens, pour ceux qui passent le bac français, un bon exemple de réussite en français. De réussite scolaire. Exactement, avec la lecture du problème du mois. Ça, je vous la conseille avant minuit. Avant minuit, le top bug. Vos places pour Rihanna aussi à gagner. Alright. Je sais pas si on va avoir le temps de tout faire, dis donc là. Lisa qui arrive avec nous. Et les réactions pour les capotes et le radio achat de Pamela. Ouais, tiens, justement, à propos des capotes, là, on parlait, là, je parlais du gel, là, je croyais qu'il existait. Là. Ouais. Ouais. Et en fait, il y a On baise le veau, entre autres. Bonjour, On baise le veau. Vraiment, je l'ai pris totalement ça au hasard. Tombe comme ça. Oui. Bizarre, ouais. Il y a aussi Felindra qui est juste au-dessus, là, il y en a deux. Il y a un gel qui existe, mais c'est juste un spermicide, je crois. Ah, et ça en fait, tue les. Tu peux pas tomber enceinte. Tu peux pas. La meuf peut pas tomber enceinte, mais par contre, les deux nous disent bien, Felindra et On baise le veau. Ça ne protège absolument pas des maladies. Ouais. Ah, les maladies sont là, faites attention. Bah, parce qu'il y a le contact entre les deux. Et il y a Mébru, plus bas là, qui nous dit. Quoi, plus bas sur notre écran de message. Oui. Plus bas, il n'est pas à l'étage d'en dessous. Hein. Ah bon, je crois. Autrement, faut qu'il monte, on est là, nous. Hein. Non, a priori, il y a justement une capote en gel qui est prévue, c'est à l'étude, et ça devrait arriver bientôt sur le marché. C'est vrai, j'ai entendu ça, t'as raison. Et ça fonctionne déjà pour les gants de mécano. Ah bah, tu mets tes gants de mécano. Si vous êtes déjà mécano, vous avez ça à la maison. Eh ouais, ça c'est et pas c'est mal. Et c'est quoi? C'est genre un spray que tu te mets ou un gel ouais, et ça protège. Ah ouais, à mon avis, ça doit être un truc qui durcit et d'un coup ça se transforme ouais, genre en latex. Une coque ou une coque, ouais. Une coque comme Marie une coque. Oui. Ah oui, pardon. J'allais dire comme les trucs, tu sais, pour les piqueurs de moustiques que tu mets dessus et ça fait une sorte de gel comme ça, une protection. Un truc. Je pense que ça doit être un truc dans ce genre-là. Ou alors, c'est tu sais, comme hein. les pansements là. Mmh. Ouais, voilà, ouais, comme ça. Tiens, en fait, les faux pansements là, c'est une bombe. Tu te mets ça et en fait, ça durcit, ça te protège, ça te crée un pansement sur la peau. Ah. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est la technologie. C'est magique. Et ouais, la new tech. Faut pas que ça t'arrache la peau de la bite, quoi. Non, mais en l'occurrence, la capote en gel, c'est pas cool. Non, mais c'est une bonne idée, ça serait plus facile à mettre, en tout cas. Après, bon, tu prends l'habitude de mettre les capotes, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, moi, d'une main, je peux te mettre une capote comme ça. Ah ouais? Quand je dis je peux te mettre, Cédric, c'est pas la peine de me regarder comme ça. C'est me mettre une capote. Non, mais c'est mieux avec les deux, parce qu'il faut quand même pas qu'il y ait d'air au bout, hein. C'est vrai, Marie. Bah ouais. Et a priori, là, le gel spermicide là, qui existe déjà, là, ouais. C'est pas sûr à 100%. Hein. Bon, Pamela, t'es prête? Oui, je suis prête. Mon radio achat va ouvrir. Le radio achat de Pamela ouvre. Tiens, Yannis est au téléphone avec nous, rapport aux capotes. Allez, on prend tout de suite. Lisa, on t'oublie pas. Hein, t'arrives, Lisa, on va s'occuper de toi avant minuit, c'est sûr. En plus, toi, t'as un petit souci un peu. Enfin, un truc relou qui t'arrive. Donc, on va t'aider. Et en plus, tu viens de Bourgogne. Voilà, c'est ça. Et oui, les auditeurs du 71, même. Les auditeurs du 71. Ah, t'es où là-bas? Pas très loin du Creusot. Ah, du Creusot, la ville. Le Creusot, Romano, mais oui. Le Creusot, mon Dieu. C'est la ville. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, toi, Lisa. C'est la ville qui t'a donné naissance. Tu es né dans un Creusot, Romano. Le Creusot à l'hôtel Dieu. Et là, j'entends tut, ça vient de Nice. C'est Yannis, de Nice. Il y avait Brice, de Nice. Il y a Yannis, de Nice. Aussi, ouais. Yannis. T'appelles pour les capotes? T'as eu quoi comme problème avec les capotes, toi, Yannis? Ouais, c'est ça. Bonsoir, l'équipe. Salut, Yannis. Salut. Coucou. Salut l'équipe. Ben ouais, ben moi en fait, il y a quoi? Il y a un mois et demi. Oui. Je suis parti. Je suis allé voir une pute en fait. Ouais. Ah ouais, donc si la capote a craqué à ce moment-là. Ouais, donc t'es allé voir une pute sur la promenade des Anglais, non? Mais non, loin de là, c'est pas mon délire, ouais. Ah, parce que moi j'en ai vu promenade des Anglais. Non, mais il y en a plus. C'est des hommes ou des femmes d'ailleurs? Non, c'est des Franchement, tu sais quoi, les trois quarts, c'est des hommes. Ah, il me semblait, ouais. Parce que, ouais. Une nana qui a du rouge à lèvres, mais qui a aussi une petite moustache au-dessus. Je me dis que c'est un peu chelou, ou alors elle est très velue. Oh, il y en a. C'est exactement ça. Et c'est surtout des Américains, des Amériques du Sud, bah ouais. Ah, c'est des Brésiliens. Des trucs comme ça, tu vois, des Hispaniques, quoi. Donc, c'est ça louche. Ah, c'est ça louche, c'est Mercedes. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais la pute que t'as trouvée, tu l'as trouvée où, sur Internet? Ouais, sur Viva Street. Ouais, genre une escort girl, quoi. C'est ça. Oui, quoi, c'est pute, mais bon. Oui, c'est. Ça fait plus classe, le nom. Escort girl, ça fait mieux, ouais. Ouais, je me suis tapé une escorte. Ouais, c'est ouais, ça. Alors, ouais, alors que moi, c'est une pute. Ouais, j'allais baiser une pute. C'est vrai que c'est pas pareil. Alors que c'est du pareil au même, alors. C'est la même chose, oui, au final. C'est exactement, vrai. Exactement. Ouais, en fait, moi, c'est même pas que la capote, elle a craqué ou quoi. En fait, je fais ce que j'ai à faire avec la pute, et je vais me permettre, et puis voilà, quoi. Et puis sur le coup, je la baisse bien comme il faut, je la prends bien comme il faut, et puis à la fin de la passe, je me rends compte en fait qu'il y avait deux petits trous au niveau du réservoir de la capote. Ah, elle avait pas craqué. Ah, c'est bizarre ça. Elle avait pas craqué, mais elle était percée.

Et c'est donc parti, le radio achat de Pamela. Allez, c'est parti. Bon, Kiki. Le radio achat de Pamela sur Skyrock. Bon, vous appelez pourquoi ? Pour vendre des conneries ? Oui, alors, non, pas du tout. On vend le... Bonsoir. Bonsoir, beauté. Bienvenue sur le plateau du Radio Achat Skyrock. Plus sexy que jamais, dis donc. Eh bien, ce soir, je vous présente le magnifique objet, la capote indéchirable, indestructible. Bravo, Pamela, bravo. Mais je t'écoute pas Skyrock le matin, toi, dis donc. Eh bien, si, j'écoute Skyrock le matin. Ah, parce qu'on a fait ce matin avec Romano qui a réussi à en vendre. Mais plus tôt, on va voir si à 23h12, oh, c'est bien l'heure où ça baise chez les familles. Et je suis accompagné de mon fidèle Gérard. Oui, bonjour à tous. C'est l'heure de votre radio achat. Et c'est quoi le radio achat? Eh bien, Pamela appelle des familles pour leur proposer la capote indestructible. Allez, on va chez Jérôme. Bonjour, bienvenue dans le radio achat de Pamela sur Skyrock. Bienvenue, bienvenue. Et nous avons Maryse qui, dans quelques minutes, nous fera sa rubrique vin. Oui, bien sûr. Ah, génial. Ah, j'étais pas prévenu, mais bon, écoutez. Hein. Alors, nous appelons donc des familles partout en France. Pour leur proposer en exclu. Bonjour, vous êtes sur la... Pourquoi il faut te préparer? Il faudrait me préparer pour la prochaine fois, Sex Bomb, la musique. Ah. Allô? Allô? Allô? C'est? José. Allô? José, répondez, c'est Pamela du Radio Achat. J'ai des préservatifs à vous proposer ce soir, merveilleux. Ils sont merveilleux. Moi-même qui... Gérard, hein, je me présente Gérard du Radio Achat. T'es là, José? Et voilà. Gérard Meillant, lui-même enculé avec cette capote. Oui. Aucun souci, un véritable régal pour mon anus. Et oui, car on ne vous vend pas n'importe quoi dans le radio achat. Ça a été testé. Et oui, tout est testé. Par femme. Ah bah évidemment, je teste tout. Hein. Exactement. Et t'as l'impression que les gens qui présentent le téléachat à la télé, ils ont tout fait. Tout. Genre ils ont tout essayé, ils ont tous chez eux, tu sais. Ouais. Ah bah c'est qu'ils ont quand même une sacrée vie de merde ici. Allô. Allô. Oui, bonsoir. C'est Pamela du Radio Achat. Je voulais te proposer des préservatifs indéchirables, indestructibles. Mais tu as ta mucure clean. Et alors c'est l'heure d'utiliser des préservatifs. Moi c'est Gérard du Téléachat, bonjour. C'est l'heure de baiser là. Oui. Tu voudrais pas me baiser avec les capotes indéchirables? Non. Non mais par contre t'as le droit de me déchirer l'anus toi. Ah bien sûr. Oui d'accord. C'est la capote qui est indéchirable. Hein. Est-ce que je peux venir te voir dans 5-10 minutes? Bonne soirée, au revoir. À demain. Au revoir. À demain toi, demain on peut venir. À demain alors, je passe demain matin. Eh ben voilà Pamela. Je vais te faire gonfler le chibre au réveil. Mais oui. Eh ben voilà, le radio achat fonctionne. Je suis sûr que c'est un objet qui va déchirer ça. En tout cas, si ça marche vraiment. Ah oui, il y a eu l'heure hier. Oui, bah on a vu, il est 23h14. Ah oui, on est pendu là. Bah oui, regarde. Hey. 23h14 et 26 secondes. C'est ça. Un pile poil. Ouais. Bon, très précis. Pamela, on appelle quelqu'un d'autre. Oui, c'est Gérard. Et je sais que tu es fan du problème du mois, le premier mois arrive dans un instant. Parfait. Et Gérard, c'est moi, le présentateur du. Allô, achat. Allô, Gérard. Stéphane. Stéphane. Allô Stéphane. Ouais. Ouais, bonsoir, c'est Pamela du Radio Achat. Et je voulais te proposer ce soir un magnifique objet, les nouveaux préservatifs indestructibles, indéchirables. En pneu de Formule 1. En pneu de Formule 1. Oui. Ouais, bien sûr, t'as une connerie, allez. Non, mais sérieux. Non, mais personne n'y croit, mais c'est vrai, le préservatif en pneu va sortir moi-même, Gérard, qui suis l'assistant de Pamela. Oui. Je l'ai testé avec elle. Et ça a marché. Oui, bien sûr. Je lui ai bourré le cul à Pamela. Il a tenu le choc. Oh, mais ça, c'est clair. Il m'a déchiré le cul, mais la capote est restée intacte. Eh oui. Tu voudrais pas qu'on vienne déchirer le cul de ta femme? Non, mais ça va pas. Non, mais pour te montrer que cette capote est vraiment indestructible. Gérard, mon assistant pourra te faire une démonstration live. Oui, je peux faire une démonstration live. Je la ferai également sur Periscope. Dans le cul de ta femme. Eh oui, bon, c'est ça. Allez, va te faire foutre. Eh, tu veux pas m'enculer, toi? Ah, pendant que je suis avec sa femme. Encule-moi. Vas-y. Mais va te faire foutre. Va te faire foutre. J'ai envie que tu me foutes, ouais. Il est à fond dans l'euro, lui. Hein. Allez, les bleus. Allez, les bleus, hein. Allez. Oh, va te faire foutre. Comment il s'appelle? Stéphane. Ah, il est parti, Stéphane. Ah, merde. Eh bien, voilà, Pamela. C'est bien. C'est la nouvelle capote que tu nous as présentée ce soir. Et que Romano nous avait présentée ce matin. Crois, hein. Oui, non, mais en même temps, il est peut-être un peu tard. Ouais, c'est ça, je pense que toi, t'as pas un petit dernier, Samy. Vas-y, ouais. Alors, un tout dernier. Il y a Florian qui est au téléphone avec nous en direct de Bretagne. Salut, Florian. Salut. Salut, Florian. T'as 25 ans, t'appelles pour les capotes. C'est pas salut, mal, Florian. La nouvelle capote qui va sortir. Ouais, c'est ça. Comment dire Bah, moi, j'ai eu le cas. Oui, j'avais 15 ans. Oui. Enfin, elle avait 15 ans, moi j'en avais 17. Moi j'en avais 20. Et bah, du coup, elle est tombée enceinte et en plus, elle était musulmane quoi. Oui, bon, ça change pas grand chose. C'est quoi cette réflexion? C'est quoi le rapport? Non, mais tu sais, dans leur religion, c'est pas très bien. C'est vrai que les gens qui croient dans toutes les religions, pas que la religion musulmane, les gens qui croient, faut pas baiser avec le mariage, avant le mariage, les enfants, tout ça. Ah oui, ça c'est vrai. Et oui, d'où l'utilité de cette capote complètement indestructible que vous présente Pamela dans leur achat. Tu l'achèterais, toi, Florian, cette capote indestructible? Bienvenue sur la boîte vocale. Ah bah ouais, si ça fume au démarrage. Ah, oui. Allô? Bonjour, bonjour madame. Oui, bonsoir madame. Vous nous entendez? Allô? Allô, allô. Bonsoir madame. Je me présente Pamela du Radio Achat. Et je suis... con, hein. Et... Ah non, non, pauvre con, c'est une dame, Pamela. Vas-y, rappelle-le. C'est Marie qui a pris le téléphone, en fait. En fait, on a eu la femme au début. Ouais, hein, ouais, ouais. Et le mari est arrivé. Pauvre con, hein. Eh, plus de problème de capote. Avec, oh, j'attaque direct. Avec la capote Ikea. Mais non, elle n'est pas en vente chez Ikea, la capote. c'est suédois. Ah, allô? Allô? J'ai des capotes indéchirables. Oh. Allô? Oh. Oh. Oh. Oh. Je suis maintenant, il pose des cris. Donc. Bon, bah, en tout cas, merci pour cette belle découverte, Pamela. Oui, bah, et, rien. Et merci pour vos témoignages. Et je reviens quand vous voulez. Merci, Florian. Merci, Yanis. Denis. Florian disait ça parce qu'en fait, du coup, les deux pères, ils se sont embrouillés avec de la capote. Donc, la nécessité de la capote indestructible. Il faut. Bon, c'est Flo, tu quittes pas, on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison, hein, Florian. Ouais. Salut, Bretagne. Ça marche. Ciao, Flo. Salut. Allez, Lisa arrive avec nous, le problème du mois aussi. Lisa, donc toi, t'es en direct, t'es dans le 71 et t'as 25 ans. Et votre problème du mois, on l'oublie pas. Et vos places pour Rihanna non plus. Et votre top bug aussi. Ouais. Tout ça avant minuit. Et le journal de l'euro aussi. Ça, on n'a pas perdu notre soirée encore, hein. Ouais. Et oui. Bon, Lisa, donc toi, t'as 25 ans et t'es donc en Bourgogne, dans le 71, chez Romano. Ouais. Oui, voilà. Voilà. Donc toi, tu nous appelles parce que en fait t'as un problème et en plus c'est un truc qui arrive pas mal. On en parle pas beaucoup parce que c'est vrai que c'est pas rigolo. C'est en fait t'as peur des gens, c'est ça, non? Un peu, voilà. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? T'entends super. On t'entend, Lisa. Ça... Mais quand tu dis t'as peur des gens, est-ce que c'est après être allé sur le site Skyrock par exemple et être allé dans la rubrique émission ou animateur et avoir regardé les photos de certaines personnes de l'équipe ou pas? On dira pas de nom. Non, je ne dirai pas de nom. Parce que j'en ai plusieurs à dire, d'ailleurs, des noms. Mais je ne dirai pas de nom. Est-ce que eh bien, moi, je vais le dire, c'est Cédric. je ne pensais pas forcément. Pas qu'à Cédric, on va dire. Ah, bah oui, il y a Samy et Karim, oui. Ah, bah aussi. Romano aussi. Mais pas que. Bon, et donc, toi, t'as peur des gens, ça veut dire que t'es. Agoraphobe. Ouais, mais t'as peur de la foule ou. Bah, déjà, j'aime pas du tout la foule, je vais vraiment là où il y a le moins de... Ouais, exactement. Je vais là où il y a le moins de monde possible, vraiment, j'aime pas ça du tout, je me sens vraiment bien. C'est les agoraphobes, ouais. Mais toi, Romano, t'es un peu agoraphobe, t'aimes pas trop, t'es tout petit, c'est normal. Ah ouais, moi aussi. T'as peur de te faire écraser. Non, mais en fait, ça dépend. J'aime bien être dans la foule, mais un peu à part. Il aime bien quand la Alors, faut nous expliquer. C'est-à-dire que tu aimes bien. Non, mais par exemple, tu vois, par exemple, en boîte, j'aime bien aller en boîte, mais j'aime bien être dans le carré VIP. Ah, ben ouais, voilà. Mais si tu vas dans une fan zone, par exemple. Ah, ça, j'aurais plus de mal. Ah, c'est trop de mal. Non, mais ouais. Mais dans un stade, t'es mal dans un stade? Non, ça va. Non, mais en fait, ça dépend. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand il y a des mouvements de foule et tout ça, tu vois. Même en boîte, bon, il y a rarement des mouvements de foule. Mais genre, par exemple. Quand Marie arrive sur la piste, il arrive plus à marcher droit, ouais. Non, mais tu vois. Non, mais ce que je veux dire, mouvement de foule, tu vois, en boîte, oui, il y a des mecs, tu sais, tu peux te faire un peu bousculer, machin, mais. Ça danse aussi. Ouais, ça, oui, mais c'est pas méchant. Mais tu sais, des fois, dans les concerts et tout ça, il y a des mouvements de foule, ça me fait un peu flipper, tu vois. Genre de me faire piétiner ou parce qu'on me voit pas. Donc, toi, bah ouais, c'est ça, c'est le problème. Est-ce que tu pourrais aller dans un stade, tout ça, ou t'es vraiment bloqué à ce point? Toi, ah non, je vais pas dans les stades, je vais pas dans les concerts, en boîte, vraiment. Putain, c'est dommage. En boîte, bah non, pas trop non plus. Pas trop, ça veut dire un peu. Bah avant, oui, j'y allais, mais c'est vrai que je me suis vachement renfermée. Et... Ah, tu veux dire que ça s'aggrave ton truc? Et par exemple, est-ce que ça s'aggrave ton truc en fait? Ouais. Est-ce que tu peux encore, par exemple, prendre le bus? Parce qu'il y a d'autres personnes dehors, du coup. Oui, oui, mais c'est vrai que j'ai de moins en moins envie de prendre les transports en commun. Ah ouais. Ça mais le problème, ça c'est que je pense que d'après ce que tu nous dis là, depuis le début là, c'est que t'es en train de t'enfermer là-dedans. Exact. Et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un cercle vicieux en fait. C'est une phobie sociale, nous dis-moi. Non, mais c'est une phobie sociale. Ouais, mais c'est peut-être aussi un problème de confiance en soi aussi un petit peu. Ouais, mais un bus encore, c'est petit. J'ai pas confiance en moi. J'ai pas trop confiance en moi, même avec les garçons. Mais t'es comme ça depuis que t'es toute petite? Non, avant j'étais bien sociable. Mais c'est vrai, ouais, c'est de pire en pire en fait. Et je voulais avoir un peu des conseils. Et tu vois tu vois quelqu'un ou pas? Oui, j'ai vu un psy, mais tu vois plus? Voilà. Si, je le vois encore, mais bon, bah, ça c'est déjà pas mal. T'as pas l'impression que pour le moment c'est beaucoup d'effets, quoi? Non, voilà, c'est tu ça. Te sens pas... et... Mais après, je pense que ton ce genre de truc, c'est quand même long. Hein. Tu sais, c'est pas genre, je sais pas, depuis combien de temps t'y vas. Bon, si tu me dis ça fait 5 ans et que t'as aucun effet, il faut peut-être en changer. Non, oui. C'est sûr. Il y a des psys plus efficaces que d'autres et a priori, celui-ci ne serait pas très efficace. Admettons, t'y allais combien de fois chez ton psy? Ça fait en fait, j'y suis allée pendant 2 ans, une période, et j'ai arrêté. Mais 2 ans, t'y allais quoi, genre une fois par mois ou Non, une fois par semaine. Ah ouais, et y a eu, t'as senti aucune amélioration? Non, je crois que c'était encore pire. Ah, merde. T'as peut-être bien fait d'arrêter. Non, je vais te demander, tu te sens pas, tu te sens pas bien dans ta peau, tu te sens pas jolie, tout ça. Bah pourtant, je suis pas, enfin, je crois pas être moche en majorité. Ouais, mais ça va, moche. Tu te sens jolie. Enfin, je veux dire, quand tu te regardes, c'est sûr de toi, tu fous une petite robe, t'es, tu te sens jolie. Je vois pas l'intérêt de ta question, même si tu as le droit de t'exprimer, parce que j'ai déjà mis très vilains qui ne sont pas du tout agoraphobes. Très vilain. Hein, Karim? Non, mais bon, t'as raison de poser la question. Elle a raison, mais je m'habille pas du tout sexy en ce moment. Vraiment, j'y vais basket, jean, ouais, c'est vraiment. Ça. Bah, si tu restes enfermé tout le temps à la maison. Mais tu fais quoi dans la vie? T'es étudiante, tu taffes, tu fais. Je travaillais, mais là, je travaille pas. Je cherche du travail justement, et c'est vrai que je me renferme vachement sur moi, et j'aimerais avoir des conseils en fait pour rencontrer plus de monde, avoir des amis, des copains, des copines. T'es dans le 71, donc si vous avez un petit conseil, si vous êtes comme ça, vous nous dites. On disait une phobie sociale, ou si vous êtes agoraphobe, vous nous laissez vos messages pour toi, Lisa. Bah déjà, ce qui est bien, c'est que t'as réussi à nous appeler. Oui, déjà. C'est vrai. Il y a quand même du monde qui écoute. C'est vrai. Ah ouais, là, c'est la foule. Ah oui, là, tu as stressé. Ouais, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ouais, t'es chez toi, c'est différent. Peut-être. Oui, en tout cas, pour les bus, c'est pas la même chose. Moi aussi, j'aime pas les bus parce que ça pue. Les gens sentent la merde. Voilà, mais les bus, c'est Ludo qui vient de nous envoyer. Voilà, on a dû prendre le bus ensemble. Ah, casse-toi. Les gens sentent la merde. Tu sais, les bus aux heures de pointe, il y a beaucoup de gens et c'est un petit espace, tu vois, t'es serré. Ah, mais il y a plein de gens qui puent. Et qu'il y a des espaces où tu peux pas empêcher de commencer par un centre commercial quand tu vas. Ouais, tu peux pas t'empêcher. Non, tu peux commencer par squatter un centre commercial, par exemple. La semaine, il y aura moins de monde. C'est un grand espace, tu vois. Ça va pas, toi? Bah, il chante. Il dit bonjour. Attends, j'ai quand même. Non, mais sérieux, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est pas con. Tu vas dans un centre commercial. C'est balai, c'est super grand. À matin, l'ouverture en semaine, il n'y a pas un la semaine. Ouais, c'est vrai, Lisa, faut que tu sortes. Tu trouves le moyen de ne pas t'enfermer chez toi, parce que plus tu t'enfermes chez toi, plus t'es. Bah, le problème, c'est que tu t'enfermes là-dedans. C'est que déjà, qu'à la base, t'as pas forcément le contact facile pour aller voir les gens et tout ça. Là, en plus, t'es au chômage, donc du coup, tu restes chez toi et tu t'enfermes là-dedans. C'est un cercle vicieux. Vicieux, comme Patrick, par exemple. Absolument, oui. Faut que tu vois des amis. T'as pas une meilleure amie, je sais pas, qui aime, se sent bien dans tes. J'ai pas de meilleure amie. Ah ouais. Non, en fait, c'est-à-dire, je vois de moins en moins de personnes. Donc, moi, j'ai rien à sortir, mais je vais pas y aller seule, en fait. Bon, déjà, on peut peut-être trouver des auditeurs et des auditrices de Sky, si tu veux. Et puis, vous nous dites si vous êtes passé par là. Tu bouges pas, Lisa, reste avec nous. Tiens, il y a un mec de Saône-et-Loire, là. Ah, bah, vive la Saône-et-Loire. Cas de Christo. Elle a une voix sexy, pourtant, je suis des 71. Si elle veut qu'on parle, je suis un peu quand elle, j'aime pas trop les grosses foules. Ah, bah, voilà. Ah, elle est un peu comme elle. Ah, voilà. Tiens, on va te trouver un copain, vous serez au moins deux. Tu lis tu lis de mieux en mieux, Romano. Non, mais non, parce que c'est l'erreur venait de lui. C'est très bien d'ailleurs qu'elle ait réussi à vous appeler, nous dit Bed sur SMS, tu vois. Parce qu'au moins, ça montre qu'elle fait des efforts. Ouais, bah, c'est bien, Lisa. On va essayer de t'aider. Tu bouges pas. T'as envie de t'en sortir déjà. Reste avec nous. Merci. SCH au choix, tiens, on vous met lequel de SCH? Vous voulez lequel? Allô, maman. Allô, maman. Allô, maman. Ça va pas fort. Moi, je veux celui-là, moi. Aussi. Ou alors, je la connais. Oh, quoique, il est pas mal aussi. Hein. Ou alors, n'importe quel titre de l'album est aussi Champs-Élysées. La main sur les champs, je l'ai pas loué. Pas loué. Pas loué. Pas loué. Pas loué. Pas loué. Pas loué. Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. Champs-Élysées, allô maman, je la connais. Les trois titres, les trois sons de l'album Anarchie qui cartonne sur Skyrock. Bon, les premiers qui arrivent, c'est allô maman. Ouais, et puis tous ceux que vous avez découverts aussi dans le Planet Rap, le gros Planet Rap de SCH avant son grand tour dans les Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées dans la Ferrari, avec Romano et avec Cédric. C'était beau, surtout SCH. Allez mater la vidéo là, la vidéo qui est sur le difool.skyrock.com. Et il y avait Babacar de Magikar qui nous avait prêté la. C'est Babacar qui t'a pas te faire pas cher dans les oreilles. C'est Abdel. Mais pourquoi il disait qu'il s'appelait Babacar? Non, c'est Blablacar. Non, c'est Magikar. Blablacar. Mais non, il était là, Babacar de Magikar, bande de bâtards. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais que pendant tout le trajet, le mec hurlait ça dans les oreilles, j'en pouvais plus. Blablacar, bande de couillons. Il était là, Magikar, bande de bâtards. Et après, il y a eu la phrase. Il avait loué la voiture. C'était Magikar, bande de trimards, il disait. Et après, il était là. Ah, Romano, hein, pas cher la féfé, hein. J'étais là, ouais, pas cher. Il me dit, allez, fais une photo. Non, c'est une première photo. Je dis, bah, vas-y, fais la photo si tu veux. Et deux secondes après, ah, Romano, viens, on fait un snap. Ah, pas cher la féfé. J'étais là, il était là, dis pas cher. J'étais là, pas cher la féfé. Hey, tu vois, Lisa, c'est bien pas de cher, sortir, de voir du monde, de voir de la, de voir des gens. On peut raconter des trucs et c'est rigolo, tu vois. Ça a duré une heure. Et, hein, pas cher, Romano, la féfé. J'étais là, ouais, pas cher. Bon. T'as pas dit, dis pas cher, bâtard. Et là, c'était bon de trimar, il disait. Quitte pas, Lisa, reste avec nous, on s'occupe de toi. Et on fait le problème du mois tout de suite. Ouais. La lecture du problème du mois. Allez, c'est parti, comme promis. On met lequel? Ah, on lit là? Ouais, on va lire le problème du mois. Ah, joli, ok. Pendant ce temps, vous nous dites le SCH que vous voulez. Permet de choisir. Alors, le problème du mois de. Comment il s'appelle? Ah, bah, ils sont deux. Alors, attention. Ils s'appellent Samuel et José. C'est ça? Non, Jean. Jean, d'accord. Bon, alors attention, il faut bien suivre parce que. C'est la famille qu'on a appelée tout à l'heure. Précision directe, ils ne sont pas en couple. Hein. C'est deux potes. C'est deux potes. Alors, Samuel. Comme par exemple, toi et Cédric. Ouais. Voilà. Ouais, on va prendre un autre exemple. Tiens, ouais, toi et moi, non, Romano? Non, on va faire, tiens, Samy et Karim. Ouais, très bien, si tu voulais. Vas-y, ouais. Tu sais que vous deux, je vous verrais bien en couple. Casse-toi de là. Pareil, toi, mec. C'est mignon. Ça t'excite ou quoi? Eh, ça serait beau. T'es strange, toi. Un Marseillais, un Parisien qui baise ensemble. Mais ça, il est deux. Ouais, toi, tu te mets devant, Karim. Je suis derrière. Celui qui perd le match, il se fait enculer, c'est ça? Non, mais physiquement, vous iriez bien ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, si. Romano, t'as le. Si, t'as raison. Mais t'as, on les excite, Karim. T'as vu, ouais, non, mais il n'y a aucune excitation. Tu sais, des fois, tu trouves qu'il y a des couples qui sont bien assortis et d'autres pas du tout. C'est vrai qu'il y a toi, vous ensemble. Ah non, absolument pas. Si. Ah non, là, il est complètement déformé. C'est rigolo. Gâcherait ma beauté. T'as vu ta gueule, toi? Ah, voyez. Non, mais t'as une gueule pire que la mienne. Ta gueule. Alors, je vais pas attaquer le corps parce que là, on en a pas le temps. Mais alors, la gueule, t'es quand même plus amoché. Non, ta gueule, regarde, ta gueule. Ah, mais moi, déjà, j'ai pas des trucs en double ou en triple alors que normalement. Ouais, mais t'as des trucs en moins, par contre. Ouais, regarde, t'as plus de cheveux. Oui, non, mais d'accord. Ah bah, c'est mais... Chico. Non, mais globalement, ouais, mais à part les cheveux. Et les chicots. Non, mais les chicots taillent pas. T'as les dents, l'hôtel, sont à l'horizontale, les dents de devant. Tu lui manques 15 dents, il parle avec. Eh bien, c'est pratique pour poser des trucs dessus. Et ouais. Là, même quand il fait des photos, on voit que c'est dents. Oh, le bâtard. Parce que moi, je souris. En tout cas. Non, la bouche fermée, les dents, elles sortent. Ouais, bien sûr. Dis-lui, Cédric, si moi, on voit mes dents, moi, toi, on voit pas tes cheveux. Bah c'est vrai, ouais. Vas-y, on voit pas ses cheveux, ouais. Ah, mais c'est vrai, on voit bien mes dents. Toi, on voit pas ta gueule, on voit pas tes cheveux, tu vois. Pas ma gueule, ça ne veut rien dire. Donc, t'as pas pris la tête en photo, oui. Bon, alors, le problème du mois, allez, on passe bon, à la lecture. Attention, après, on n'aura pas de sérieux, temps. Là, parce que, ah, ouais, sérieux. L'autre con qui m'a mis les nerfs, là. Samuel, 45 ans, Jean, 51 ans, ils sont tous les deux de Laval, ils ont écrit au forum. Palais de la soumission. Oh là là. Eh ouais, c'est le palais de la soumission. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Déjà, première précision, nous sommes deux potes et nous avons changé nos prénoms pour garder notre anonyme. Ah, ils veulent rester anonymes. Ils veulent rester anonymes. C'est ça. Deuxième précision, nous sommes tous les deux bisexuels. Il nous arrive de faire des choses ensemble, mais ça reste relativement soft. En général, on se retrouve une fois par semaine, on mate des films de cul sur notre télé connectée, et à ce moment-là, souvent, on commence à se branler chacun, et ensuite, nos mains finissent sur la bite de l'autre. Nous nous branlons mutuellement. C'est rendez-vous branlette. Une fois par semaine. Jusqu'à l'éjaculation, c'est quand même la moindre des choses. Bien sûr. Mais lui et moi n'irons pas plus loin, nous le savons. Bon. Nous allons aller droit au but. Ah, comme l'OM. Ça, c'est beau, ça. Ah ouais, nous aussi, on se branle dans le stade. Il a tout dit. Car ce forum est un espace de liberté. Et nous, dernièrement, nous avons vu dans un porno, une scène où l'on voit deux femmes sodomiser leur mari en levrette avec des gants de ceinture. On y arrive. Ah bah ouais. Eh bien, depuis, nous sommes terriblement excités par ce film. Nous le regardons une ou deux fois par semaine. Ah, du coup, nous avons multiplié nos moments branlettes en commun. Mon ami, Jean, en a parlé à sa femme. Elle a l'air plutôt d'accord. Mais alors la mienne, pas du tout. Ah bon? Ah, fais pas. J'ai proposé à Jean, ta femme pourrait peut-être me sodomiser, moi aussi. Ah bah alors. Ah bah tant qu'on y est. Ah, tu proposes ça à ton meilleur ami. Non, bah, non. Ta femme. C'est logique. Effectivement. Il a refusé tout net. Oh, et pas toi, il m'a dit, soit on le fait tous les quatre, soit on ne le fera jamais. Notre but ultime serait de nous faire sodomiser côte à côte et de nous tenir la main avec Jean. C'est très très mignon comme scène. Ça, c'est chou. Et peut-être terminer face à face en nous embrassant. et en se faisant sodomiser chacun par notre femme. Oh non, t'imagines le truc. La tête, c'est vrai, c'est deux culs qui s'est fait dans sa tête. Mais... Rien que d'imaginer ça, rien qu'en écrivant ce message sur le forum, j'en ai limite déjà une érection. Non, mais en plus, avec les saccades derrière, tu te fais un coup de boule, non? Si t'es en face. T'as Marie, mais t'as toujours le don de te poser des questions à la con. Elle s'intéresse au moins. À la con ou de merde. Non, mais j'imaginais le truc. Mais tu imagines bien, Marie, c'est bien. Vas-y, Romano, fais comme si de rien n'était. Oui. J'ai beau assister auprès de ma femme. Mmh. Elle me dit qu'à la limite, elle veut bien me goder, mais pas avec un goût de ceinture. Ah, avec un je lui table. Dis qu'elle est complètement coincée du cul. Elle le prend mal. Mmh. Nous nous engueulons. Et de son côté, Jean, lui, sa femme n'attend que ça. Et son anus aussi, il m'en a parlé. Il est terriblement excité. Comment réussir à convaincre ma femme? Y a-t-il des risques quand même pour notre anus? Nous nous sommes posé la question avec mon ami Jean. Ouais. Il a bien raison. Oui. Risque-t-on de se parler, de se faire démonter le cul en parlant vulgairement? Nous sommes sur un forum de liberté tout de même. Ah oui, l'autre il n'arrête pas. Plus il raconte des trucs dégueulasses, plus là. Mais la liberté quand même. Ouais, c'est ça. Liberté. Égalité. Liberté chérie. Je ne sais plus où j'en suis. Je n'y arrive pas. Ma femme m'énerve. Vais-je être obligé d'être invité, de trouver une autre femme sur internet? Je ne veux pas en arriver là. Ma femme m'énerve. L'autre il a des idées aussi un peu spéciales. Aidez-moi à la convaincre. Oh, qu'elle m'énerve. Oh. Ah, il est très très énervé. Très content. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Et alors, supplie, pas il en peut plus là. Il en supplie là. Oui. Aidez-moi. Aidez-le. Il faut qu'on y arrive. Bisous. Eh bien voilà, le problème du mois, vous réagissez. Tu veux quoi comme réaction? Alors, si vous êtes un mec, ou si vous êtes deux potes et que vous avez déjà fait des trucs sexuels entre vous, par exemple avec vos deux meufs respectives ou avec une meuf, vous pouvez nous raconter. Si vous êtes un mec et que vous avez déjà pris un truc dans le cul, vous pouvez venir nous raconter également. Bien sûr. Si éventuellement vous avez déjà pris un truc dans le cul, vous êtes un mec, c'est votre meuf qui vous a godé, vous pouvez aussi venir. Oui. Oh. L'idéal serait avec un god de ceinture, mais on prend les godes classiques également, ou tout bien autre sûr. Objet en tout genre. Exactement, parce que c'est la tolérance du problème du mois. Et si éventuellement les filles, vous, ça vous dirait bien de goder votre mec d'une manière ou d'une autre. Eh ben vous êtes les bienvenus. Eh bien vous êtes les bienvenus aussi. Eh ben c'est parti. Là, vraiment, j'ai passé l'appel, mais problème du mois. Allez, on compte sur vous. 41 759 sur l'appli Skyrock. Vous envoyez vos messages et au 01 53 40 30 20. Ouais. Et le SCH que vous avez choisi, eh bien c'est Allô maman. 2/2 pour Allô maman. Ah ouais. 51% pour Allô maman. Masse. Ah oui, en masse. Juste après, on trouve Champs-Élysées et après je la connais. Eh bien on écoute Allô maman tout de suite. C'est sur Skyrock, c'est SCH. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock! Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Money show. Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock! Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur le football! Mon frère! Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes. Échangez vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Bienvenue sur Smax. Tu as créé ton profil avec une belle photo de toi. Niveau 1, franchi, tu as reçu un Smax. Smax à ton tour, vite. Niveau 2, franchi, tu viens d'obtenir un double Smax. Niveau 3, franchi, délivre la princesse de son célibat. Envoie-lui un message. PS, sois original si tu veux avoir une réponse. Sur Smax, c'est toujours toi le winner. Télécharge Smax. S-M-A-X. Ah, vous pouvez télécharger Yax aussi. Il y a plein de trucs en Ax qu'il faut télécharger. Super. Ouais. Yax, il y a un voyage au Maroc à gagner. Y-A-X. Il y en a deux même. Yax, avec le Yax le plus rigolo. Les deux meilleurs Yax partiront au Maroc. Et c'est pas beau ça? Ah, magnifique. Ah, magnifique. Y-A-X, Yax et Skyrock. S-K-Y-R-O-C-K. C'est reparti. Tous les soirs, 10 full radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Oh là, mais ça s'écrit pas S-K-A-I-R-A-U-Q-U-E-C. Non, ça c'est un peu compliqué d'ailleurs. Non. Skyrock. Là, il t'a dit mes messages. Non, il dit non. Non. C'est SCH. Allô maman sur Skyrock. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé. Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Mon chat est partout, tant tu m'attendras du rimel sous les cils. Nos photoportraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, j'me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, t'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo. Ça va pas fort, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en âge. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir. Te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, j'me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. Ouais maman, ça va. Je te rappelle après. J'ai plein de travail. Pardon. Allô maman, sur Skyrock, un extrait d'Anarchie, l'album d'SCH sur Sky. Come on! 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Et avant minuit, et pour vous seulement, les places pour Rihanna à gagner sur Skyrock, elle a 400. Rihanna est en Europe là. Et oui, ça y est, elle est arrivée. Elle est à Porto de Cervo, elle est avec Drake là-bas. Ça va la vie, dis donc. Ouais, ça va, ouais. Porto de Cervo, c'est en Italie, c'est en Sardaigne. Ouais, c'est ça, ouais. Et Rihanna, c'est un peu le Saint-Tropez de la Sardaigne. Ouais, et ben Rihanna, elle est aussi dans la roulette. On fera tourner, vous gagnez vos places pour Rihanna tout à l'heure. Préparez-vous, je vous donnerai le top pour envoyer vos messages. Marie vous tirera au sort. Bon, j'ai des bonnes nouvelles pour Lisa qui se sentait un peu seule. Eh, je t'avais dit qu'il y avait du monde sur Skyrock pour une agoraphobe, pas facile à supporter. Hein. Non, mais c'est bien. Ah, Lisa, fort. On a plein de messages pour toi. Dommage qu'elle soit loin, j'irai bien la voir pour pas qu'elle reste seule. C'est la nana qui nous laisse un message. Il y a Gros 11 qui, lui, serait prêt à venir te voir, tu vois. Il ouais, y a plein de messages. Il y a Soso de Saône-et-Loire aussi qui nous laisse un message, qui voudrait te rencontrer. Ça m'a arrivé, j'ai trouvé la solution. Tiens, on aura le témoignage aussi de Adrien qui a peut-être trouvé la solution, lui. Après, la solution, elle est aussi sur un travail sur toi-même. Donc, l'idée du psy, c'était pas mal, ça, quand même, tout à l'heure. Parce que quand on est bloqué, parce que toi, si vous venez d'arriver, je vous explique, t'es bloqué à la maison, tu sors pas trop, t'as plus de boulot. T'aimes pas la foule. Tiens, j'aime pas les festivals, il y a trop de monde, c'est dur en plein milieu, je peux rester 5 minutes, pas plus. Il y en a plein là qui nous ont laissé des messages. Sania aussi, moi aussi j'aime pas la foule, je me sens trop jugée par les autres personnes. Ouais, et regardez Thibaut qui nous dit j'étais à un concert, j'ai écrasé Romano, je comprends que ça le stresse la foule, mais on ne le voit pas. Et oui, parce que Romano est tout petit. Non mais c'est les mouvements de foule, tout ça. Tu sais, par exemple, j'ai des potes là, ils sont allés à un festival dimanche là à Paris, là, il y avait un truc de métal. Ah, donc ça pogote. Quand ça pogote, ça veut dire qu'ils se foncent dessus en dansant. Tu sais, c'était à l'hippodrome de Longchamp. Tu pourrais pas y aller, toi, Lisa, ça. Il y avait, je sais plus combien de personnes. Non, ça. Tu sais, ils ont fini parce qu'en fait, dimanche à Paris, il a flotté, mais à la mort l'après-midi, ils étaient là-bas. Ils ont fait genre 14h minuit là-bas. Ouais. Comme on dit en Bourgogne, Lisa, il a flotté comme vache qui pisse. Ah, c'est ça, ouais. Mais ils sont revenus plein de boue. Tu sais, ils m'ont montré des vidéos, les mecs sont en train de pogoter. Laisse tomber. Ouais, c'était un des plus gros festivals, ouais. Download festival. Tu vois, je suis pas agoraphobe, mais moi, j'irai pas dans un truc où on piétine avec de la boue. Ah ouais. Donc tu vois Lisa, il y a des limites. Mais en tout cas, il faudrait que tu commences. Moi, c'est pour dire que moi, ça peut m'arriver pendant plusieurs jours. Je sors pas de chez moi, je vois personne. Ça, tu vas pas. Personne. Non, et puis, tu vis seul. Ouais. Et plus tu restes chez toi, et moins t'as envie de sortir. C'est sûr. Bon, bah ne quitte pas, Lisa. On te passera Adrien dans un instant. Il y a le problème du mois aussi qui est en cours avec des témoignages. Ouais, ouais. Témoignage de Kevin de Melun qu'on va retrouver. Ah bah très bien. On va voir. On va voir. Et j'ai oublié Xavier tout à l'heure. Demande-lui si on peut le passer demain, Xavier, merde, Cédric. Ah oui. Xavier, c'était Poissman. Ah oui, c'est bon, on lui a dit bonjour tout à l'heure. Je lui dis bonjour, il y a une heure. Tu vois, c'est Poissman. Tu l'as oublié. Il a vraiment pas de chance, je l'ai oublié. C'est vrai qu'il fait Poissman, ouais. Ça se vérifie. Il a pas de chance, Xavier. Excuse-moi, Xavier, toutes mes excuses. Oh, le pauvre, putain, il va être déprimé, quoi. Ça m'arrive parfois, ouais. Non, mais tiens, on peut lancer un appel à ceux qui ont la poisse demain. Il peut passer demain, Xavier. Vas-y, on va lui demander. Ah, demande-lui, Cédric, s'il peut passer demain, Xavier. On lui demande là. Cédric, tu comprends, tu lui demandes. Oui, ah, mais ça y est, il a compris. Ah, mais c'est la folie le standard. C'est le problème du mois, Romano, énormément de succès. Il m'a dit, si d'ici demain il a pas de galère, ouais, c'est bon. Bon, alors Xavier, demain on te passe dans l'émission. On te le souhaite pas, Xavier. Voilà, putain, j'espère qu'il y aura. C'est Poissman quand même, faut faire gaffe. Hein. Bon, demain on parlera des poisseux. Hein, mais si en même temps, ça arrive, tu sais, la lot des séries et tout ça en général. Quand t'as une galère, t'en as plusieurs. Donc. Et pour les agoraphobes, je n'arrive plus à aller au magasin, je fais des crises de panique, c'est énorme, je pourrais témoigner. Tiens, on te mettra en contact aussi avec Seb du 24 qui nous envoie un message. Ah putain, horrible. Tiens, il faudrait essayer de l'appeler peut-être, Hipster du 13. Ah. Lui, il s'est retrouvé, tu sais, il y avait eu un braquage au casino d'Aix là. Ouais, je m'en souviens. Lui, ah oui, mais on avait eu deux auditeurs avant en plus. Et lui, il était dedans là. Hipster du 13. Ah ouais. Donc il a son numéro et il veut témoigner concernant la agoraphobie. Mais après je comprends que tu sois un peu traumatisé de sortir. Mais t'as eu un truc, tu te rappelles toi d'un truc qui t'est arrivé dans ta je sais pas dans ton enfance qui tu vois comme l'histoire qui vient de déclenche un blocage, les Romano en fait. Qui déclenche un blocage, c'est ça. Ben en fait moi tu vois, j'ai pas confiance aux gens en fait, c'est ça. Mais pourquoi? Mais il y a quelqu'un qui t'a fait du mal quand t'étais petite ou Ben, ou tu t'es perdu dans une foule avec papa maman? Non mais ça peut arriver. Moi je m'étais perdu dans une fête sur la Côte d'Azur. C'est là où t'es rentré dans la porte du coup. Fou, il avait 5 ans, là, dans la soirée. Ouais, j'étais en teuf. Sur la plage. Non, mais il y avait une fête avec des roues, des manèges, des trucs comme ça, et je sais plus où étaient mes parents. Avec des roues, je me souviens, ils disaient des roues. Mais tes parents, ils devaient être en panique. Ouais, ouais, bah oui. Bon, tu sais, tous les étés sur la plage. Perdre des gosses. Ouais. Non, mais ils sont retrouvés, mais tu sais, t'as forcément des gens qui viennent te voir. Ouais, ça arrive, ouais. Vous avez pas mis un gosse? Ou les sauveteurs, tu sais. Avec leur boule. Alors, vous n'avez pas vu un enfant, là, qui draine? Ah, si, on a plein dans l'eau, là. Il flotte. Et donc, t'as pas à te souvenir d'un truc comme ça, toi? Non, il n'y a pas, non. Non, je crois pas. Que, non, mais c'est vrai que je fais pas confiance aux gens. Et comme je disais à Fanny, en fait, je prends trop les choses à cœur, en fait, dans les relations avec les gens, tu vois. Je veux trop, en fait, tout donner. Mais c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, tu t'es, je sais pas, t'as été déçu par quelqu'un, il y a quelqu'un qui t'a baisé la gueule ou. Ah, tu vois, oui, donc il y a un truc. De toute façon, oui, je suis trop gentille, en fait. En fait, je suis vraiment trop gentille avec les gens et les gens, ils me baisent. Bah, c'est, bien. Voilà. C'est ce que je pensais de Lisa en parlant avec elle au standard, c'est qu'en fait, dès qu'elle parle avec quelqu'un, on dirait que c'est tout de suite son meilleur ami, tu vois. Et il y a des gens. Ah ouais, comme elle a pas d'amis. Ouais, mais ouais, c'est ça. Et en fait, il y a des gens, faut juste profiter du moment, délirer et tout, mais c'est pas forcé que derrière. De tout donner à la personne. De tout dire à la personne, de dévoiler sa vie, de la rappeler tout le temps. Enfin, mais tu vois. T'as non, mais déjà pas eu de. Un mec, par exemple. Pas se prendre la tête, quoi. T'es déjà sorti. Moi, j'avais posé la même question. T'es déjà sorti avec un gars? Oui. Et ben, ça sera peut-être pas mal, tu vois. Tu sors avec un gars, il t'incitera peut-être à sortir un peu avec lui. Oui, puis il y a ses amis et tout ça. Donc, du coup, tu t'inclus dans le truc et tu auras plus confiance en toi. Non, mais en plus, si quelqu'un te trouve belle et tout ça. Tout à l'heure, vous avez pas appelé, là. Il y avait le bourguignon, là, qui voulait la rencontrer. Si, mais j'ai tous les numéros. T'inquiète. Si, on les a appelés, là. J'avais le Creusotin, Il y avait Jules de Montsolémine aussi. Qui voulait rentrer en contact avec toi. Bah, tiens, il est là avec nous, Jules. T'es là, Jules? Ah, le Creusot! Bonjour. Oh, comment que ça va, Jules? Ah, excusez-moi, on parle pas toi, faut me prévenir. Ah, bah oui, mais bon, on est quand même au Creusot, là, Dieu. Tu vois, Lisa? Montsolémine. Ah, Montsolémine! C'est juste à côté, hein. Ah, non, mais je sais, je connais, t'inquiète. Salut, Jules. Bonjour, Marie. Bah, c'est gentil. Ça fait des années que je suis là, j'essaye de vous envoyer des messages et c'est la première fois que vous me rappelez. Eh bien, c'est un signe, tu vois. Comme vous êtes mignons tous les deux. Un couple de bourguignons, Romano, comme toi et la gothique. Romano, la gothique quand même, quoi. Non, oui, excuse-moi, Lisa, oui, t'as raison. Je suis désolé, oui. Tu as raison. Hein. Bon, et sinon, il y a une autre fille du Creusot qui est avec nous. Alors, c'est après Jules, Chloé du Creusot qui a 19 ans et qui veut aller boire un verre avec toi, Lisa. Parce que, oui, c'est pas pareil. Salut, Chloé. Ah. Salut. C'est gentil. Salut Chloé. Salut. La Bourgogne, vous faites honneur à Romano ce soir. Ah, c'est cool. Vous avez vu la solidarité bourguignonne. Le bourguignon à la main sur le cœur. Et le cœur sur la main. Ah, oui. La bourguignonne. Il y a un cœur et une main. C'est gentil, Chloé. T'as entendu Lisa et ça t'a ému l'histoire, non? C'est ça? Ouais, j'ai entendu, ouais. Eh ben, c'est gentil comme tout. T'es pas agoraphobe, toi? Non. Bon, non, j'aime pas trop les gens non plus, mais. Toi, t'es toute timide, tu nous as dit, toi. Qui, moi? T'es timide. Ouais, j'aime pas trop. Voilà, c'est ça, ça s'entend ouais. un peu, ouais. Non, pas du tout. Bon, vous serez mignonnes toutes les deux. Vous vous parlez quand même, hein, quand vous êtes. Ouais. Parce que deux timides en face l'une de l'autre, c'est pas facile. Non, mais elle aussi, non, il y a des trucs comme ça où il y a du monde déjà. Ouais, ouais, ouais. Il y a du monde, pas trop pour une agoraphobe, Marie. Non, mais pas. Allez en boîte, mais une boîte bien pleine. Non, mais genre aussi, ça va. Bah, au creusot, merci. Hein. Ah, il n'y a pas. Allez. Il n'y a plus de boîte du tout au creusot. Bon, Mado, il est triste. T'as vu, il n'y a plus rien. Non, mais bon, il doit rester un deux trucs claqués, quoi. Bon. Et puis Adrien qui est avec nous. Ah non, c'est pas pour le problème du mois. Ah, le problème du mois, ça arrive. On aura un témoignage de Jules, et de Kevin qui arrive. Et Adrien, donc toi, t'as 25 ans et t'es à Aix-en-Provence, c'est ça, Adrien? Coucou. Voilà, c'est ça. Salut, mais j'aime bien quand ça se passe bien, tu vois. Tu es arrivé avec. Oui, bonjour Adrien, c'est gentil d'appeler pour Lisa. Tu vois, Lisa, t'es arrivé avec, avec une demande, tu voulais rencontrer des gens, tu voulais des gens qui avaient le même problème ouais, que toi. Ouais, t'es sorti de ton problème, ouais. Eh bien, tout le monde est là, ça fait plaisir. Adrien, même Aix-en-Provence se mobilise, c'est vrai, c'est gentil. Mais t'as eu des messages de toute la France. Hein. Vive la France. Voilà. Ouais. Allez, et vive la France. Et allez, les bleus. Vive la République. Non, mais c'est vrai, vous êtes chou. Oui. Oh. Bah ouais. Vous avez ému la Marie. Bah ouais. Marie est galbée, elle va chialer. Donc. Ah, non, mais non. Il y a un peu plus des messages. Non, mais Marie, il faut s'en mettre quand même. Donc non. Toi, t'as été agoraphobe ou tu es agoraphobe? Non, t'as été toi, Adrien. J'ai été, là ça va beaucoup mieux. J'étais pareil que elle. Je pouvais pas prendre le bus, je pouvais rien faire. Et tu sais d'où ça vient ou pas? Je pense qu'en fait, c'est une perte de confiance en soi. Mais ouais, mais pourquoi? Mais dû à quoi, oui? Bah, en fait, je pense que c'était une rupture amoureuse et, et en fait, j'ai fait comme elle. Je restais chez moi, je faisais plus rien. T'as eu ça avec ta gothique, Romano, quand il y a eu une rupture amoureuse avec la gothique? Pas du tout, moi j'ai déjà eu d'autres meufs, donc. T'es pas devenu comme ça, non? Ah non, absolument pas, non. Non, d'accord. Non, parce qu'une rupture, c'est une rupture qui te fait du mal, quoi, toi, Adrien. Ouais, voilà, ça m'a fait du mal et en fait après je faisais plus rien et. Mais c'est quoi la rupture? C'est que tu t'es fait dégager salement ou? Ouais, un peu salement. Ça a été dur après 2 ans et tout et en fait j'ai perdu confiance en moi et. Ah c'est marrant, vous parlez plus de confiance. Ouais, mais c'est bizarre parce que quand même à cette époque-là, j'imagine t'avais encore des potes. Oui, j'en avais beaucoup moins parce que comme j'avais une copine un peu j'avais tout laissé pour elle. Ah, ouais. C'était une relou. Elle avait fait le vide autour d'elle. Ouais, puis t'étais malheureux, donc tu t'es recroquevillé. Ah bah de toute façon c'est ça le problème avec les potes, hein. C'est les potes, ils t'appellent au bout d'un moment, si tu dis à chaque fois non, bah ils t'appellent moins et puis un jour ils t'appellent plus du tout. Bah ouais, tu t'éloignes. Ouais. Si tu t'éloignes, ils reviennent pas. Ouais. Non, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. C'est quelqu'un, ouais, si tu donnes pas de nouvelles ou à chaque fois que tu l'appelles, le mec il te dit non, je viens pas, je peux pas, j'ai pas envie. Ouais, c'est ça. Hein. Bah, la semaine d'après, tu fais ça, ouais. La semaine d'après, tu le rappelles, bon, après tu te dis ouais, il fait un peu chier, je vais. Ouais, bon. Après, et puis au bout d'un moment, tu l'as. Après, ça te saoule, normal. Hein. Et comment tu t'en es sorti? C'est qu'à un moment, mes potes ils m'ont bougé, ils m'ont dit écoute, faut que t'arrêtes, faut que tu sortes et tout. Et en fait, le fait d'avoir trouvé un boulot aussi, ça m'a redonné confiance en moi. Disais, en plus, Lisa, tu disais que tu cherches un boulot. Il faut pas rester chez soi, quoi. Il faut pas rester chez soi, il faut sortir. Attention, pour le boulot, t'avais pas le choix, ouais. T'as des collègues, tu vas pas les tuer, quoi. Non. T'es obligé de les supporter, quoi. Non, il faut pas. Ouais. Il faut sortir, franchement, il faut vraiment sortir. Même si au début, c'est difficile, faut faire des efforts. Ah oui, c'est sûr. T'as trouvé une meuf, toi, Adrien? Ouais, c'est bon, j'en ai retrouvé une. Ça t'a aidé de retrouver une meuf t'as retrouvé... Ouais, franchement, ça m'a aidé. Ouais, parce qu'elle est là pour toi et tout, derrière toi. Ouais, et donc tu reprends un peu de confiance en toi. Bon, il faut pas qu'elle reste chez elle, hein. C'est le pire, ça. Adrien, il te donne de l'espoir, tu vois, il était dans le même état que toi. Ouais, non, mais je pense que déjà de retrouver un taf, tu vois, Adrien, ça lui a vachement servi, parce que du coup, tu seras obligé de voir des gens, quoi. Bah ouais. À moins de travailler de chez toi, mais bon, pour toi, ce serait pas bien. Mais même au travail, hein. Des fois, même au travail, j'ai l'angoisse, j'ai qu'une envie, c'est partir, quoi. Non, après, pour l'histoire de faire trop confiance aux gens. Tu fais pas du sport? Faut pas que tu fasses confiance aux gens, faut que tu aies confiance en toi. Je fais du sport. Ah bah ouais, c'est pas parce mal, c'est le sport. Le sport, ça me fait du bien aussi, moi. Le sport, je me sentais bien, je me sentais épanoui et tout. Non, mais de toute façon, on va te mettre en contact avec Chloé. C'est gentil, Chloé. On vous met en contact toutes les deux, les filles. Hein. Vous êtes à côté, en bah, plus. Bah, de rien. Bah ouais, vous vous rencontrez. De toute façon, bon, le Creusot, c'est pas bien grand. Hein. Jules de Mont-Soleil-Mines. Vous allez vite vous trouver. Hein. Jules, c'est juste à côté, en plus. Oui. Donc, pareil, on te met en contact avec Lisa. Puis c'est très gentil de m'avoir appelé. Puis tous les autres aussi. Hein. Je vous ai parlé de Soso, de Greg aussi, qui nous a laissé un message. Jules, du Creusot, il est content parce qu'en fait il a appelé pour Lisa, mais pour un peu ils vont faire rendez-vous à 3 avec Chloé. Ah bah, pas de soucis, hein. T'as vu? Attends, hein. Et les filles. Avec plaisir. Agoraphobe ou est-ce un petit peu. Oh, trois, ça devrait aller. Hein. J'ai une Porsche en plus si elles veulent. Oh, dis donc, Jules. Quel séducteur. Ah non, mais Jules. J'ai une Twingo, qu'est-ce qu'il y a. Ah bah écoute, Julie tourne en Porsche dans le Creusot. Ouais, à mon avis, là, tout le monde m'a reconnu. Je suis en Porsche, ma Jules. Je suis en Porsche dans le Creusot. T'as quand même plus l'accent limite. Bon, sympa, Jules, en tout cas. Merci. Raccrochez pas, on vous met en contact. Est-ce que je peux passer une petite dédicace, s'il vous plaît? Excusez-moi. Alors, petite dédicace. Qui veut faire une dédicace? Adrien. Bah, moi, alors, je veux faire une petite dédicace à Doudou. Oui. À Doudou et à mon pote JB de l'athlétisme, ces deux petites tapettes. Eh bien, voilà. On salue les deux. On salue tes deux potes. Salut à toi. Et, merci. Et raccrochez pas, on vous met en contact et on vous envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Merci beaucoup. Vas-y, vas-y, Jules. Merci à tous. Merci, Chloé. Vas-y. Oui, bah moi je voulais juste faire une dédicace à Lulu et à P2O. Voilà. Bah, salut Lulu, salut P2O. Et on prendra des nouvelles, Lisa. Ouais. Merci, ouais, bon, ok, ça marche. Bon, tu vois les auditeurs, hein, on te les envoie, mais tu vous voyez. Hein. Bah ouais, ça c'est une bonne solution. Téléphone, ça. Tu le fais pour nous. Non, en vrai. Il faut les voir en vrai, ils sont sympas. Voilà. De toute façon, on va mener l'enquête, on saura si tu veux. Il a des sauces qui sont dans le coin là-bas. Ah ouais, attention. Connais une meuf qui s'appelle La Gothique, elle va te suivre. Bah c'est sûr, je vais la prendre. C'est vrai, c'est une bonne solution. Donc vas-y Lisa. Ok. Non mais de toute façon, merci à toutes. Adrien, on vous rappellera. Ouais. On rappellera Chloé et Jules. T'inquiète. Déjà pour savoir si tu les as vus. Ok. Voilà, d'accord. Ça roule. On enquête. Porsche noir passé. Tu me fais signe. Ouais. Ah, Jules, depuis tout à l'heure, il se la raconte avec sa Porsche. Arrête, c'est tout le monde dit ça en plus depuis l'air. Bon, ben salut Jules, salut à toi. En même temps, c'est pas la voiture la plus discrète non plus. Non, c'est vrai. Surtout au Creusot. Ça dépend, c'est quelle Porsche. C'est un Boxster S, quoi, mais c'est pas. Ah ouais, quand même, ça va pour toi. Tranquille. Ouais. Voilà. Tu fais bien du bruit. J'ai eu un accident, en fait. J'ai eu un accident de voiture, et puis j'ai touché un petit peu dessous, et puis voilà, c'est tout. Alors, ça, c'est une nouvelle voiture, toute neuve, c'est une Porsche. Ouais, moi, j'ai fait des accidents, j'ai pas touché dessous. Bien comme pratique, ça, moi. Les assurances. Non, mais bon, en même temps, t'as peut-être pas le sciatique d'écrasé, quoi, donc. Ah, ouais. Ah non, ouais. T'as pas de tendinite, au moins, toi. De quoi, moi? Tu n'as pas de tendinite. Non, mais non. Car en effet, j'ai une tendinite. Tu es au courant, Chloé, que j'ai une tendinite. Oh oui, je sais. Et oui, c'est très très douloureux. Ouais, je crois qu'au final, c'est un peu plus chiant et un peu plus grave ce qu'il a eu. Voilà. Ah, mais tu t'arrives à conduire avec quoi, t'as une automatique, quoi. Mais bon, même normal, j'y arrive, mais j'ai pas le droit. Attends, sur voiture. Mais c'est quoi, genre, quand tu marches, t'es un peu bancal? Ah, je boite un peu, ouais, j'ai les jambes rouges qui se désactent un peu. Eh ouais, faire gaffe en voiture. Ah. Fais gaffe avec ta Porsche. Bon, en tout cas, merci d'avoir appelé, Jules, merci à toi. Et Chloé, encore merci. Bah, Lisa, de rien. Merci. Salut. Merci à vous. Salut. On va passer au problème du mois. Ah, parce que les témoignages arrivent et en masse pour le problème du mois. Alors Samuel et Jean, c'est deux copains. Oui. Alors de temps en temps, ils mettent des films de cul ensemble et ils se branlent mutuellement. Voilà. Pour se rendre service, c'est ça les vrais amis. Et un jour, en regardant un film de cul, ils ont vu deux mecs se faire prendre par leurs deux meufs avec un go de ceinture. Ça les a mis terriblement excités. Fan. Jean a demandé à sa femme, elle est d'accord. La femme de Samuel, alors elle, vieux jeu, ça vraiment, ouais. Complètement relou, elle est complètement bloquée, elle aimerait avoir des solutions pour la convaincre. C'est la seule qui est normale, la femme de Samuel. Ouais, c'est ça. Ils sont tous barges autour de moi, quoi. Témoignage de Kevin, de Melun, direct avec nous pour le problème du mois. Salut Kevin. Ouais Kevin. Ouais. Comment salut va l'équipe. Ça va Kevin. Ça va. Ça va. Alors, Kevin, qu'est-ce que tu voulais dire pour le problème du mois, toi? Voilà, j'ai un peu le même problème que... J'ai pas de problème avec un mec. Mais le problème c'est que ouais j'arrive pas à finir si ma jondesse me met pas un truc dans le cul, quoi. Ah ouais. Toi tu m'as joué et Marie est contente. Ah bah voilà. C'est le meilleur moment de la semaine pour elle. Non, c'est pas la victoire des Bleus pour elle. Rien à foutre. Alors un truc dans le cul. Ah ça. Non, mais là c'est merveilleux. Ça confirme ce qu'on disait il y a peut-être deux jours là sur la prostate. Non mais ça confirme pour Kevin, c'est pas forcément pour tout le monde. Et bah pour Kevin. Mais voilà. Kevin, alors attends, on va quand même rentrer un petit peu dans les détails. Tu peux, je pense. Bah évidemment. Ah oui, s'il te plaît monsieur Bidou. Kevin, en gros, c'est qu'à un moment de la relation, donc t'es en train de niquer, tu dis à ta meuf ou tu lui fais comprendre il faut que tu me mettes le truc dans le cul, il faut que je vienne. Ça commence plus avec des préliminaires au départ, plus un doigt qui a un doigt. Tu te fais lécher l'anus Ouais, elle te lèche un peu l'anus, bon, préliminaire classique, un petit doigt dans le cul. C'est ça, et après, ouais, en temps normal, il y a toujours deux, trois trucs. Et après, elle sort le matos, quoi. Qui sortent, et puis au final, soit je joue avec les gosses sur elle, et puis au final, bah. Ça a tendance à dériver sur moi et Mais au niveau du calibrage du god, on est à quelle dimension? Ouais, bon, classique, ça reste classique quand même. Hein. Mais c'est-à-dire Ouais, c'est-à-dire c'est pas un monstre que tu mets dans le cul, quoi. C'est genre taille d'une teub. Une bonne bite. Ouais. Oui, c'est pas le, ouais. Ça pas le diamètre d'un platane quand même. Non. Mais une bonne quand même. Non, mais attends, une bonne bite, faut la prendre quand même. Hein, ah ouais, non, ça tient un peu au départ, mais après, ouais, c'est. Et t'avais quel âge la première fois que t'as eu envie de faire ça ou que t'as fait ça? Ouais, j'avais 25 ans. Ah oui, mais le premier coup, tu t'es dit, c'est bizarre quand même, non? Ouais, ouais, au départ, tu trouves ça super bizarre. Mais tu l'as découvert comment, après... ouais. Hein? Je l'ai découvert, c'est une ex à moi qui est descendue mettre sa langue, et au final, j'ai vu que la patiente. Ah, c'est pas mal, dis donc, ça. C'était le bonheur. Oui. Absolument, ouais. Et elle avait un tout petit god, et elle a essayé avec le petit god, c'est bizarrement, j'ai apprécié, et au final, au fur et à mesure, bah, ça a été. Mais alors, souvent une question que beaucoup d'auditeurs se posent, est-ce que c'est déjà arrivé que le god ressorte sale? Non, jamais. Un mikado. Bravo, tu as l'anus propre. Moi, j'avais une autre question qui est plus propre, d'ailleurs. Un bon trou du cul bien propre, bien récuré. Oui. C'est comment tu demandes, en fait, aux nanas que tu rencontres que, bah, de te goder, en fait, pour terminer le truc? Bah, celle actuellement, je lui en avais parlé avant qu'on se mette ensemble, que j'avais un peu. J'étais un peu basé aussi là-dessus. Et au final, au bout de 6 mois, c'est un peu là, c'est lancé. Ah, mais tu l'avais dit avant? Ah ouais. Alors, je te préviens, ma chérie, je suis très anal. Hein. J'espère que tu as des godes. Je ne jouis qu'avec un truc dans le cul. Et sans truc dans le cul, tu jouis plus maintenant. Ah, j'ai du mal à finir. Mais non, mais quand tu te branles, ouais, à ce moment-là, est-ce que tu te mets un god dans le cul ou alors t'arrives quand même à te finir J'arrive à me finir, ça m'est arrivé, je le cache pas, ça m'est arrivé. Ah ouais. De te mettre un truc dans le cul ou de finir normalement? Les deux. Ouais. Bah écoute, comme ça varie un peu. Très bien. Non mais bon, écoute, pourquoi pas. Non mais écoute. Mais avec un mec, je pourrais jamais imaginer un mec. Par contre, ça c'est pas. Ah non, mais de toute façon, ça veut absolument rien dire. Non, ça, c'est pas aussi, tu prends un truc. Ah, Romano, en tant que godet professionnel, tu peux témoigner. Non mais c'est vrai, je pense pas manier qu'il y a god dans le cul, mais. Ouais, si. Non, plus. D'ailleurs, excusez-moi. Il se met à vibrer. À 23h57 tous les soirs, il se met à vibrer. J'avais mis l'alarme. Non mais c'est vrai, ça veut pas dire que t'es homo. Ah non, mais pas du tout. Moi, je sais que, bah toi. A priori, c'est pareil, mais moi, je sais que jamais un mec, je toucherai jamais un mec, quoi, tu vois. Il y a Rajou qui nous fait qu'elle, elle a une collègue qui gode son mec et qui lui raconte des trucs de malade au boulot. Ah bah tiens, c'est sympa. Et tiens, parce que j'ai fait cette nuit, t'es en train de boire ton café le matin, t'es content. Oh putain, hier soir, je lui ai mis un god. Le truc est ressorti. Oh, tiens, la couleur du chocolat que je suis en train de boire. Un truc de ouf, regarde. Tiens, ça me donne envie de bouffer une barre chocolatée, tiens. Bon, dans un instant, le témoignage. Merci Kevin, raccroche pas, on a le témoignage de Jules aussi. Il y a moins de gras. Gratter. Il y a moins de gratter ou pas des places de l'euro ou pas? Ah non, les places de l'euro demain matin. Ah bah ouais. En plus, ouais, les places. Là, tu en demandes beaucoup. Bah, t'attaquer demain matin. Un petit maillot alors. Non, mais toi, on avait bien remarqué, t'es un gourmand, toi. Ouais, on t'envoie, Kevin, raccroche pas. Et donc, oui, les places de l'euro demain matin, dans le morning, entre 6h et 9h. Les places pour Rihanna, tiens, on va vous les offrir tout de suite sur le 41759 et la piste Skyrock. Vous vous inscrivez, j'ai dit que je donnais le top avant minuit. Bah, je suis dedans, regardez. Ouais. 23h58. Vous pouvez laisser vos messages au 41759. Avec votre appli Skyrock, profitez, c'est gratuit et vous faites tourner la roulette. Dans un instant, ça tourne. Ouais, et tiens, j'ai un message rapport au problème du mois, là. Oui. Jérém du 69006 qui, lui, est gay. Et il dit gay, mais moi, les godes, c'est pas possible. Mais une bonne queue, c'est aussi stimulant et c'est plus chaud. Il n'y a pas des godes chauffants. Bah, tu passes au micro-ondes. Ah ouais, on l'a vu. C'est ton micro-ondes. Au grille-pain. Avec ta barquette de frites. Oui, c'est ça, ouais. Donc, Jules vient témoigner. La roulette va tourner. Et la réponse du problème du mois aussi. Eh oui, avec la réponse, c'est Godeuse62. Parce que bon, c'est des internautes qui se répondent entre eux. Ah, il est bien son pseudo, c'est Godeuse62 va répondre à Samuel et Jean du problème du mois de ce soir. Et pendant ce temps, tout le monde s'inscrit pour la roulette. Il y a Kevin qui s'inscrit. Julien aussi. Salut Julien. Léo, Noémie. Flora. Ben, il y en a un qui va être tiré. Oui. Qui va être tiré au sort, Snoop du 33 qui s'inscrit également, un autre Kevin, les Kevin sont là en masse. Amine également, bonjour Amine, pour Riri Amine, et bien on fait tourner la roulette et on retrouve Jules et la réponse pour le problème du mois tout de suite sur Skyrock. Yes. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock, rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock. Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur le foot music. Champion, mon frère. Je Jardine, c'est la toute nouvelle appli gratuite pour créer ton potager sans prendre la tête. Je Jardine, c'est des vidéos pour t'aider à planter des légumes chez toi. Sur Je Jardine, tu visualises ton plan de potager, tu reçois des alertes quand il faut arroser ou récolter et tu partages tes plus belles photos avec tes nouveaux amis jardiniers. Je Jardine est disponible gratuitement sur iPhone et Android. Télécharge maintenant pour profiter de ton cadeau bienvenue. Je Jardine est une initiative du Crédit Agricole. Love au 6-20-70, rencontrez par SMS des centaines de gens qui vous ressemblent. L'amour de toute une vie, votre nouvelle sœur de cœur. De nouveaux amis, Love, L-O-V-E, au 6-20-70. Le service de chat 100% SMS et sans abonnement. Envoyez Love au 6-20-70. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Et c'est parti sur Skyrock avec le son de Florida tout de suite, ma house. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my. Shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down. Hit the brakes, we don't have to go. Cheers to this. Welcome to my house, play that music too. Turn it out, show me what you do now. We don't have to go out. My house. 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Et ouais, 21h minuit, mais minuit 3, 4, 5, 6, 7. On fait tourner la roulette là dans un instant avec les places pour les concerts Skyrock de Rihanna. 400 places à gagner pour aller voir Rihanna en concert dans toute la France. Avec Sky, la tournée, ça démarre dans un mois. Elle est en Europe, Rihanna, elle est en vacances en Italie, en Sardaigne. Ouais, à Porto de Cervo, elle a été prise en photo sur une plage et a priori il y aurait Drake. Étonnant, tiens. Ça va, elle a du goût. Bah ouais, ça va, ouais. Porto Cervo, c'est super, ouais. Ah bah ouais, ouais, c'est pas le meilleur endroit de Sardaigne. Non, c'est pas le plus, ouais, c'est pas le plus joli. C'est un peu comme ça, Trop, c'est pas le meilleur endroit de la Côte d'Azur, c'est pas. Ouais, ouais, ouais, y a rien à faire, déjà. Bon, on va faire tourner. Non mais il y a que des boutiques de luxe, c'est comme Saint-Tropez en fait. Après t'as ouais, d'accord. Eh ben c'est là-bas où t'as le bar où j'avais été là où c'était 35 euros le café. Génial, un bar, je vais y aller. Ah ouais, putain, ouais, c'est vrai, t'en as pas. T'hésites à payer un café ou ouais, non mais t'en prends pas. Du coup t'en prends pas. En fait c'était 35 euros mais peu importe, t'as même la bouteille d'eau est à 35. Toute la carte est à 35. Toutes les consos 35. Ouais, si tu prenais un cocktail c'était 35 balles. Oh la vache. Et ça. Bon, on a regardé, ben on est allé plus loin. Ouais, bah, tu m'étonnes. Mais tu vas me dire, là-bas, tout est cher, quoi, donc, mais puis, mais ouais. C'est énorme. Non, mais puis c'est une ville, tu sais, tu passes pas tes vacances là-bas, tu vas une journée pour voir, il y a des bateaux, oui, il y a des gros bateaux, c'est sympa à regarder. Et bah, Rihanna s'éclate actuellement, elle va être en pleine forme, mais toute bronzée pour les concerts de Nice, Lyon, Paris, enfin, Saint-Denis. Toute et détendue. Lille. Et vous aussi, vous allez y aller, plein de places à gagner toute la journée, du morning jusqu'à la radio libre. Pour la suite, ah oui, il y a Jules. Bonjour, mon cher Jules. Bonjour, Jules. Bonsoir. Bonsoir. Comment il va? C'est Jules du 02, notre facteur. Oui, allez, allez, un fidèle de chez fidèles. Alors, oh là Jules, là. On appelle pour le problème du mois ce soir. Eh oui. Eh oui, Jules. Eh bien, on en apprend des vertes et des pas mûres. Hein. Surtout des pas mûres. Ah bon? Mais alors, toi, tu as des pratiques anales? Ah, mais moi, l'anus, j'adore. J'adore. C'est sa vie. Ah ouais, tout va bien. Et vous avez vu, vous avez votre facteur qui vient chez vous. Ah, méfiez-vous, hein, il a des pensées parfois bizarres. En général, ils ne savent pas ça. Toutes les lettres chez marron, là, les lettres sont toutes marron. C'est même les blanches, elles deviennent marron. Tout à l'heure, quand on parlait des chaussettes et tout ça, t'avais laissé un message sur les colis, tu disais qu'il y avait des colis qui puaient. Ça te plaît, toi? Non, mais c'est vrai, des fois, il y a des colis, c'est suspect, quoi. Ça pue. Non, mais je suis sûr, mais ça doit être. Tu t'es déjà branlé dans des lettres ou dans des colis de ce que tu livres après? Non, pas quand même. Je sais que c'est déjà branlé au taf, c'est salopard. Avant de faire la tournée sur le vélo. Oh, le vélo, mais le vélodrome. Attends. Alors, je l'écoute bien la réponse du problème du mois. Tu vas nous dire si tu te sens concerné. Qu'est-ce qu'on pense donc? Comment s'appelle Godeuse62? Godeuse62. Oui. Alors, la réponse. La réponse du problème. Tu veux la musique? Bah ouais. Allez, ouais, musique pour la réponse du problème du mois. Très longtemps qu'on n'a pas mis le sport élec d'ailleurs. Salut. Mais il marche plus ce bordel. Si, t'inquiète. Si, remarche. Là, on la réponse. On verra la semaine prochaine. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux te fesser à la place? Non, ça va. Est-ce que t'es fantastique? Mais tu peux les laisser un peu de côté parce que Karim, dès que la nuit tombe, il change. La journée, il fait le ramadan, mais la nuit. Il se transforme le Trump. Ah ouais. Mais t'es chelou. Ah ouais. Ça travaille le ramadan, dis donc. Non, mais là-haut, il t'entend, Rouya. Romano, t'inquiète. Je te sauve, Romano, sport élec, il est réparé, t'inquiète pas. La réponse. Mettre la fessée. La réponse de Godeuse. Godeuse. 62. Godeuse 62. Oui. Salut les gars. Salut Godeuse. Salut Samuel et les gens. Il va falloir soudainement redescendre sur terre, les garçons. Non seulement, vous êtes bisexuel en cachette. Ah oui, il veut prendre des gouttes de ceinture dans les fesses. Bon, c'est vrai que de se branler mutuellement avec un pote, là, t'es quand même un peu dans la bisexualité. Hein. Oui. Ce qui, pour une femme, serait déjà bien dur à avaler, sans mauvais jeu de mots. Beaucoup d'humour, cette gaude de 62. Très drôle. Et par-dessus le marché, vous souhaitez organiser un plan A4 où les femmes vous sodomiseraient. Je n'y crois pas une seconde, même avec la meilleure volonté du monde. Effectivement, une des deux est d'accord. Mais est-ce que devant le fait accompli, le sera-t-elle encore? Telle est la question. Autant honnêtement économiser pour vous payer une belle chambre d'hôtel avec de belles prostituées ou trans pour s'occuper de vous. Prostituée. Allez, merci de traduire, Marie. Non mais c'était pourtant clair. Autant honnêtement économiser pour vous payer une belle chambre d'hôtel avec de belles prostituées ou trans pour s'occuper de vous et de votre anus. Votre idée, c'est trop à encaisser d'un coup pour deux femmes innocentes qui n'ont rien demandé à personne. C'est vrai, elle est pauvre. Je pense que vous ne réussirez jamais. La seule solution. Elle est optimiste, Godeuse 62. Ah ouais, c'est super, ouais. C'est cool. La seule solution, demander à une prostituée de vous le faire. Je ne vois que ça. À bientôt et bon courage tout de même. Voilà, c'est bien le courage. Un message d'espoir. Toi, tu m'étais. Merci Godeuse 62. Non mais c'est vrai que aussi pour le coup de fil. Marie, tu te mets dans la situation. Ton mec il vient te voir, il te dit avec mon pote on se branle régulièrement. Hein, et là on s'est dit avec sa copine vous pourriez nous goder tous les deux. Ah non, horrible. Alors tu vois Marie. Ah non, moi ça passe pas. Ah Jules, ça lui ferait plaisir par contre. Hein. Ah ta copine elle arrive avec un god mon Jules. Ah ouais non mais moi c'est bon, moi je prends tout, je suis ouvert de tout. Très ouvert, très ouvert. Jules. Non mais Jules, tu te fais goder par une meuf, par un mec ou tu te godes toi-même? Les trois monsieur. J'ai déjà demandé à une meuf. Ça s'est pas trop bien passé. Ouais. Par contre, ça m'est arrivé avec des mecs, oui. Ah là, ça gode. Dis donc. Et pas tout seul. Ah, non, mon petit cochon. Hein ah non, mais moi je suis ouvert de tout et de partout. Ah bah ça, on l'a bien marqué. Vive Jules le facteur. Merci Jules. Ouais, franchement, merci en tout cas. Et vive la poste. Et les places de concert pour Rihanna à gagner tout de suite. Ah oui, vive la poste. Salut Jules. À demain matin. Salut l'équipe. Salut à toi. Bah oui, parce que demain matin il bosse. Bisous. Jules. Ciao Jules. Et Jules. Ça bosse demain matin. Bah, moi j'en suis tout ému de tes révélations. Ah ouais, et vive la Timon Mano. Ah merci mon pote. Et demain clash. Demain je compte sur vous. Et tout de suite, Rihanna a gagné, c'est sur Sky. 400 places de concert Rihanna à gagner sur Skyrock. Ouais, ouais, ouais, avec Flora de Toulouse qui a été tirée au sort. Bonjour Flora. Oui, bonsoir toute l'équipe. Ouais, Flora, ça va, Flora, salut Flora. T'as 17 ans. Gros dédicace à Roman, ouais, je vote pour toi que je la drague. Ah, merci, chaud, merci Flora, bisous. Cédric, faut mobiliser les troupes, t'entends hein. Ah, t'inquiète pas, je vais mobiliser ça, mon frère. Salut Romano, en ce moment. On est là. Ah, merci ma belle. Tu fais quoi dans la vie, Flora? Ben, je suis étudiante en mode. Modéliste. Ah, comme Pamela. Ah, comme Pamela, j'allais te le dire, tu vois. Ah, moi aussi, je suis modéliste. Salut, collègue. Ah, ça va bien, Pamela? Ah, ben, ça va nickel. Eh bien, Flora, tu vas aller voir Rihanna, j'espère, en tout cas. On fait tourner ta roulette. Rihanna à Nice, à Lyon, à Paris, à Saint-Denis et à Lille, dans les stades et avec Sky. Oh, c'est top. Eh bien, fais top quand tu veux. De l'élan, on va voir si ça paye. Et ben ça paye deux places pour Rihanna, c'est gagné Flora. Et... Bravo Flora, tu vas aller voir Rihanna. En plus, j'ai le bac demain et c'est mon anniversaire dans deux semaines. Là, ça tombe bon, à pif, merci. Que d'événements. Et après, tu iras voir Rihanna en concert, tu vois. Ah, trop bien, merci. Bravo Flora, félicitations. On te fait un gros bisou. Merde pour le bac, hein. Ouais. Ouais. Eh ben ouais. Bien après. Et bon courage. Et demain matin, viens te réveiller avec nous, ça va t'aider pour le bac. C'est ah, ben oui, bien sûr, toujours. On te fait un bisou, Flora. Salut Toulouse. Gros bisous à toute l'équipe. Ciao, Flora. Bisous, ciao. Ciao à vous. Et mon journal des bleus, je m'assois. Ah merde. Et puis le top bug demain. Journal des bleus. Allez, avant de finir. Non, faut faire le journal des bleus. Ah ouais, quand même. Attends, ah bah ouais. Ah bah oui, sinon les nouvelles, elles seront plus nouvelles. Bah demain. Ouais, c'est clair. Et demain, demain, on fera le top bug aussi. Ouais. Et on prendra Xavier, que j'avais. C'est Poissman, vous savez. J'ai dit qu'on prendra Xavier Poissman. Ah bah lui, il a le poisson ce soir, on l'a oublié. Ouais. C'est ça. C'est vrai qu'il c'est grave. C'est en même temps, Diffoul l'a oublié, la personne. Désolé, Poissman, j'ai pas fait exprès. Alors, le journal des bleus. L'Euro 2016. Journal des bleus. Wouh. Samy, c'est joli. Alors, Samy, les nouvelles du jour. Alors, on commence par les bleus. Ils sont rentrés cette nuit à 4h du matin. Fontaine. Il y a eu un petit petite mise au point avec Didier Deschamps et Pogba parce que cette nuit est sortie la vidéo où Pogba danse en faisant des bras d'honneur, c'est une nouvelle danse. Ouais. Et Didier Deschamps lui a fait mais qu'est-ce que tu fais, tu as fait des bras d'honneur sur le terrain. Bon, faut préciser que cette vidéo, qu'est-ce que en fait, c'est que c'est que cette danse de merde. En fait, elle est pas pensée, elle est pas passée hier à l'antenne sur Bein Sport. Non, mais ils ont pas voulu la mettre parce que eux ont décidé de pas la diffuser, tu vois, pour éviter toute polémique. La merde, oui. Ouais, ou parce que bon, voilà, ils ont. Non mais parce que ça fait très bien, tu vois, là, c'est sorti sur le net déjà, ça fait déjà polémique. En fait, c'est pas sorti sur le net. C'est qu'en fait, si tu veux, il y a une société qui fait les images de tous les matchs, qui les balance à toutes les chaînes du monde qui ont les droits de diffusion. Et chacun, après, chaque réalisateur décide quelle image il met. Bein et TF1, ils ont décidé de pas la mettre. Mais par contre, la RTBF en Belgique, eux, ils ont eu l'image et ils l'ont mis en direct. Bonjour, que c'est la RTBF qu'on va mettre l'image où que l'autre, il fait un bras d'honneur. Hein. Bah ouais, que le Pogba, là, pour foutre la merde. Pendant qu'il y avait un autre ralenti sur la une, ben, en Belgique, il y avait cette image-là. Donc en fait, c'est tout de suite sorti. Et c'est arrivé en France après dans la soirée hier. Et bon, effectivement, Pogba, on le voit clairement, il fait un gros bras d'honneur. Ah, je savais pas ça, au moment du but de Dimitri Payet. Donc ça fait un peu la polémique cette nuit et ce matin. Et non, bon... c'est vrai, ouais, j'ai vu sur les trucs. Bah, qu'est-ce qu'on en prend des choses dans le journal des Bleus hein. Bah tu vois, non, non, et en fait, c'est son agent, c'est pas Pogba qui a démenti, hein. C'est son agent qui a fait voilà, une intervention cet après-midi. Oui, l'italien, là. Ouais, voilà. Et qui a dit, en fait, que c'était un truc que Pogba faisait avec ses frères et ses potes. C'était une sorte de danse à lui. Oui. Et dès qu'il y avait un but, il célébrait un but comme ça. Ah, ça, c'est bien. C'est bien une excuse d'italien. C'est la danse, il fait une sarabanda. Non, mais ouais, c'est bien que tu dis d'avant. Les Anglais non plus, ils ont pas diffusé, pareil. Ouais, ouais, en fait, il y en a plein qu'on décide de pas diffuser. Bon, les Belges, ils sont pas gênés. Bah oui, qu'on l'a passé. TF1 l'a diffusé à 20h, tiens. Ouais. Bah en même temps, de toute façon, oui, c'est passé partout. Ah oui, maintenant, ouais, l'image, la vidéo, elle est. Bon, allez, Polo, on apprendra ta danse. Ouais, bon, y a pas de problème. C'est vrai que bon, c'est pas. Voilà, y a des petites polémiques sur lui en ce moment, mais faut être solidaire derrière les bleus. Oui. Tu m'apprends la danse, tu vas te faire reculer. Après, regarde, Pogba, je vais la faire la danse. Le prochain match, tu joues pas. Je sais pas si vous y voyez un signe, mais le dernier Français qui a fait ça pendant une grosse compétition, c'était en 1998. Dugarry, le premier match, était très critiqué. Il avait marqué un but, c'était tourné, c'était au Stade Vélodrome en plus, tu vois. La coïncidence. En plus, ah bah, ouais, décidément. Il s'était tourné face à la tribune de presse. Il avait fait exactement le même geste au Pogba. Derrière, la France était championne du monde. Oui, quoi, après, il faut se méfier. C'est... Non, c'est un signe. C'est non, mais il y a aussi Nasri qui l'avait fait. Le mec, on le voit plus en équipe de France. Ouais, mais bon, laisse-moi choisir les bonnes histoires. Ouais, je prends l'exemple de Samy. Voilà. Moi, je te prends l'exemple de Nasri. Il l'avait fait. Il avait fait, ouais, fermez-vous une gueule. Bon, comme... bon, sinon aujourd'hui les bleus surtout au repos parce qu'en fait ils sont rentrés très tôt ce matin, enfin très tard dans la nuit. Donc machin, l'avion. C'est à Clairefontaine. Ils se sont décrassés ou pas? Alors décrassage uniquement pour les ceux qui n'ont pas joué hier, qui ont fait même un entraînement un petit peu poussé. Ils devaient jouer contre l'équipe de 19 ans du PSG. Mais au dernier moment, ils leur ont mis un lapin. Bon, ils ont pas joué contre eux. Donc, les petits jeunes sont venus. Ils ont cru qu'ils allaient jouer contre les Bleus. Eh ben non. Ne rentrez pas à Clairefontaine. Non. Donc voilà, les autres, ceux qui ont joué hier, ils sont juste restés en salle de soins, massage, tranquille, repos, petite rééducation, pas de fatigue, quoi. L'important, c'est le repos. Petit plan en sécurité Euro 2016. Ah. Alors, il y a des chiffres qui sont tombés. 323 interpellations depuis le début. Depuis le début. C'est tout. Ouais, bon, alors sur les 323, il y a 196 gardes à vue. Il y a 8 prisons fermes. Ah, quand même. Il y a 3 prisons avec sursis. Et il y a même un Russe qui a pris 2 ans, enfin, qui va prendre 2 ans et demi de prison. Okay, 2 ans et demi de prison. Pas mal, pas mal. Bah, écoute, il va avoir le temps de découvrir la France. Et 24 supporters qui ont été, enfin, supporters, hooligans, comme vous voulez, qui ont été. Après, il y a la frontière. Il y a un ministre, déjà, de Poutine, là, qui a dit. En fait, qui a convoqué la guerre, on va faire la guerre. Non, mais déjà, le mec, il a gueulé, il a dit. Ouais, libéré. Il a convoqué ça, il a demandé la libération. Il a dit, ouais, c'est scandaleux que des mecs se fassent arrêter juste pour se battre. Oh, mais les autres ont défoncé toute une ville. Le mec, il s'en ça normal. Elle a dit oui, ça serait quand même que ça serait quand même dommage que ça dégrade les relations entre la France et la Russie. Ouais sympa. Il a dit ça au consul français qui est de Moscou. Bombe atomique, boum, la France. Non, ouais. Terminé, boum, pas d'euro. Un vieux coup de pression quoi. Ok. Bon, sinon, voilà rapidement les matchs de demain. Italie-Suède, 15h à Toulouse. Oui. République tchèque-Croatie, 18h Saint-Etienne. Et demain soir, Espagne-Turquie, 21h à Nice. Saint-Etienne, c'est dommage qu'on ne diffuse pas le match de Saint-Etienne demain soir. Oh, genre le Mais il est beau, l'Alliance Stade Geoffroy-Guichard, oui. Ah, non, mais à Nice, il est joli. Hein. Stade Geoffroy-Guichard, mais attends, mais t'as pas vu ton stade. Jamais vu en vrai. Ton stade Gifou l'autre fois là. Magnifique. Non, mais attends, il y a une alarme d'évacuation qui est partie toute seule. J'ai vu le truc. Parce qu'il est sécurisé, c'est les pour ça. Les mecs n'arrivaient pas à l'arrêter. Mais c'est la sécurité. Tous les gens ont paniqué, tout le monde est sorti du stade en panique. C'est bon, heureusement, il n'y avait pas grand monde, c'était genre 2 heures avant le match. Mais, c'est bien. Et le mec n'arrivait pas à arrêter l'alarme, tu vois. Mais on est au top au niveau de l'organisation. Ah ouais, c'est bien réglé, la pression. Bon, demain soir, le match à suivre, c'est donc. Demain, c'est Espagne-Turquie à 21h. C'est bien. Allez, on compte sur vous, les Espagnols, les Turcs et tous les autres. Et bah, c'est fini pour ce soir. On vient demain, oui. 21h. Donc, avec du foot à suivre, vous tous en direct. Notre poisseux aussi. D'ailleurs, si vous êtes poisseux, un petit peu comme Xavier, vous pouvez nous laisser des messages. Et puis, on vous retrouvera demain dans l'émission. Vous envoyez ça à difoul@skyrock.com quand vous voulez. Et en message privé sur les réseaux, hein, Facebook, Twitter, aussi, et oui, Instagram. Allez-y. Demain, 21h, Radio Libre, en direct, vous tous, vous toutes, dans l'émission, bien sûr, quand vous voulez. Ouais. Et demain matin, eh ben, le morning est là avec vos places pour l'euro à gagner. Ce matin, on était dans les demi-finales. Qu'est-ce qu'on va vous offrir demain matin? Je ne sais pas, c'est la folie. C'est le suspense. Ah là là. Bon, allez, à demain. On se souhaite une bonne nuit. Et c'est Prisca qui arrive. Urban Music Non-Stop. Et on démarre avec Mike Posner. I took a pill in Ibiza. Mike Posner. Et bonne nuit à vous. Ciao. Après t'avoir offert tout le monde. Allez, salut. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock. Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Morning show. Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock. Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Champion, mon frère. I took a pill in Ibiza. So Avicii, I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad soul. Darling, oh, I know a sad soul. Sad soul. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work